Corazón, corazón. Yo te vi, a mí se me paró el corazón, me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo. Discúlpame, mi amor, por esta invitación. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerde la boca. Yo solo quiero verte bailando sin ropa, en la misma cama, en la misma nota. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos nada. Tranquila, hay que ver mañana. Énergie. Nouveau hit. Nouveau hit. Hit. Tout frais. Cecilia Krull. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need. Try to make J'ai envie de dire le calme avant la tempête. Hein. Puisqu'à partir de 20h, c'est Vin. 21h, c'est Vin que vous retrouvez sur Énergie. Ouais. Et toute son équipe qui est là. Ah, ça fait bizarre de t'avoir comme ça face à moi. Ça va bon à ce point-là, pourquoi? Ah, ça fait bizarre. Ah, bah parce que je suis un grand fan. Je suis un grand fan de base. Toi, t'es fan, arrête. Ah, je suis fan. Je suis fan arrête, et aujourd'hui, on se passe le micro, je trouve ça incroyable. Bah écoute, c'est ça la vie, c'est ça qui est beau, n'est-ce pas? Mais tout à fait. Mais fan, mais quoi? Mais comment fan? C'est-à-dire, quoi, tu m'as écouté avant et toi? Ah, je t'ai écouté, oui, tout à fait. Ma man. Je peux pas le dire ici parce qu'il y a les patrons qui sont là. Hein. Je ne t'ai jamais écouté. Genre, hé hey, mon pote, c'est quoi? Je suis content d'être là. Ah bah j'imagine. Je suis super heureux, ça me fait du bien. Je sais pas, j'ai... Ah je me sens vive, en plus je suis avec la famille qui est là, avec les potes et tout. Lara, Nigel et tout. Exactement. On va les présenter, on va présenter tout le monde comme il faut. Et merci à tous les auditeurs. Tu sais que là sur mon Instagram, ouais. Je voulais dormir 20 minutes parce que je suis crevé. Ouais. Tu sais que sur mon Instagram ça arrête pas. J'ai hâte sur Twitter et tout. Franchement je suis choqué, ça fait plaisir. Et je pense que ça va être encore pire pendant que vous allez faire l'émission. Eh non mais attends, j'ai pas appris la réalisation de l'émission, c'est pas une blague. C'est pour ça que je reste, je fais des heures sup. Non mais vraiment tu vas rester avec nous jusqu'à minuit. Ouais. Non mais il va y avoir des meurtres auditifs. Ah, je m'attends à tout. Non mais la machine elle va pas suivre, elle va dire mais c'est qui ce branle, ce branquignol là devant moi là. T'inquiète, je serai là. Vince, vous le retrouvez dans même pas 2 minutes. Grave. Sur Énergie. On a parlé longtemps. Hein. Moi je vous retrouve dès demain à partir de midi. Ciao. I'm coming for Bienvenue sur Énergie. Vince. Oui. T'es prêt? Prêt pour quoi? Viens, suis-moi. Voilà le topo. T'es le seul mec qui peut prendre cette tranche horaire. On a essayé tout le monde. On a demandé aux voisins, aux pompiers. On est monté jusqu'au Premier ministre. On a même demandé à ta mère. Mais personne n'a tes compétences. Non, les gars, j'ai raccroché. Je suis devenu dresseur de crabe maintenant. Eh ben, ça tombe bien, on cherche quelqu'un pour dompter la panthère. Attends, une panthère? Aïe, aïe, aïe, oh, ah, lâche-moi. Vince, du lundi au vendredi, 21h sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, les amis, on est en direct, j'espère que tout le monde va bien. C'est bon, attends, je me suis pas gouré dès le début là. J'espère que vous allez bien tout le monde. Bonsoir. Il est 21h pile poil. C'est la première fois que je démarre pile poil à 21h. C'est un truc de ouf. Je m'appelle Vince, pour ceux qui me connaissent pas, animateur radio, réparateur, bricoleur. Et parfois je débouche aux toilettes. D'ailleurs, mon numéro de téléphone, je vous le donne pas tout de suite. J'espère que vous allez bien. Je suis content d'être de retour. Ça y est. Énergie, une nouvelle aventure qui commence. Vous avez certainement déjà entendu parler d'une panthère qui s'est baladée un petit peu partout. Effectivement, c'était nous. C'était pas prévu, mais c'était nous. On en parlera tout à l'heure sur Énergie. Je vous ai eu. Vous avez... Non, parce que je vous explique plus là tout à l'heure, en fait, depuis des jours, on n'arrête pas de me dire ouais, je suis sûr que tu vas balancer ton ancienne radio sans faire exprès. Alors, il est évident qu'on est habitué et tout, et ben j'ai promis qu'on allait faire une cagnotte et que la personne qui justement va balancer plusieurs fois, comment expliquer le mot. C'est quoi ce truc qui sonne? Il y a un truc qui sonne là. La pensée. Ah, je sais pas du tout. Hey, je viens de commencer l'émission, ça y est, je suis déjà en train de foutre le boxon là, c'est un truc de ouf là. Bon, allez, relax. Voilà, bon, j'avais promis que si jamais quelqu'un balançait le mauvais nom de la radio, il allait devoir mettre de l'argent et tout ça, et ça risque de partir en sucette. Mais on a toujours travaillé sur Énergie, non? Bah oui, on a toujours travaillé sur Énergie, effectivement. Ah, voilà, moi j'ai aucun autre souvenir. Nouvelle radio jeune m'amène, Énergie, 21h minuit, c'est Vince, avec vous les amis, vos SMS au 3018, c'est pour nous contacter, auquel on check l'Instagram, si vous voulez, Vince Radio. Et bonsoir Nigel. Bonsoir Vince. Comment ça va, Nigel? Qu'est-ce qui se passe? T'as changé de lunettes là depuis un petit non, moment là. Non, je porte des lunettes, j'en avais pas avant. Ah ouais, non, mais là, j'en avais pas. Tu portais des lunettes de soleil, frère. C'est elle qui me porte, c'est rare, mais ça arrive. Ouais c'est, ça te va bien. Enfin, ah ça, ouais ça fait un petit look pervers un peu, mais. Non, c'est pas vrai. Ouais, si, je te jure. Mais... T'as les lunettes un peu, tu vois, dans Dikonek, Claudie Faucan, là. Le gars de Dikonek, tu vois. Les... Non, c'est pas. Non, tu me respectes pas, tu vois, c'est la première, tu me respectes pas après deux mais minutes d'antenne. Je te dis cache, moi, à chaque fois que je suis avec ma fille, j'ose pas que tu. J'aime pas que tu sois là. T'as... Non, mais c'est pour ça que là, je vais attaquer ton fils dans pas longtemps. Non, reste là, Et bonsoir, Lara. Hey, bonsoir. Hey, Lara, elle débute l'émission directement avec l'accent canadien. Comment ça va, Vince? Ça va et toi, Lara? Ah, je suis top. Bah, je suis bien. Je suis en jet lag. Je suis bien. Ouais, non, mais Lara, elle est revenue à tout à l'heure de Miami. Ouais. Ah ouais, bien. Non, mais madame part à Miami. Non, mais depuis qu'elle a signé sur Énergie, elle a trop d'argent, la meuf, tu vois. Non, mais on a à peine signé. Elle a fait bon, les gars, je me casse. C'est un peu ça, ouais, pour me préparer à vous pendant une année, merci. Comment sont passées tes vacances, justement? Mais super bien. Écoute, j'ai fait pas mal de visites. J'ai vu des alligators. J'ai fait un peu de plage. Ouais. Je me suis baladée. T'as vu? Non, mais c'est vrai que t'as vraiment vu un alligator. En plus, tu m'envoies une photo. Dans les Everglades, c'est-à-dire le grand espace de marécage qu'il y a en Floride. Ouais. Et en fait, tu prends des espèces de petits bateaux comme ça. C'est même pas des bateaux moteurs, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est avec un espèce de truc comme dans les films. Comme on voit dans Les Experts, là, tu sais, au début avec le génie, ça fait yeah! Ouais, un peu Mississippi ambiance. Et ça va super vite, c'est génial. Et puis de temps en temps, il y a un alligator. C'est très très mignon. Salut, je suis Lacoste, je fais que passer par là. J'ai déjà fait éclater par la RMB, moi. Mais... C'est notre régie publicitaire, voilà. Non, mais l'alligator m'a fait moins peur que la panthère. Quand on a tourné le teaser là, avec la panthère, on n'était pas bien. Non, elle a failli me manger. Hein. Non, mais elle a failli. Mais en même temps, chez toi, il y a la pandémie, c'est pour ça, ma mère. Cette histoire avec la panthère, on va en parler tout à l'heure. Mais effectivement, je crois que ça a beaucoup parlé. Ça a parlé vraiment partout. Je parlais au journal télévisé et c'était pas prévu. Mais non, pas du tout. Non, on avait juste prévu de faire un tournage. On n'a pas prévu qu'une panthère se balade dans l'acte. On aurait bien voulu que quelque chose se passe et en fait, c'est le destin qui a décidé pour nous. Pour ceux qui ont suivi l'actu, etc., une panthère s'est baladée. On en parlera tout à l'heure. Expliquer pourquoi, du comment, est-ce que c'est possible. Bonsoir Fanny, nouvelle venue dans cette émission. Ça va, Fanny, tu vas bien? Ça va, et toi? Enfin, on est tous des nouveaux venus en fait. On vient tous d'arriver, t'as vu. Fanny, alors Fanny, elle a un rôle de ouf. C'est qu'elle va faire de la vidéo. Elle va faire de la radio avec nous. Et vous savez pourquoi Fanny est dans cette émission? Non. Parce qu'elle va rien faire. Non, parce qu'en fait, elle tenait une web radio, elle m'a invité. Puis je me suis dit, bon, bah vas-y, elle m'a invité, je vais l'inviter à mon tour. Ah ouais, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, si jamais, mesdames et messieurs, vous avez beaucoup d'argent, invitez-moi. Et lorsque j'aurai beaucoup d'argent, je vous le rendrai, bien entendu. On salue le standard. Salut les gars du standard, comment ça va? Ça va et toi? Mais ça, ça va les gars. Alors je vous vois pas parce que j'ai un truc devant ma gueule là, mais c'est pas grave. On s'habitue aux nouveaux locaux. Hein. Mais ils s'appellent comment les mecs au standard? Bah attends, c'est bien ça va, je vais y arriver. Il y a Thibaut, il y a Eddy. Eddy c'est le gosse beau et Thibaut c'est bah c'est le gosse. Franchement. Ça va les gars, vous allez bien? Ouais, tranquille et toi? Bon, c'est nouveau pour vous aussi, vous avez jamais fait de radio avant. Enfin si, vous avez fait de la radio, mais vous avez jamais fait de standard en fait. Mais non, c'est nouveau, tout est nouveau, c'est chaud hein. C'est là que les directeurs d'antenne, ils flippent un peu quoi. Ouais. C'est ça, parce qu'il faut le dire, il y a l'œil de vos scookies là, au Doumat, hein. ils sont là. Ouais. Ah, ça va, on gère. Ouais, mais depuis tout à l'heure, je vois, ils nous regardent très mal quand même, donc je suis pas serein. Ouais, non, mais c'est parce que t'as une grosse boucle d'oreille. Alors, non, franchement, on fera des photos, tout le monde le mettra sur Insta, mais ce qui est cool dans cette équipe, c'est qu'on a un mélange de tout, on a un mélange de tous les genres. Et d'ailleurs, vous aussi, merci les amis pour tous vos messages. Là, il y a plein de messages qui sont arrivés. Je vais les checker dans quelques instants. Alors, salut Vin, salut la team, ça fait trop longtemps. Big up de Rosario de Nivelles, voilà, qui nous a envoyé le texto. Là, c'est le premier message de ce soir, je tiens à le préciser. Et c'est quoi le numéro pour envoyer des SMS d'ailleurs? C'est le 3018, hein, si t'as envie d'envoyer des SMS. Et puis, si jamais t'as envie, à l'Insta également, tu m'envoies des messages privés sur Insta. Les amis, ce soir, le programme, on a des cadeaux à vous offrir. Et d'entrée de jeu, on t'offre un truc. On t'amène dans une sorte de faux jeu vidéo en fait. Ah, c'est un truc de ouf. Hein. C'est le Battle Card. T'as déjà entendu parler du Battle Card? J'ai déjà entendu parler. Non, je connais pas. Mais j'ai jamais fait. Battle Card, en fait, on va t'offrir des 4 entrées en fait, pour une sorte de karting qui se passe à Moucron, mais c'est dans un indoor de nuit avec des hologrammes. Des hologrammes. Parce qu'il y a excuse-moi Lara. Ouais, Lara, c'est. Merci. C'est mademoiselle. Ah, mais c'est ça l'histoire avec Mario Kart, je sais pas quoi. Genre, en tu fait, mets une banane, c'est tu un truc de ouf. Tu roules en kart, t'as une sorte d'iPad sur le côté. Tu roules sur des hologrammes. Merci. Et en gros, il y a ton iPad qui te donne un truc comme dans Mario Kart ou une étoile ou alors une banane que tu peux balancer derrière toi. Tu joues un Mario Kart en vrai en fait. Mais du coup, mais est-ce que tu peux aussi traverser les gens? Genre, ouais, si, mais c'est un truc. Mais t'es pas transparent, mais tout le monde s'arrête en fait. Non, mais c'est à dire que lorsque tu prends une étoile par exemple, tout le monde est arrêté sur la piste, tu dépasses tout le monde. Ah, comme dans GTA? Ouais, en fait, ton kart il est numérisé ou je sais pas très bien. Et par exemple, tu vas balancer une carapace de tortue sur quelqu'un, et bah dès que tu le touches, il s'arrête, et toi tu le passes. Non, mais c'est ouf comme aventure. C'est du côté de Moucron, on va vous offrir ça tout à l'heure, les amis. Et on a des auditeurs dans le standard. Allez, je vais voir si j'y arrive. Flo, je vais avoir besoin de ton aide, ma poule. Il va falloir que tu mettes des auditeurs dans le standard là, parce que là, moi je. C'est la première, hein, je vous jure. Vous savez quelle impression j'ai? J'ai l'impression de recommencer depuis le début mon apprentissage radio. J'ai l'impression que j'ai jamais fait de radio de ma vie en fait. En fait, tu découvres la table de mixage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans... Ah, mais les mecs, ils sont pas encore à l'antenne. Non, je crois. Eh, les standardistes, vous bossez pas. Hein. franchement, ça se voit, c'est des nouveaux. Les gars, faut appeler les mecs. Frère, j'ai l'impression d'être moi-même nouveau, je te jure. Ah ouais, non, mais faut appeler les mecs, hein. Oh là là. Non, mais attends, ça va, ils vont gérer ça au fur et à mesure. C'est la première. Voilà, exactement. En attendant, heureuse de te retrouver, Vince, quelle que soit la radio où tu es, je serai toujours présent, auditrice number one dans 20. C'est Céline, elle a même pas signé le message, mais Céline, je te reconnais, t'inquiète pas, en 20, il y a une auditrice à laquelle je pense tout le temps, c'est Céline. Bon retour, Vince, Steph Lemo, ça arrivait par SMS au 3018. Au 3018, exactement. Balancez vos textos, balancez vos messages, les amis. On va se mettre bien, on va se poser, on va discuter. Tout à l'heure, on va également parler d'un truc assez dingue. Hein. Ce sera tout à l'heure dans l'émission. Je ne sais pas si vous avez dû parler de cette histoire. Là, une femme qui a 74 ans, elle a décidé en 2020 de mettre fin à ses jours. Non, mais attends, mais depuis qu'on faisait plus de radio, il y a eu plein de trucs. Non, mais c'est ouf. Je te jure, j'ai récupéré les sujets là parce que j'ai trop poussé de pas en parler. Une femme a décidé, là, ça y est, 2020, je mets fin à mes jours. Elle est en bonne santé. Mais c'est l'euthanasie. C'est un mot qui fait mal comme ça. Euthanasie, t'as vu. Non, mais elle est en bonne santé et tout, mais elle a dit, c'est quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. Bah tranquille, maintenant je fais ma life. Voilà, j'arrête ma life. Je fais ma mort plutôt. Ouais, je fais ma mort. C'est vachement spécial comme situation. Bon, on va voir si les auditeurs sont dans le standard. Alors, est-ce que ça passe? Est-ce que c'est bon? Tu peux mettre l'insert. Je mets l'insert, vas-y. Je l'ai mis dedans, je l'ai mis. C'est bon. Ouais. Ah ben Geoffrey? Ouais, salut. Oh, des bons premiers auditeurs. Ça a été. Comment vous allez? Bah écoute, on va très bien et toi? La forme, hein? Mec, attends, faut célébrer. Geoffrey, il est 21h08, le 27 août, t'es le premier auditeur qui passe dans cette émission sur Énergie. Respect, mec, franchement. Vraiment, ouais, Geoffrey dans la maison! Geoffrey dans la maison! Non. Tu viens d'où, Geoffrey? De Braine-l'Alleud. Ah purée, tu vois, la première ville que j'ai, je l'ai pas prévue dans mes sons, hein, parce que j'ai pris plein de sons pour chaque ville, t'as vu? Ouais, Braine-l'Alleud, on va dire que c'est près de Bruxelles, donc on va c'est se faire. Ça, c'est près de Waterloo qui nous a un petit peu enjaillé, donc ça va. Hein. Bah ouais, bah, ah oui, ah bah ouais, attends, quoi, il y a eu la Coupe du Monde. C'est ça. Eh, hey, laisse tomber. Voilà. Coupe du Monde, c'était ouf avec la Belgique. J'ai eu l'occasion d'animer à Waterloo, mais il y avait plein de gens qui étaient là et c'était vraiment un moment de ouf. Ça fait plaisir, tu vois, en termes de foot et tout. Bon, c'était génial. Après, quand t'as vu qu'on a perdu contre la France, j'étais un peu deck quand même. C'est c'est clair. Ah, ah. Voilà. Je me dis, purée, tout ça pour rien, quoi. Moi, je voulais qu'on aille en finale et puis au final. Et on y a cru. Je te jure, j'y ai cru. Hey, je me voyais champion du monde. C'est quand même la RTBF qui m'a interviewé en disant, on va être champion du monde, tu vas voir, ça va être fait. Ça va être la fin de tout. On va retourner le pays. Et bah, tu pars. Et moi, depuis ce jour-là, je suis plus jamais retourné en France. Hein. C'est vrai ? Ouais, je comprends. Figure-toi que moi non plus. Voilà. Et tant mieux, parce qu'on était en train de me faire. Ils étaient en train de faire trop les malins avec nous, là. C'est ça. Voilà. Bon, Geoffrey, mon pote, toi, il y a un truc particulier avec toi, en fait. C'est que j'avais balancé des énigmes sur Instagram. Je crois que j'ai chauffé le cerveau de centaines d'auditeurs. De milliers, je pense. Oui. Ouais, je pense aussi de milliers d'auditeurs, effectivement. C'est parti en sucette totale où j'avais mis en fait une carte. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé, Geoffrey ? Ben, en fait, sur la carte, tu avais demandé la géolocalisation ou la localisation, plus ou moins. Ouais. Et en fait, la première fois que je pensais avoir trouvé, j'avais dit que c'était dans le Niger. Ce qui était totalement faux. En fait, je vais expliquer clairement. Vas-y. J'avais mis une carte de nulle part. Ça, c'est quelque chose qui se passe une en Afrique. Une carte de quoi? Une carte, une photo satellite de nulle part. Comme sur Instagram. C'est ça. Et j'ai dit, l'avenir est là-bas. Donc tout le monde pensait que j'allais aller dans une, je sais pas, animée en radio en Afrique. Ouais. Alors que j'avais dit non, il faut bien analyser. Et toi, Geoffrey, t'as réussi et t'as trouvé justement. Mais en fait, tout bêtement pendant la nuit, parce que je me suis creusé la tête pendant facilement 10-15 jours. Ouais. Et je regardais avec donc les lettres. Donc par exemple, le N de énergie, bah, c'était le numéro 14. Le R, le 18. Et le J, le 10. Et je me suis dit, tiens, je vais comparer. Et une fois, quand j'ai tapé 14, 18, 10. C'est une blague. Pour le même. Non, pour le même plan que tu avais mis, Vince, eh ben, j'ai directement capté que c'était énergie. Eh ben, c'était ça. T'as compris, mon pote. Voilà. Ben oui. C'est tout simplement ça. Et c'est ouf, parce qu'il était le seul à avoir trouvé. Et puis après, au fur et à mesure, il y en avait de plus en plus qui ont dit « Mais attends, j'ai trouvé les coordonnées géographiques, ça forme énergie. » Et voilà, donc ça faisait un petit moment. Et je vais vous dire un truc, j'ai mindfuck le cerveau de tout le monde. Ouais. Ça veut dire que ça faisait même, je pense, depuis le mois de juin, je pense que je bossais encore ailleurs, que j'avais mis des trucs avec Bagheera, du livre de la jungle. Et j'avais dit « Ah tiens, Bagheera, c'est mon pote. » Et plein de gens ont dit « Ouais, qu'est-ce qui se passe, t'es fan du livre de la jungle ?» Et en fait, j'ai fait un message subliminal à tout le monde. Et donc, le jour où la panthère est sortie, et ben, étonnamment, tout le monde s'est dit, eh mais attends, mais c'est peut-être un coup de Vince. Et ouais, les amis, c'est ce qu'on appelle faire du Inception. Je suis fan du film, donc du coup, on a décidé de. Vinception. Du coup, il fait même des énigmes que lui ne comprend pas, tu vois. En fait, il laisse les auditeurs deviner. T'imagines, le mec, il invente des énigmes. Je me la fais à la Damso, j'invente des trucs et je laisse les gens trouver une histoire, là. Bon, mon pote, Geoff, t'es le premier auditeur, ce qui veut dire que ce soir, officiellement, bah, tu sais quoi, j'ai décidé de t'offrir un cadeau, ma poule. Voilà. Ouais! Merci beaucoup. Bah ouais, t'es le premier auditeur, ce qui veut dire que tu es l'auditeur number one de cette émission jusqu'à la fin des temps. Mais peut-être que tu vas te faire détrôner au fur et à mesure. Hein. Là, ça dépendra. Ça dépendra. Ça dépendra. J'espère aussi quand même, hein, ne pas être le seul. Hein. On essaiera de trouver. Tu sais quoi, on essaiera de trouver l'auditeur le plus fou de toute l'histoire de la radio. Ouais. On a le temps. J'espère aussi. On a des semaines, on a des mois, on va se faire plaisir avant ça. Bah, je te fais un bisou, Geoff. À bientôt, merci beaucoup en tout cas. Pour toi, le deuxième prénom. Ah ouais. J'ai pas compris. Je te l'avais dit, hein. Geoff, il a fait un truc qui m'a fait vachement plaisir. C'est que c'est ton fils, c'est ça, hein? C'est ça. Il lui a donné comme deuxième prénom Vince. Non. Ouais. Ouais, ça va, c'est un fragile, quoi. Louane tout de suite sur Énergie, bienvenue. À tout de suite. Partir, souffrir, j'essaie de nous retenir. Courir, s'enfuir, je l'ai pas vu venir, oh non. Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau. Regarde comme la nuit tout devient beau. Le monde est si haut quand le vent devient chaud. Je sais tellement tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vais pas baisser les bras. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout. Appartenir, salir, s'abstenir, plutôt mourir, oh non. Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau. Regarde comme la nuit tout devient beau. Le monde est si haut quand le vent devient chaud. Je sais tellement tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce ce soir on va vivre. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vais pas baisser les bras. J'irai jusqu'au bout. Entrée. De 21h à minuit, Vince est sur Énergie. Et bienvenue sur Énergie aujourd'hui. Wow, ça gueule dans tous les sens. Hey, je vous précise, je viens de m'acheter une nouvelle voiture. C'est une table mix qui est ici. Et je vous promets, j'ai l'impression que je me suis craché 2-3 fois avec. Mais du coup, c'est un cockpit, non? Ouais, c'est un cockpit d'avion, ouais, exactement. C'est plus un cockpit. Hein. Et bah attends, t'imagines, je sais pas comment ils font les mecs, ils doivent faire décoller des avions. Genre, on te met sur un Boeing, tout d'un coup, on te met sur un Airbus. Mais non, il y a un pilote automatique. Ah ouais? Alors qu'ici, il n'y a pas. Non, c'est vrai, ici, il n'y a pas. Si, il y a Flo à côté de moi. C'est mon pilotage automatique. Mais il me regarde faire tout à l'heure. Si je suis en flip, je le regarde, je lui lâche des rires. Genre, Flo, écoute, je gère pas la technique, je gère pas l'arrière. Je comprends pas. Hey, c'est pas une blague, vous savez. Bienvenue sur Énergie, je m'appelle Vince. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui peut-être ont entendu ma voix pour la première fois ainsi que nos voix, voilà, on a fait des années et des années de talk show de Libre Antenne. On est là pour délire avec vous sur Énergie tous les soirs de 21h jusqu'à minuit et plus si affinité. Voilà, sauf aujourd'hui parce que je dois partir jusqu'à Verviers après. C'est pas une blague. Ouais, si. D'ailleurs, je salue les bleus de Hermel sous Argenteau. Ils sont en train d'écouter comme des oufs là. Ils attendent qu'on arrive pour mettre le boxon façon Énergie, les amis. Mais il y aura un petit problème peut-être. Lequel? Ben, cet après-midi, j'ai roulé avec ta voiture. Non mais arrête, c'est sérieux, t'as vraiment... Non. Non, en fait, j'ai pas fait d'accident, j'ai pas fait de gros accident, mais qui dit qu'on est parti chercher des éléments, j'ai fait un accrochage. T'as vraiment accroché ma caisse? C'était pas une blague. Non, c'était pas une blague. Mais en fait, je préfère le dire à l'antenne, comme ça tu m'engueules moins. Mais va te faire... Non mais c'est sérieux? Ouais, ça s'est passé devant chez Orange. Il est fleur rigolé. Mais d'où tu peux? C'est vrai, c'est pas des... Mais attends, je sais pas, mais je suis pas en tort. Mais quelle idée de prêter sa bagnole? Donc en fait, plus à tout à l'heure, t'es au courant, ouais, et ouais. Tu me dis ça là, en l'antenne, en fait. Ouais, mais ça va, c'est qu'un petit poteau. Tu vois, t'es 800 par mois. Tu vas voir ce que je vais en faire, t'es 800 euros par mois. Tu sais comment je le rabaisse un petit peu là. Voilà. C'est vraiment dégueulasse, mec. Putain, tu sais que je suis pas bien maintenant, je vais aller vérifier. Déjà, je galère avec la réalisation de cette émission. Bon, les amis, ce soir, on va se marrer. On a le jeu des 4 punchlines, c'est nouveau, ça va débarquer tout à l'heure sur Énergie. Le principe c'est simple, c'est quelqu'un qui téléphone à quelqu'un de son entourage, qui doit placer 4 phrases assassines. Si jamais la personne pète un câble, eh ben c'est parti, elle va repartir avec des entrées pour le Battle Kart. Tout à l'heure également sur Énergie, là on va se faire le Marshmallow. Voilà, c'est rien à voir avec Marshmallow, mais c'est le Marshmallow. Voilà, l'équipe utilise un écarteur et on tente de lire des phrases données. C'est un classique, les amis. Un écarteur de bouche. Ouais, un écarteur de bouche. Précise quand même. Ouais, pas un écarteur de fesses. Moi, non. Merci. Pas tout de suite dans cette émission, les gars. Laissez-nous le temps de nous installer. On va appeler Dominique aussi ce soir. Ouais. Dominique, pour ceux qui le connaissent, c'est un mec qu'on n'arrête pas d'appeler depuis des années. Et le mec, il pète des câbles dès qu'on dit go d'envoi. Et je sais que vous êtes très nombreux à me le demander. Donc, on va se faire plaisir. On va l'appeler tout à l'heure. Alors, j'allais dire, on me dit salut Vince. Salut. Je l'appelle Jésus. Que vous pouvez faire un big up à ma copine Isaline et qui vous écoute. Ah, tu appelles Ressus. D'accord. Et ben, enfin, Ressus. Et ben voilà, t'as big up d'Isaline. Hein. Ressus qui fait un big up à Isaline. Salut Vince, ça veut dire quoi qu'on doit plus dire le nom de ton ancienne radio? C'est comme Voldemort. Alors si je peux le dire, voilà, je peux te dire. Si, bah, j'adore, il y a Lara qui me regarde genre hey les gars, il n'y a pas de problème, je suis sur Énergie, c'est la baisse radio, mais je peux prononcer Radio Contact, Belle RTL, Nostalgie, Fun Radio, La Première, Vivacité, on peut le dire. Hey, on est dans un talk les gars, on peut dire. J'adore parce qu'on me dit des messages genre quoi Vince, tu peux plus prononcer. C'est pas ça les gars, c'est quand pendant des années à un moment donné tu relances Smart, et ben quand tu dois passer au modèle Mercedes, ben tu vois, tu dois... Mais sauf que Smart c'est Mercedes. C'est le mauvais exemple. Et merde. Comment t'as niqué mon game? On attend que tu sois un petit peu fatigué, tu vois, ouais, et ouais. Que tu sois en mode automatique du coup. Et ouais. Puis le truc va tomber et la cagnotte laisse tomber. Tu nous invites à la Villa Lorraine, c'est bon. Ça va être mignon, ça va être mignon. Là il y a eu un petit placement de produit. Voilà. Lorraine, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc qui coûte méga cher. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je sais pas si j'en ai le moyen. Bon attends parce qu'il y a plein, il y a plein d'auditeurs qui veulent passer. Eh mais c'est un truc de ouf. On est submergé au standard. Ouais là on va prendre Jason là, je te mets. Vas-y, mets-moi Jason. Tu veux le prendre? Allô Jason? Allô. Yo, Jason est dans la maison. Comment ça va, Jason? Ça va, et bonsoir à toute l'équipe d'abord. Félicitations pour la nouvelle. Ah, merci. Merci, mon pote, c'est cool ça. Bah écoute, t'as vu, on vient de s'installer. On s'installe tout doucement. Il y a Fanny, elle sait pas quand elle doit parler, la pauvre. Mais elle parle pas, c'est bien. C'est vrai qu'il faut pas trop me lancer parce que sinon je m'arrête plus, quoi. Non, mais déjà... elle a des histoires très très longues à raconter. Ouais, non, mais c'est vrai que Fanny, je la connais parce que c'est une pote, c'est devenu une pote. Hein. Elle faisait de la radio sur une web radio de son école et, ouais. Et c'est devenu une pote à la longue. Mais quand elle parle, purée. Mais non, mais pas. Ça, c'est parce que nous, comme on fait de la radio, du coup, on va. On est impatient. On a plus d'histoire maintenant. Non, mais. Donc, c'est nos histoires, c'est puis babou, voilà, merci, au revoir. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, je gagne le revue, voilà, pour voilà, tout. Voilà. Mais Fanny, tu auras l'occasion de nous parler. Est-ce que tu as envie de dire un truc? Est-ce que tu as envie de prendre la parole là, dans cette émission? Ben oui, mais peut-être plus tard. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, là, coupe ton micro, c'est mieux. Ouais, fais pas gaffe, Nigel. Il va te cacher, il va te clasher très longtemps. Hein. Voilà, on va apprendre à se découvrir tous ensemble. Vince, non, viens, pas, hein, viens prendre un cocktail sur Nostalgie dans la même maison. Fred le Geek. Mais c'est incroyable, il y a tous les anciens qui sont là. Ils ont débarqué. Ouais, Vince, t'aurais pu appeler ton éditrice number one dans 20. Oh, on t'appellera demain ou tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Bon! Mon pote là, alors attends parce que je l'ai perdu. Pourquoi on me l'a mis en attente là? Je suis là. Ah, il est là. Rappelle-moi ton prénom, c'est Jason, c'est ça hein? Jason, c'est ça. Hey, ouais. Jason, mon pote, est le premier à nous balancer un sujet pour ce soir. Vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, il m'est arrivé une petite histoire un peu incroyable. Donc, c'est par rapport à la police. Mmh. Et donc, j'étais avec mon meilleur pote, on rentrait d'Amsterdam. Donc, on avait des choses, légal avec nous, tu vois. Pas très légal. Amsterdam, pas très légal. Bon, vous avez du cannabis, quoi, si je comprends bien. Voilà, t'as fait très vite le lien. Non, mais tu peux le dire. C'est juste que je te dis de pas abuser de ça, mais enfin, fais ce que tu veux dans ta life en même temps. Non, bien sûr. Mais donc, vas-y, raconte. Ouais. Et on rentrait en voiture et il se trouve que j'ai un permis, comme j'ai un permis, mais théorique, tu vois. Donc, je peux rouler tout seul, mais pas accompagné, tu vois. Ouais. Et comme il était tard le soir, etc., tu vois. Et donc... au moins, on arrive dans Bruxelles, il y a un contrôle routier. Ah, donc, c'est la merde. Et là, directement dans le prohibé, on a démarré l'émission, là. Contrôle, et donc, ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec ce contrôle, alors? On arrive et le flic, il nous demande de nous mettre de côté et on s'arrête. Ouais. Et il me demande mes papiers d'identité, tu vois, je lui donne ma carte d'identité et puis il demande mon permis. Et je lui donne mon permis, et après, il me dit oui, c'est le véhicule théorique. Je réponds oui. Et du coup, il me redonne, et puis il fait attendez, bougez pas. Et là. Attends, t'avais le permis vert, là, celui que tu peux pas rouler après 22 heures. Voilà, en plus, c'est ça, tu vois. Et donc, après, je récupère les papiers, et il part. J'ai accéléré direct, sans réfléchir. Non, t'as fait des fuites, mais t'es con! J'ai pris peur, je me suis dit, si nous contrôle, on est mort, donc j'ai accéléré. Non, mais ça, c'est pire, des fuites, mec. Attends, mais ça s'est passé il y a longtemps, ça? C'était il y a un mois et demi. C'est pas fini, encore rien du tout. T'as fait un délit de fuite, t'étais pas encore en prison à cette heure-ci? Non, parce que. Je vous appelle la prison. Tu sais. Non, et en fait. J'ai accéléré. Ouais. Et les flics nous ont poursuivis. Ah oui, on a réussi à les semer. Mais après, il y a une autre voiture qui a su nous retrouver, en fait. Et donc, après, on est arrivé sur un carrefour. Et au moment où on a tourné, on est tombé sur un cul-de-sac. Ouais. Et là, on est descendu de la voiture. On a sauté un muret. Et le mec il me raconte son dernier jeu à GTA Online, tu vois. Non, tu veux pas juste abréger un peu. On a sauté un muret et on est tombé dans on s'est retrouvé dans l'arrière d'une caserne de flics, quoi. mais c'est ouf. Non mais attends mec, déjà dis-toi un truc, c'est que juste une question, est-ce que la police t'a arrêté depuis ou pas? Oui, la police m'a bien arrêté. Ok, parce que j'ai un appel de la police en ce moment qui demande donnez-nous les coordonnées, l'identité de ce jeune homme. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Et venez nous dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une connerie mais qui vous a apporté je sais pas, une petite situation que vous avez fait dans la vie de tous les jours et qui vous a apporté plein d'ennuis, ou alors peut-être des trucs positifs, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie qui a eu des conséquences de malade, quoi. Depuis que j'ai signé avec toi, j'ai plus d'argent, quoi. Non mais ça c'est sûr que tu vas galérer au début, hein. Venez nous raconter là par SMS au 3018, est-ce que vous avez déjà eu un truc là, vous avez fait une petite action et ça a eu des conséquences de ouf. On en parle avec vous dans quelques instants là, sur Énergie. Soyez bienvenus, on est en direct, c'est Vince dans et toute la team. Vince c'est où? Dans la merde. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Music only. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Beau ou mauvais temps, la nature va vous surprendre. Saviez-vous que l'eau de pluie qui tombe à Chauffontaine est filtrée pendant 60 ans par la nature? Chauffontaine, naturellement surprenante. J'espère que vous allez bien là, tranquillou, 21h sur Énergie, ça y est, c'est la première. Et qui dit première dit dit qu'on va déraper. Hein. Enfin, on va pas dire des conneries, c'est pas ça. Enfin, si, ça, on en dit tout le temps, mais voilà. Je vous précise un truc, c'est moi depuis là tout à l'heure, et je le répète parce que c'est méga important. Je découvre la table de mix, je découvre tout, et c'est un vrai kiff parce que je suis en train de faire des conneries depuis là tout à l'heure. Ça va, Flo? Tu me donnes combien sur 10 pour l'instant, Flo? C'est celui qui fait l'émission juste avant nous, bien sûr, hein, le classement. Juste un truc, sincèrement. 7. Arrête, t'es sérieux? C'est déjà une bonne note, franchement. Ça sent le mec qui a envie que je l'engage. Tu me fais des heures sup, donc moi, ça me va. T'es payé pour être là, c'est ma... Arrête, t'es payé pour être là? Non. D'accord, je pense... Avec de la gentillesse, juste. Non, non, mais attends, je regarde. Eh, hey, il vous facture le fait qu'il soit là, Flo, ou pas? Non, je... Vraiment pas. Ouais, voilà. Ouais. On va bien s'entendre, toi et moi. Il vient de griller sa thune. J'ai oublié que je devais rentrer. Est-ce que t'as ton permis de conduire? Ouais, ouais. Tu sais bien, parce que tout à l'heure, je dois aller jusqu'à Liège. Ça pourrait être très pratique. 30-18, vos messages, la mort de rire, une bidasse, le mec. Heureux de te retrouver, mon ami, on t'écoute de Jupy. C'est Eric et Elodie qui ont envoyé le message. Les dépanneurs de batterie, ouais, grave, à la Holy Colors, vous m'avez aidé, là. Effectivement, ils ont remis ma voiture en marche. Merci à vous, les amis. Hein. Franchement, quel gratteur, c'est bien. Ah, non, non, pas du tout. Je te jure que sans eux, ça aurait été complètement compliqué. Donc ouais, voilà, ouais, heureusement, ouais. Les auditeurs sont là. Il y a Lara dans la maison. Hey, je suis là. Il y en a Angel dans la maison, oui. Également. Et puis également vos SMS au 30-18. C'est également dans la maison. On a eu un auditeur qui passait à l'antenne il y a deux minutes, là, qu'on salue. C'est Jason qui s'appelait, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est Jason, ouais. Et Jason qui nous a fait un beau truc, hein, puisque le mec, il a voulu échapper aux flics, il a fait une grosse connerie. On a vraiment eu des appels à la police. Hein. Ça, je dis rien. Non, mais attends, mais le mec. Moi, je suis sûr à 100% que le mec, il t'a appelé de prison, c'est pas possible. Parce que tu peux pas, non, tu peux pas faire une course-poursuite, te retrouver à escalader un muret. Et qui après te fait atterrir dans une caserne de gendarmes. T'expliques que t'as peur. Mais non. T'expliques, mais non, mais je pense qu'à la police, tiens, un jour, je me rappelle, il y a eu un problème sur Noy, puisque je viens d'Anderlecht à la base, et il y a tout le monde qui a couru dans une direction. Donc moi, comme un pigeon, j'ai couru avec, et la police m'a arrêté. Pourquoi tu cours? Ben, je sais pas, tout le monde courait, donc parce que je suis noir, connard. Merci de toujours revenir avec ma couleur de peau. Non, mais bravo, on tient à préciser que t'es métissé. Mec, je vais porter plainte contre toi aussi. C'est possible de porter plainte contre soi-même? Bah ouais, je sais pas. Mais ouais. Apparemment, oui, bien sûr, faisons-le. C'est spécial, hein. Vince, ça fait trop plaisir de te revoir. Big up à vous tous, c'est Aurélien qui a envoyé le message. Vince, j'ai tiré un péno dans mon salon sans faire exprès. Headshot dans ma sœur. Pas de geek qui a envoyé le message. Il fait ça en référence à une vidéo qu'on a mis sur la page VNZ. Les trucs qui ont dérapé, moi j'ai une histoire un peu comme ça aussi. Hein. Vas-y, t'as quoi comme histoire? De 30 mètres de loin, j'étais dans la cour de récréation, j'avais des billes, j'adorais jouer aux billes, je jouais super bien et tout. Bon, c'est une autre histoire ça. Et je vois ma cousine, on était à l'école ensemble, mais qui était loin. Tu peux pas savoir, mais elle était loin. Et je prends ma grosse bille, je me dis, je vais jeter de loin. Et je vais toucher sa jambe. Je... Ah mais histoire super intéressante. Mais non, je sais, mais c'est comme ce gars-là avec le, il a touché sa sœur. Moi je l'envoyais de tellement loin, le truc il a pété sa dent. Mais... J'ai eu tellement peur. Mais... Non mais toi tu peux jouer à Fortnite alors, hein. Vas-y, non, tu vas jouer pour moi. Super bien, tu sais bien, je vis super bien. Ah ouais ça c'est. Enfin je dis pour moi, tu sais bien, ça fait bizarre. Ouais c'est. Tu sais, j'ai pas voulu aller dans ce terrain-là parce que je connais Lara et je me suis dit, tiens. Pourquoi je dis ça? C'est très étrange. Je crois que c'est l'effet énergie un petit peu. Bah écoute, moi je vais dire un petit truc que je pensais être un petit truc et qui a eu des grosses conséquences. Bah, c'est d'avoir voulu faire un tournage avec une panthère qui, visuellement, a ramené un hélicoptère, des pompiers, a bouclé tout un quartier, le quartier Vologenzang d'Anderlecht, puisqu'ils ont fermé les routes, etc. Plus personne pouvait passer. C'est passé au journal. Ouais, c'est passé au journal. Alors pour ceux qui ont suivi, j'avais promis d'en parler. Ouais, non, grave. Tout le monde en a même en France, ça en a parlé, ça, ouais. C'est dingue. En fait, on n'a pas fait exprès. On voulait faire un tournage avec une panthère, d'ailleurs, que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, elle est disponible sur la page VNZ sur Facebook et énergie.be. Allez mater ça. Et devinez quoi, quelqu'un a tenté, mais c'est pas une blague, quelqu'un a tenté de la voler pendant la nuit. Ouais. Parce qu'une panthère, ça coûte très cher, c'est 300 000 euros. Visiblement, ça s'est ébruité, comme quoi il y avait une panthère sur ce parking-là, dans un van, dans une cage. Ils ont retrouvé le truc défoncé, mais visiblement, le vol a mal tourné. La panthère s'est baladée, route de l'énigme pour ceux qui connaissent. Mais tu sais que t'as encore des gens maintenant qui m'ont envoyé. Il y a l'hôpital Erasme à côté, tu vois. Ouais. Et t'as des gens qui ont entendu l'histoire et qui m'ont envoyé des vidéos de caméras de surveillance. Et elle a fait des kilomètres, cette panthère. Oh, et c'est là que j'ai découvert que la panthère, c'est un vrai chat. Parce que figure-toi qu'elle a marché et quand elle avait envie de se poser, elle retournait à son van. C'est plus qu'un chat quand même. Elle rentrait à la maison. Ouais, c'est un beau gros chat. Effectivement, on a Kovo avec nous dans le standard. Là. Salut Kovo. Est-ce que Kovo me reçoit? Kovo, une fois. Kovo. Ah, parfait. Kovo, tu me reçois? Allô, allô. Kovo est dans la maison. Bienvenue sur Énergie, ma man. Alors, mon pote, on est en train de parler là des petits trucs que t'as fait dans ta life et qui ont eu des conséquences inattendues et hasardeuses. Toi, t'as une histoire à nous raconter, Kovo? Ouais, j'ai un truc là à vous raconter. Bon, j'ai vécu un truc de dingue déjà. Bonjour à tout le monde, salut l'équipe, Kovo. Salut tout le monde, salut les amis. Kovo, tu viens de quelle ville? Là, je viens de Bruxelles. Bruxelles, V. Et tranquille. Et vas-y, raconte-nous, il s'est passé quoi là? C'était une histoire de tournage, de clip, c'est ça? Tu fais la musique, toi? Ouais, je fais du son. Ah, mais t'es Kovo! Attends, mais attendez! Bah ouais, tu me connais, man! Je vois très bien qui c'est. Ouais. Ça fait partie, vous savez, la scène de Rabège, là, enfin rap, c'est devenu des chanteurs d'R&B, les rappeurs maintenant. Ben, elle est montante de ouf, d'ailleurs, même Énergie, ils ont découvert Fresh et tout ça, et il y a plein d'artistes. C'est la quoi? C'est la quoi? Et devine, et Kovo fait partie de cette scène-là. C'est des mecs qui font beaucoup parler d'eux et tout. Et ça fait plaisir que tu m'appelles pour mon émission, gars. Ça fait plaisir. Ouais, mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est lourd, soutien, c'est lourd, man. C'est lourd, voilà, c'est lourd. Mais raconte, c'est une histoire de tournage à Londres, c'est ça. Vas-y, raconte un peu. Non. En fait, je voulais vous raconter cette histoire, en fait, mais j'ai vécu pire, en fait, tu vois. Ah, vas-y, je vous raconter des. C'est une dinguerie. En fait, je venais de quitter la maison, genre. Et ouais. J'avais rencontré une meuf de 24 ans comme ça, elle habitait à Lausanne, tu vois. Bien. Ok, et elle me dit, dans la neutralité. Ben, si tu veux, puisque tu viens de bouger de la maison, tu peux venir chez moi, tu vois. Ouais. Et je dis, ok, bah, vas-y, c'est tout. Et j'avais 17 ans, je vous dis déjà l'âge, tu vois. Comme ah, pour faire le playboy. Hein. Sauf que c'est un peu comme illégal, un peu le personnage. Tout, ben, on arrive à Lausanne, enfin, j'arrive à Lausanne, j'arrive chez eux, tout le monde m'accueille bien, c'est lourd. Je me sens bien, les gros qui passent crème chez les malgaches, tu vois ce que ça veut dire. C'est déjà non. Pas mal. Attends, pas du tout. Répète. Une afro-asiatique, c'est bizarre, les gars, je vous garantis. Non, mais répète-moi ce que tu as dit. T'as utilisé une tournure de phrase, truc malgache, j'ai pas compris. Ouais, j'ai dit qu'une malgache, c'est bizarre, en fait. Genre un négro, parmi les malgaches, c'est trop ouf, tu vois. D'accord, ouais. Pas savoir c'est quoi. Un noir, quoi, il voulait dire ça. Ouais, c'est moi, quoi. Lui. Donc, du coup, ouais. Après ça, on sait quoi, je fais une semaine là-bas, ça va, tout se passe bien, super bien. Ouais. Et deux potes à moi me reviennent, et enfin, me revient plutôt. Me reviennent, oh putain. Bravo, vas-y, mais tu vas en venir où? Non, mais lui, ça se voit, il fait du rap. Après, on s'est retrouvé à Locarno. Ouais, parce qu'ils croient que. Non, mais vas-y, raconte-nous. C'est quoi le délire dans le machin? J'ai pas compris. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'on s'est retrouvé au Tessin, gros. Et on était sur une maison comme ça, et genre on avait des voisins qui avaient une piscine, tu vois. Ouais. Il faisait super chaud, et nous on n'avait pas de piscine, tu vois. Ah ouais. On s'est dit, bon, on va aller demander aux voisins, gentiment, comme tous les touristes, est-ce que pendant la journée, quand on voit là, on peut nager, genre. Ouais, c'est tu vois. Sûr, ouais. Attends, on a été demandé, genre, tu vois, on arrive là-bas, on est en Suisse, trois négros, tu vois. Mais tu vois vraiment les mecs, tu vois. De Bruxelles, tu vois. Ouais. Mais attends, mais le mec, il dit, on va demander aux voisins. Non, moi, j'ai bien négocié, tu vois, j'en sonne et tout, je dis, ouais, monsieur, du coup, voilà, on est en face et tout, voilà, on est là, on est en vacances, mais est-ce qu'on peut venir baigner, genre. Est-ce qu'on peut se baigner dans la piscine? Voilà. Et donc. Clairement non, gros, tu vois. Ouais, le mec, il est pas chaud, ouais. Ben normal, tu t'invites pas chez les gens pour nager, enfin, je comprends pas. Ouais, mais bon, il faisait chaud, on n'avait pas de piscine, il faut comprendre aussi le lac, il était loin, tu vois. Ben bah, vous, va dans ton bain, je sais pas. Mais attends, mais alors, du coup, ils ont dit quoi? Ils ont dit non, pas possible, vous avez quand même été ou pas? Non, ben ils ont dit non, on était là, on était posés, genre, dans l'appart et tout ça, 3h du matin. On se dit, en vérité, il y a moyen quand même d'aller à la piscine. Non, non. Et ouais, mais. Mais hé, ton histoire, ça fait 15 minutes de là. Hé, mec, c'est les romans d'Harry Potter, son histoire. Mon histoire de clip, là, en fait, comme le clip, il est sorti, faut pas que je parle de ça, tu vois. Non, mais pas ce dernier coup. Ouais, bon, ça va. C'est bon, on n'est pas dans l'extravagance, hein. Vous avez été chercher, vous êtes rentré. Ouais, en gros, on est parti, on a sauté le grillage, tu vois, on est parti dans leur piscine, on a nagé calme. Et c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça a découlé sur quoi, ça? Ça a décollé sur quoi? C'est ça a décollé après, en fait, une fois on a nagé, genre on est arrivé là, on a nagé genre 5 minutes, tu vois. Et ils avaient un dog, tu vois, ils avaient un chien. Ils avaient un dog, ma mec, tu vois ce que je veux dire? tu rentres chez la porte de gay, oh, j'ai voulu manger un truc, j'étais dans la kitchen, j'étais dans la main, man. Non, mais on dirait un Québécois, tu vois, j'avais un dog. Bon, vas-y, parce que moi je dois passer le son de Lost Frequencies, like Melody. Ok. Mais tout, et puis il y avait un chien, bah, donc on a dû sortir de la piscine. C'est on a sauté, jusqu'aujourd'hui j'ai une cicatrice, ben ça sert à rien. C'est pas vrai. Ouais, sérieusement, j'ai vraiment une cicatrice et c'est un truc de dingue. Ah, mais vraiment, gros, donc... La scène, elle était ouf. C'était en mode boxeur, 3h du matin, on se dit bon, let's go, on court dans la rue en boxeur et tout. Bref, c'est une dinguerie. Non, parce qu'il y a Fanny de la nouvelle venue de l'émission et qui comprend pas, la pauvre, enfin, de tous les nouveaux venus en même temps. Ah, mais personne comprend. Mais il manque une partie à ton histoire en fait, parce qu'il s'est passé quoi avec ce chien? Non, arrête. Mais attends, mais le mec, ça fait 16 minutes, il est là. Kovo, merci mon pote. Attends, on te reprend après, t'inquiète. Lost Frequencies tout de suite avec Mélodie, on a joué des Every night you play me something sweet, and when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your loving melody. We both could use a reason just to smile, so let me be your harmony tonight. Waouh. Bienvenue sur Énergie les amis. Mon nom c'est Vince, 21h. On est en chill, on est en direct, on a de la bonne musique à vous passer. Et surtout, dans quelques instants, ça va être le jeu des 4 punchlines. Mesdames et messieurs, ça arrive. C'est la rentrée. De 21h à minuit, Vince est sur Énergie. Ouais, enfin, le jeu des 4 punchlines, tout de suite, on va se donner le temps, on va aller à notre aise, on a encore des choses à se dire. Il y a Lara qui m'accompagne. Oui, je suis là. Ça va Lara, tu vas bien? Je suis tellement contente. Ouais, je constate. On est bien, hein? On est super bien. Et ça fait plaisir de retrouver, tu sais, le micro, d'avoir la quotidienne. On va faire des choses de ouf cette année, hein, les amis. Ouh, vous n'êtes pas prêts. 30-18, c'est pour vos messages. J'adore parce qu'il y a un message que je peux pas lire. Parce que... C'est une sorte de spoil sur la saison de Vince sur Energy. Ah. C'est le spoil d'Energy, je peux pas le lire. Vince, que tu peux nous parler de... Non, je peux pas. Bah, je peux pas. Bah non, t'es obligé de dire un truc, quoi. Hein. Non, je peux pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je te réponds déjà oui. Et je dis à tout le monde, attention, on va bientôt venir vous voir. Mais tu te mets le temps, voilà. C'est tout. Non, c'est bon, je donne ça comme indice. Hein. Ah non, mais t'as cru quoi que j'avais balancé toute l'info là. Nigel qui m'accompagne également, c'est le coprod de cette émission. Yes. C'est-à-dire que dès qu'il y a des mails à envoyer, il faut tout envoyer à Nigel. Ouais, voilà. Dès qu'il y a des problèmes, c'est sur ma gueule. Quoi. Exactement. Nigel mais... at energy. Hey. Nigel, N-I-G-E-L. Voilà. atenergie.be. Eh, m'envoyez pas de mail, les gars, c'est pas cool. Non, mais si, en vrai. Fais pas le malin, Vince. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais très bien de quoi je suis. Non, fais pas ça ce soir. Tu sais très bien. Fais ça en fin de saison si tu veux, pas maintenant. Non, tu sais très bien. Balance pas mon numéro. C'est un nouveau numéro. Balance pas mon numéro de téléphone, s'il te plaît. Attention à toi. Non, balance pas maintenant, alors, en tout cas, ça c'est sûr. Vince, t'inquiète, Asori, je savais pas. Non, y'a pas de problème. 30-18, là, c'est pour taper la causette avec nous. L'Instagram également, c'est possible. Avant de jouer au jeu du 4 punchlines, je vais finir par parler français et arrêter de balbutier dans cette émission. Le projet attends, est très simple. Respire, Vince. Ouais, t'as raison, je dois aller à mon aise là. Non, mais c'est parce qu'en fait, je suis en train de surveiller le timing. Mais il n'y a pas de timing. Ouais, si. Il y a un timing. Et il ne faut pas qu'il me nique le timing. Voilà, bon, c'est un auditeur ou une auditrice qui appelle un proche et lui doit lui balancer 4 phrases. Mais genre le genre de phrase que t'aimerais pas qu'on te balance. Mais c'est dégueulasse. Ah bah oui, ça fait partie du jeu, hein. Et puis ouais, si jamais la personne s'énerve, eh ben la personne pourra repartir avec des places pour le Battle Cars. Je vous en parle dans quelques instants. Avant ça, j'ai encore des auditeurs à prendre dans le standard. Allô, bonsoir, François. Oui, allô, bonsoir. Yo, ça va, François? Tu vas bien? Va François dans la maison. François, tu es sur Énergie. Ouais, ça va. On n'est pas Énergie, on est une émission, quoi. Bah si, on est Énergie en même temps. Allez, tu dégages. Hein. On attendait que ça, allez, tu dégages. Ça c'est anticorporel, Nigel. François, mon pote, tu viens d'où, toi, tu m'as dit? De France. De France? Eh, la France est avec nous. T'as... Champion du monde. Ouais, ça va, c'est tout ce qu'on va leur dire. Vas-y, mais coupe-le, enlève-le. Sans blague. Ça va, François, c'est bon, vas-y. Ça va. C'est bon, on a encore le seum un peu, mais on va se calmer. Le seum, tu veux dire. Bon, mon pote François, là, on était en train de parler d'un truc, là, tout à l'heure, il y a un mec qui passe à l'antenne qui nous a raconté qu'il a voulu fuir les flics et comme un con, il a sauté d'une barrière et il s'est retrouvé dans un commissariat. Ouais, j'ai entendu. Ouais, c'est la meilleure histoire. C'est génial, le mec. C'est ridicule. Oui, ce genre de truc qui peuvent arriver. Écoute, t'as pas tout le temps Google Maps avec toi, hein, tu peux pas savoir. Et donc, du coup, je vous ai posé la question. On a eu plein de réponses au 30-18. Hein. Justement, la question c'était, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose dans votre vie qui a eu des conséquences de malade? Et puis, vous pouvez également nous appeler au standard, hein, 0800-23456. Facile. 0800-23456, c'est gratuit, exactement. Vince Remirbeur, la chanson d'Akima Hakuna Matata remixée pour Akima Darmouche. Ouais, je me souviens, t'inquiète. Non, mais on m'envoie plein de messages, donc moi j'aime bien tout lire à chaque fois dès que ça arrive. Super Vince, ma meilleure soirée grâce à ton retour. Et aussi en espérant le retour de Dominique et les Godes en bois. Ouais, ce sera tout à l'heure de l'émission. Hello à tous, le numéro 1, hein, salut. N'oublie pas de revenir à la friterie Patrice de Charleroi. T'inquiète pas, on va venir. Si vous avez un texto à passer, 30-18 les amis, 50 centimes le message. Non, c'est pas 50 centimes, c'est beaucoup moins en quoi, fait. C'est combien, Flo, c'est combien les SMS ici? C'est 25. Oh putain, c'est trop bon ça. C'est gratuit. Hein. Ça va faire du bien à votre forfait. Non mais t'inquiète, sur Insta c'est encore plus free, donc y a pas de problème. Hashtag Vince. Bon, mon pote François là, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que t'as fait de petit en fait qui a eu des conséquences de ouf? Mais ce que j'ai fait, non, on était plutôt deux, on va dire. Donc, avec une fille. Non, je sortais avec une fille et tout allait bien. Puis un jour, il y a son père qui a demandé de créer un compte Messenger, donc Facebook. Et pour donc, lui comme il... Oui, pour lui. Mmh. Et donc, comme il ne savait pas comment on faisait et que c'était une nouvelle génération pour lui, on a créé le compte, quoi. Et c'est moi qui ai inventé le mot de passe. Ouais. Et après, un jour, pour mon anniversaire, ma copine m'a emmené à Gand pour mon anniversaire pendant un week-end et on est allé par curiosité évidemment sur son compte on va dire et on a vu qu'il échangeait des messages avec une femme, mais pas sa femme. Bah, c'est pas grave, ça peut être une amie, non, enfin. Non, mais il y avait des échanges de vidéos. Des trucs. Est-ce qu'il y avait l'emoji aubergine? Il n'avait pas besoin de ça. Attends, mais c'est quoi comme genre de vidéo? Bah ouais. Des genres de la femme se filmer en train de se laver à poil, etc. Des trucs. Non, le gars! Non, mais attends, sérieusement, François, ça veut dire que tu as. T'as grillé des vidéos de ton ex-beau-père qui trompe sa femme actuellement. Dans ce genre de cas, est-ce qu'on le dit ou pas? Non, enfin, tu te fais plaisir sur les vidéos, je sais pas. Arrête! Non, mais François, est-ce que tu l'as dit à ton ex-copine ou pas? T'en as parlé ou pas? Mais c'est elle qui était, elle était avec moi. Oh, elle était là. Ah oui, d'accord, ok, vous étiez. Okay, vous... A priori, tu la laisses faire. Mais elle a réagi comment, elle, du coup? Elle était, on va dire, gênée, mais aussi, le truc, c'est que pour rire, on a appelé cette femme par appel vidéo sur son compte. Pour rire, quoi, c'est hyper drôle. En fait, je l'ai appelée, je voulais voir si elle allait se montrer tout. Mais vous auriez dû attendre d'être à l'antenne. Bah ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça a été grillé, l'histoire, la femme de ton beau-père l'a su ou pas? Mais donc, on a continué, et puis un jour, ça s'est fini avec ma copine. Ouais. Et il y a son ex-beau-père, mon ex-beau-père qui a brûlé mes habits, etc. Et donc moi je l'ai plutôt mal pris, parce qu'en fait le truc c'est que comme ils ont mal réagi, je me suis dit sur le compte, on va voir ce qu'il y a d'intéressant. Attendez, je suis seul quand même qui a noté que son beau-père a brûlé ses habits. Kassosland. Non mais attends, c'est quoi ce délire là de brûler tes habits Non mais lui c'était sûr, il était dans une famille à Charleroi ou je sais pas. Faut, arrête, respecte Charleroi s'il te plaît. Charlouze, représente. Charlouze. Mais j'ai grandi à Charlouze. Voilà. Et mais attends, mais un truc que je comprends pas, François, il a brûlé tes vêtements parce que il était au courant que t'as grillé les conversations Messenger. Non, parce que c'était fini avec ta meuf. Oui, parce que c'est fini avec ma meuf pour une certaine raison qui était fausse. Mais purée, moi, c'est... Les parents écoutent toujours leur enfant, ben voilà, ils l'ont cru. Et moi, tu sais, ma fille, si demain ma fille, elle vient m'annoncer « Ah, au fait, c'est fini avec mon copain, moi, je sors le champagne !» Reviens à la maison, chérie. On va jouer à PlayStation. T'avais pas besoin de ce connard, là-bas. Parce que papa, il sera avec toi jusqu'à la fin de tes jours, il va jamais te trahir. Parce que les pères, c'est les vrais, les pères. Non, mais bon, je peux comprendre. C'est que... beau quand même l'espoir. Non, mais par contre, non, mais c'est beau l'espoir. Non, mais c'est vrai tu vas voir. Un jour, ma fille, elle va me faire va te faire foutre. Elle va dire je m'en vais très loin à l'autre bout du monde. Allez, salut. Imagine, dis-toi qu'elle me dit qu'elle part pas avec un mec qui a 65 ans et qu'elle en a 15. T'imagines le truc. Pourquoi toujours autant de différence? T'abuses. Ah, écoute, je sais pas, papa qui est très cool, elle va se dire ah, bah bon, papa, il est cool de façon. Et donc, elle a pas besoin de trouver un autre père. Ouais. Oh, Lara. Ça, c'est bien. Tu vois, elle m'a remis le cœur au bon endroit là, c'est bien, tu fais plaisir. La meilleure friterie, c'est la barrière à Saint-Gilles. Ah, t'as vu, il faut carrément leur dédicace de trucs. Hey, tous les snacks là, faites des textos là, si jamais. Si vous êtes la meilleure friterie, le meilleur snack pour savoir qui est. Grave, tous ceux qui bossent de nuit là, si vous êtes policier, pompier, ambulancier, là, vous faites de la sécurité, envoyez-nous des textos là, 30-18, on check vos messages là en direct. Ouais, et d'ailleurs, amenez-nous à manger parce que j'ai faim, moi j'ai rien mangé de la journée. Ouais, calme-toi quand même. Non mais c'est vrai, le pauvre il a mangé qu'une gaufre ou un Twix. Non mais c'est vrai, hein, j'ai rien mangé. Bon, François. On s'en fout. François. donc du coup maintenant tu regardes encore les vidéos ou c'est bon, c'est terminé là? Non, c'est bon, c'est terminé. Enfin, il continuait parce qu'elle était pas au courant en fait de la maman, et comme nous on voulait pas se mêler de ça, que c'était leurs affaires, bon on a rien dit. Ouais, non, vaut mieux pas se mêler de ça, mais maintenant c'est. C'est polémique, et donc voilà, bon, on s'est dit qu'un jour il allait être au courant, puis après un jour. Un jour, j'ai été sur son compte et j'ai vu qu'il se rapprochait. Et cette femme, en fait, avec qui il a trompé sa femme, et ben, elle travaille dans un endroit, une brasserie sportive, plus ou moins. C'est là où on peut manger. Ah, balance pas le nom non plus, hein. C'est quoi, on sait jamais. Non, voilà. Et donc, je dis pas le nom. Et un jour, je suis allé à cet endroit-là. Continue, vas-y, raconte. Ouais, et je l'ai vu et. J'avais demandé un spaghetti bolo et comme j'avais vu 2 euros par avant des vidéos d'elle en train de faire des trucs bizarres avec ses doigts, ben, je l'ai vu qu'elle m'apportait un spaghetti avec ses 2 pouces dans le plat. Donc c'est immonde. Du coup, t'as léché ses pouces ou pas? Hey, je te rassure que la dame se lavait les mains quand même. Mais c'est vrai que quand tu fais le lien, c'est un petit peu crade. Voilà, belle anecdote. Merci François, merci de passer à l'antenne, mon pote. Ah, c'est tout, okay. De rien. Voilà. Et franchement, en fait, les gars, mais attendez, mais je dis merci à François, c'est tout. J'ai pas envie de me faire éclater par la pub, c'est tout. Mais non. François, mon pote, tu reviens quand tu veux dans l'émission, ça roule. C'est gentil, merci. Je peux faire une petite dédicace. Mais normal, vas-y, fais-toi plaisir, on t'écoute. Vas-y. Une dédicace à ma maman, mon papa, mon frère jumeau et ma sœur, et aussi à Jimmy et son copain. Je leur fais un gros bisou. Allez. Message passé. Merci François, quand tu veux. Hein. Au revoir. Hey, bye bye, revoir. Ciao, que tout se passe bien. Et je renvoie au standard. Voilà, et je suis content, c'est la première fois que j'ai réussi à bien appuyer sur le bouton. Merci, applaudissez-moi. Hey, merci. 21h sur Énergie, mon nom c'est Vince. Le jeu des 4 punchlines, c'est ce qui va arriver dans quelques instants. Il y a une auditeur ou une auditrice qui va appeler un de ses proches et qui va devoir lui balancer 4 phrases qui font mal. 4 phrases assassines. Est-ce qu'on a les phrases, Nigel? Ouais, on a les phrases, mais on va pas les dire, sinon c'est pas drôle. Pourquoi? Tu veux faire durer le plaisir, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as un gars comme ça. Hein. Pour une fois qu'il peut. Ouais. C'est pas ce que tu me disais la dernière fois là. Non, je n'entends pas ce qu'il dit. Et je vous rappelle, on aura des places à vous offrir pour le Battle Card. On a un jeu tout à l'heure là qui s'appelle le Nick Russo Game. Alors, le Nick Russo Game. C'est quoi ça? Alors, il y en a certainement, tout le monde a entendu Nick, à mon avis, hein, mais non, Nick, c'est un prénom. Nick Roux. C'est un DJ, un pote à moi. Nick Russo, on s'en fout de son taf. C'est un pote à moi, il vient de New York. Ouais. Et il est américain. Bien sûr, il vient de New York en même temps. Voilà. Et sauf que le gars, il parle anglais. Et un jour, c'était un délire, on était ensemble... S'il vient de New York, je sais pas quelle langue il devrait parler à part l'anglais. L'espagnol, c'est la deuxième langue de New York, figure-toi. Et puis, et puis le chinois, ah, je t'ai appris un truc. Hein. Ah, c'est vrai, ouais. Bien pour une fois. Beaucoup parlé, bah, pour une fois, fait le malin. Et en fait, le mec, un jour, je lui dis, tiens, prononce le nom de la rue. Et genre, Chaussée de Louvain, il te le dit... Louvain. Et donc, du coup, je lui ai fait enregistrer plein de trucs à distance qu'il m'a envoyé là tout à l'heure. Et vous allez devoir les découvrir. Et si vous découvrez, et ben vous repartez avec des cadeaux bien de chez nous, les amis. C'est des rues en Belgique ? Ça peut être des rues en Belgique, ça peut être des rues partout, ça peut être des rues que vous ne connaissez tout simplement pas. Ah bah, voilà. Ça va être sympa à découvrir. ça va être effectivement très très sympa. Et tout ça, les amis, ça va arriver d'ici quelques instants. Oui, Flo, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me dire quoi, Flo ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, tu viens de sauter la pub, donc... Non, tu l'as pas encore sauté, mais t'allais la sauter. S'il te plaît, évite que je fasse une connerie. C'est le début. Je crois que c'est le plus piètre début de toute l'histoire de la radio. Mais c'est ça qu'on kiffe, de toute façon. Voilà. Vince, je suis pas pompier ni agent de sécurité, mais je me fais chier, donc je t'envoie quand même un message. Sinon, ça fait grave plaisir de t'entendre vos voix. D'entendre vos voix, là, vous allez continuer à conquérir la radiophonie belge. Vive Lara, vive Vince et vive Énergie. Et on a zappé Nigel. Et c'est très bien. Merci. Ouais, c'est pas grave, j'ai bloqué son numéro, c'est bon. Bah non, vas-y. Oh, bordel, il vient d'Actiris, ce clown nous a dit là. Vince, je vais enfin pouvoir me remettre à écouter la radio. Le kiff de te réentendre, Quentin de Charleroi. Big up au chauffeur aussi. Pâtisserie pour moi vers 4h du mat. Bande de glandeurs qui est envoyée. Friterie Billy à Mons, les mecs. Bah, c'est bon, même ça. Les textos par SMS, si jamais vous le désirez, il n'y a pas de problème. C'est au 30-18. Bon, vous bougez pas, on arrive dans quelques instants, les amis, avec le jeu des 4 punchlines. On a également de la bonne musique qui va débarquer. Qu'est-ce qui se passe, Flo? Tu veux me prouver quoi, là? Le titre que tu veux mettre, il faut le mettre juste au-dessus. Ah, d'accord. C'est lequel? D'accord, mais c'est juste en dessous. Et voilà, comme ça, je fais comme ça. No. T'as vu ton exactement. Ton truc qui bug là. Oh. Et j'adore. Et franchement, voilà. je vais y arriver. Attends, les gars. Attends, il y a vraiment Post Malone qui va arriver après. Juste après. Ouais. Oh là là. Et le jeu des 4 punchlines, bienvenue sur Énergie. Vince, c'est où? Dans la maison. Téléchargez maintenant l'application Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie Latino, Énergie Hits 2000, Énergie Discover et beaucoup d'autres comme Énergie Rap FR. Retrouvez tout l'univers Énergie Rap FR en non-stop. Et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Rap FR sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Ouvert aux Anversois, aux Waterlootois et à ceux qui ne quittent jamais la capitale. Bref, ouvert partout en Belgique. Basic Fit, ouvert à tous, à 19,99€ par mois. Avec plus de 170 clubs en Belgique, il y a toujours un Basic Fit près de chez vous. En ce moment, fitness gratuit jusqu'au 1er novembre et un sac offert. Offre sous condition, voir sur basic-fit.be. Aïe, bailalo, bailalo. Confident you never get declined. Man come off and beg you take time. Fonse and Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah. Come on. Pero sé que no es normal lo que puede pasar.

Ah, tu recommences à zéro, tu réapprends, tu redécouvres la radio, tu recommences depuis le début dans un sens. Mais surtout, c'est la suite d'une belle aventure avec vous, les amis. Il y a plein de messages qui sont arrivés là par SMS au 3018. Mais est-ce que c'est possible d'écouter le replay de l'émission quelque part? Alors, on vient de commencer, donc ça va être un peu compliqué de directement. Sera disponible demain, hein. Oui, enfin, demain, tout à l'heure, on va le faire tout à l'heure. Hein. Bah ouais, je fais un gros bisou à Solène qui s'occupe des réseaux sociaux. Respect, parce que Énergie a fait sa rentrée aujourd'hui. Il y a eu du monde, les médias étaient là ce matin. Et franchement, elle bosse depuis ce matin très, très tôt. Donc je dis respect à elle et puis respect aussi à Nico. C'est notre directeur d'antenne qui est là avec nous. Franchement, je suis content qu'il soit là. Hey, c'est le meilleur directeur d'antenne toute radio confondue. Hey, rigole pas, c'est que c'est franchement c'est la première fois qu'un directeur d'antenne m'accompagne pour ma première. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais je le dis, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Mais par contre, ça fait 10 fois que je dis merci. Ouais, merci. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Il y a quand même un truc qu'on va avouer. Il y a quand même un truc qu'on va avouer, tu vois. C'est que j'arrête pas de dire merci aussi. Ah oui. Parce que le café est gratuit. Alors, il faut préciser un truc. Non, mais attendez. Attendez. C'est incroyable. À un moment donné, tu sais que quand tu fais un café à 1€ tous les jours. Pendant longtemps, ça te fait cher, tu vois. Ouais, que t'es, surtout que t'es payé 900€. Exactement. Il y a tout ton budget qui part dans le café. Et là, sérieusement, j'arrête pas d'être reconnaissant pour plein de choses. La cuisine est propre, tout le temps. C'est incroyable. Hein. Les gens sont gentils, sont souriants, tout le monde vient de faire la bise. Attends demain. C'est ça. Dès qu'on aura marre de voir ma gueule et tout. En plus, j'ai une mauvaise habitude, c'est que je me balade en hoverboard. Je me balance en poil et tout le monde trouve cool, tu vois. Et j'ai ma pote qui trouve cool. Non, tu sais, tout le monde trouve cool. Genre, ah, c'est sympa ton overboard et tout. Parce qu'en fait, comme énergie, c'est dans un open space tout plat, c'est super pratique à utiliser. Et à un moment donné, je me suis ramassé une de ces punchlines de Wendy que vous entendez l'après-midi. Elle fait: bon, t'en as pas marre ton overboard, hein? Ça y est. Je suis descendu, je me suis assis. Je fais: pardon, madame. Vous la retrouvez toutes les fins d'après-midi avec Khalid là sur énergie. C'est ma grande sœur, franchement. C'est ma tantine. Un jour, je ferai une émission avec elle parce que. Dire ça déjà tout à l'heure quand t'as dit que c'était ma tantine, elle a très mal pris. Mais même je le prendrais mal, moi. Pourquoi? Toi, t'es ma grand-mère, toi. C'est pas pareil. Vince, je reprends les cours dans une semaine et tu reprends la radio. Je vais passer mes soirées à faire mes devoirs avec vous dans mes oreilles. Eh ben, c'est une bonne chose. Si jamais on peut t'aider, il n'y a pas de problème, on est là pour toi. 30-18 les messages, faites-vous plaisir. Et puis le standard 0800-2-3-4-5-6. Alors, avant de continuer avec le jeu des Cap'n Shine, je vais quand même demander ça se passe comment au standard, là, les amis? Alors? Ouais, ça va, tranquille, ça se passe bien. Hein. On commence à apprendre petit à petit. Bande de mythos, vous galérez. Ah, c'est pas vrai, lui il galère, moi je suis très bien. Moi, ouais, mais ça se voit, ouais. Eddie il est posé et Eddie, franchement, il a le sourire. Alors que là tout à l'heure, il y a le mec de la technique d'énergie qui a pété son téléphone. Ça voilà. Je suis à moitié posé en fait, tu vois, moitié posé seulement. C'est ça, tu vois, il arrive, il est souriant, mais il se dit quand même: ah putain, j'ai quand même un téléphone qui s'est fait niquer, merde. Voilà, mort de rire, Nico accompagne Vince pour la première. C'est pareil, il est toujours là quand c'est la dernière des animateurs et tout. Ah bon? Quoi? T'es là quand c'est la dernière des animateurs, Nico? Ah, aussi. Ouais. Mais il est bien, ce mec. Dit bonjour et au revoir. Mais du coup, c'est notre première et dernière. Ce serait trop ouf, en fait. Ce serait trop ouf. Bon, on a Joël qui est avec nous dans le standard. Salut, Joël. Comment ça va? Joël est dans la maison. Ça va, Joël? Bonsoir. Joël, tu viens d'où? Ouais, je viens de Paris. Parler dans la maison, dis donc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon, il y en a marre des Français. Eh, les champions du monde, là. Ah, bah, désolé. Joël, c'est Énergie Belgique ici, frère. Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'anti-jeu. Ah bah là, je fais le tour, je suis à Bruxelles, je suis avec mon pote Milas, on fait du son tranquille. Ok, putain, on est avec des producteurs. Bien sûr. On est avec toute la bande du Palma Shooker, on s'amuse. Et, D'accord, on dirait l'équipe de foot. Non, c'est un bel équipage. Ah bah écoute, mon pote, aujourd'hui, tu vas jouer au jeu des 4 punchlines, on est bien d'accord. Yes. Alors, tu vas téléphoner. Un pote à toi, une connaissance, ta meuf, tu vas téléphoner à qui, dis-nous? Non, un pote à moi, on se connaît depuis. Franchement, ouais, vas-y. 2 ans. 15 ans, hein, depuis 15 ans, ouais. Depuis 16 ans, vous connaissez, ok. Et t'as quel âge, du coup? Ouais. Moi, j'ai 29 ans. D'accord. Ah, ok. Et en gros, le genre de blague que tu vas lui faire, c'est que tu vas devoir placer 4 phrases difficiles, blessantes. Quelles sont ces phrases, Nigel? J'adore. Attends. Parce que j'ai regardé la radio, je t'ai vu paniquer. Mais moi je panique jamais. Ouais, mais t'as les phrases ou pas? Ouais, j'ai les phrases, mais elles sont standards. Non, c'est vrai? Bah, tu sais quoi, vas-y, on va demander à Eddie. Attends, on va demander à Eddie. Eddie, c'est quoi les phrases qu'il va devoir placer là? Il y a 4 punchlines à placer, c'est lesquelles? Moi j'ai les phrases aussi, mais elles étaient dans mon téléphone. Non, mais les gars! Non, je rigole. Vas-y, rigole. C'est quoi les phrases? Donc la première phrase, c'est: ouais, tu ressembles à un flamby. Ouais. La deuxième phrase, c'est ouais, parfois je suis un peu gêné de marcher avec toi parce que bon, t'es un petit peu imposant. D'accord. La troisième phrase, c'était C'était, tu ressembles à NASA, un truc comme ça, mais je les ai passés à Joël en fait, les phrases. Hein, donc il les connaît, les phrases. Il les connaît par cœur. Non, mais c'est pour les auditeurs, comme ça, ils savent ce qui se passe. Hein, et pour moi aussi. Parce que, comme ça, je sais quand je peux mettre le signal parce, qui parce est. Parce que moi, voilà. Quand je disais les phrases, elles étaient dans mon téléphone, elles étaient vraiment dans mon téléphone. Hein. Ah merde. Ah merde. Donc là, Joël, tu les connais, mais je les ai envoyés. Je les ai envoyés sur Facebook, donc il peut les lire, non? Bon, Joël, est-ce que t'es prêt? Hey Joël. Allô. Ouais, je suis là. J'attends cette émission. Joël, est-ce que t'es prêt pour qu'on appelle ton pote à Alexandre? Ouais, vas-y, on voit. Ok, attention, les gars, on l'appelle. Alors, j'appuie, je lance. On va voir ce qui va se passer. Curieux. Donc le jeu des 4 punchlines, faut téléphoner à quelqu'un et lui balancer 4 phrases qui font, voilà, qui mettent des claques. C'est parti. En espérant qu'ils répondent. Ouais, déjà. Allô? Allô? Allô, ouais? Allô? Non, mais c'est une blague. Attends, ils sont potes depuis 15 ans, mais le type, il a 9 ans et demi. Ouais, t'as vas-y, comment? Eh, les gars, au standard, ils sont trompés de numéro, bravo! Allez, 50 balles dans la cagnotte, merci! Eh, c'est ça! Tu sais, t'entends une voix fluette qui arrive. Salut, ça va? Bonjour! J'ai 12 ans et demi. Bonjour, tranquille. Bon. Non, mais c'est excellent. Ah, mais rappelle peut-être Vince qui a gagné. On peut gagner 4 places, enfin 4 entrées pour le. Ah non, 4 entrées, on n'apprécie pas du tout. Il n'y a pas de S à 4. Non, il y a 4 entrées en fait pour le OP Battle Kart. En fait, c'est situé à Moucron. Et en fait, c'est une réalité augmentée où on peut faire du karting et tout. Et c'est comme un peu un petit Mario Kart en virtuel. En gros, tu fais du karting. Ouais, c'est ça. Mais et quoi, t'as un casque? Non, t'as pas de casque en fait. C'est une salle qui est dans avec le noir. Des hologrammes. Voilà, c'est ça. Non, même pas des hologrammes. Des genre des LED par terre. J'ai tapé des hologrammes, j'ai dit. Ouais, vraiment. J'ai envie de te taper. Honte à toi. Honte à toi, ouais. Et sinon, il y a quelqu'un au standard. J'espère que je suis de retour. Ouais, allô, est-ce que tu me reçois? Ouais, bien sûr, je te reçois. Ok, Joël, on est d'accord que c'est bien toi, là. Est-ce que nous, on le reçoit? mais oui, mais c'est moi. Ok, non, mais tracasse, frangin, parce que depuis tout à l'heure, on passe sous un tunnel, j'ai l'impression. Non, mais ça va se caler. Trop d'énergie dans cette émission. Non, mais tant mieux. Hein. Attention, je ne capte plus rien. Voilà, bon, Joël, c'est parce qu'en gros, on s'est trompé de composition de numéro de téléphone. C'est bon, hein, maintenant, on va appeler. Franquignol, je jure. Voilà, okay. On va appeler la bonne personne, j'espère en tout cas. C'est parti, on l'appelle. Let's go. Allô? J'adore le bordel de cette émission. Attention, il faut se taire quand tu vois en ligne. Attention. Ça sonne. Oh non, on entend bien que ça sonne. Ouais. Ça sonne une troisième fois. Allez, est-ce que ça va décrocher? Ah, ça sonne longtemps là, à mon avis. C'est du tisto ou quoi? Ça, c'est un répondeur, ça. Répondeur, les gars. C'est son répondeur. T'es sérieux? Ouais, c'est son répondeur. Eh, c'est bon, vas-y. Attends, t'as déjà entendu un répondeur? Ah, mais non, mais attends, c'est qui même pas un répondeur pareil. Non, mais enlevez-moi ça. Eh, les gars, je comprends plus rien, moi, ce qui se passe. Ok, c'était le répondeur. Bon, on va essayer de le rappeler. Joël, on retente maintenant. Vas-y, on retente. Allez, let's go. J'adore cette première émission, elle est géniale. Sinon, à part ça, vous avez fait quoi pendant vos vacances, vous? Bah écoute, on a travaillé tous les jours à la préparation. C'est vrai, bah, vous avez bien préparé apparemment. c'est du lourd. Hein. On rappelle. Bon allez, en espérant que ça décroche ce coup-ci. Vous n'êtes pas parti? Allez. Il y a quelqu'un qui me dit, Vince, qu'est-ce que tu fous sur énergie? Je suis fou. Joël, envoie un message à ton pote. Dis-lui qu'il réponde. T'appelles en numéro masqué. Non, c'est encore la boîte vocale. C'est un répondeur encore. Ouais, c'est encore répondeur. Ah bah, franchement, on va essayer après, les gars. Hein, parce que là, je peux rien pour vous. Là, on est dans une situation un petit peu compliquée. Hein, le jeu de Cap Punchline, c'est la première, c'est génial. Hein. Mais c'est toujours. Bah, c'est... Mais ouais, mais t'inquiète. Vince, vos studios sont sur la chaussée de Louvain, non, sur Bruxelles. Oui, je confirme. Mais ne viens pas, merci. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu me poses cette question, là, toi qui m'envoies ce message? Ouais, de toute façon, on va faire un jeu tout à l'heure. On va faire le match mollo. On va tenter de retenter le jeu des 4 punchlines. Hein, ça va arriver, mais avant ça, on va se mettre bien avec de la bonne musique. Aya Nakamura, que j'ai eu l'honneur de présenter au Energy Music Tour de Liège. Elle chante superbement bien. Mais qu'est-ce qu'elle est grande, elle est plus grande que moi. C'est vrai? Ouais, plus baraquée aussi. Non, mais... non. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, demander t'y paix. Tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crash encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu t'aides ça. Dame toi, en katana, baby, tu t'aides ça. En katana, baby, en katana, baby, tu t'aides ça. En katana, baby. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Vince, tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser, hey. On va tout casser, hey. On va tout casser, hey. Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, c'est Vince, 21h, on est là tous les soirs jusqu'à minuit, du lundi jusqu'au vendredi. Et puis le vendredi également, il y aura une petite after Vince. Ah. Entre minuit et 1h, dans Extravadance, je vais être platine. Voilà, j'adore parce que Nigel, c'est le comprendre, il est pas au courant. Ah ouais, mais j'étais pas au courant de ce truc. Ah, mais je viens de le dealer quand j'étais aux toilettes, j'étais en train de pisser à côté du directeur d'antenne et il m'a dit t'as envie de faire Extravadance? J'ai dit bah ouais. C'est payé combien? Fais rien. Je fais bah ouais. Et voilà. Et donc, du coup, ça se passera ce vendredi. Mais on a le temps, on a encore une belle semaine, on a des délires, on a pas mal de choses à se raconter, les amis. Là, on a pas mal de trucs à parler. Ce soir, tout à l'heure, on va discuter de la femme qui est en train de faire un buzz immense. Elle a fait une interview pour Combini, 3 millions de vues, ça a pété un plomb. Ouais, Jacqueline Jacquet qui a annoncé que tranquillou, début janvier 2020, elle allait mettre fin à ses jours. Comme ça, elle a annoncé ça de manière froide parce qu'elle estime qu'elle a fait son temps. Elle est en bonne santé et tout. Hein. Et c'est un gros sujet parce que j'ai demandé l'avis sur Instagram. Il y a quand même 74% des gens qui trouvent ça pas cool du tout, en mode non, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'elle peut imaginer ça? Mais là, ça mérite réflexion. Hein. Franchement, elle est venue avec une analyse assez intelligente. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir réagir dessus tout à l'heure au standard, là, 0800-234-56. Et si vous le désirez, par SMS, au 30-18. Salut Vin, salut l'équipe. Je te souhaite une belle aventure sur Énergie. Serait-il possible de passer l'Algérino international? On note ça. Peut-être pas pour ce soir parce que la prog elle est déjà faite, je t'avoue. Mais on va essayer de gérer ça. Par curiosité, je voudrais savoir si John travaille toujours avec vous. Enfin, travaillez, lol, vous êtes terrible, je vous kiffe. C'est notre pote John, c'est un pote à qui on a bossé. C'est qui John? Bah, Zézel. Ah, ok, voilà. Oui, comme ça, ouais. On lui fait un bisou. Oui, ouais. On lui fait un bisou, tranquille. On va commander des frites chez lui, c'est un frangin à nous, c'est pour ça. Donc voilà. Bon, on va récupérer notre ami Joël dans quelques minutes. Avant ça, je précise un truc, c'est que tout à l'heure, on aura également des cadeaux à vous offrir avec le jeu du Nick Rousseau Game. C'est quoi? Je vous balance des noms de rue en anglais, enfin, des noms de rue en français, racontés, enfin, expliqués par un Américain. Ok? Vous me suivez jusque-là? Mm-hmm. Et il va falloir essayer de trouver la rue en français. Ça va? C'est une rue en français, mais avec un accent anglais. Exactement. Tu veux un test? Je voulais qu'on se fasse un test, un extra. Fais. On se fait vite un test ensemble. Hein. Alors, je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-là. Ça va être très facile. Vas-y. C'est un easy, celui-là. On y va. Place de Anvers. Place Place d'Anvers. Place exactement, d'Anvers. Place d'Anvers, tout simplement. Tu vois, c'est infacile, j'ai fait exprès en démo. Par contre, ça, c'est quoi? Attention. Adrienne le couvreur. Voilà, voilà. Adrienne le couvreur. Ah, bah attends, parce que Lara, c'est la meuf qui trouve toujours tout, mais là, je suis pas sûr. Attends. Adrienne. Ah, allez. Découverte. Adrienne découverte. C'est vrai qu'il est au toilette. Ouais, vous avez découvert ça tout à l'heure, les gars. Chaque chose en son temps. C'est pour le jeu de tout à l'heure, là. Vous allez pouvoir repartir avec des cadeaux également. Le mot de la fin, ce sera tout à l'heure. Bon, Joël, que je récupère juste pendant quelques secondes. Ah, mais non, Joël n'est pas avec nous. Non, mais tu peux prendre Yacine, là. Ah, Yacine est là. On a quelques secondes, alors. Hein. Salut, Yacine. Oui, salut Vin, ça va? Ça va, allez, au revoir Yacine, bye bye. Dans la maison. J'ai dit au revoir Yacine, bye bye, parce que... à tout à l'heure Yacine, ça va? Ouais, je comprends. Mais non, je rigole, Frangin, t'inquiète, reste avec nous, reste avec nous. Tu veux te parler de quoi là ce soir, Yacine? Bah rien, je voulais juste faire coucou à toi, à l'équipe. Coucou. Et voilà. Voilà, salut. Ouais, salut. Ouais, bah, non, mais en fait, c'est parce que je t'ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram, je t'ai déjà vu en vrai. Et du coup, bah... voilà. T'es Yacine qui vient d'où? De Liège. Liège dans la maison. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est... Et tu passais comme ça me faire un coucou. T'as appelé le numéro gratuit là, 0800 234 56, et ça y est, tu t'es dit je vais faire un petit coucou à Vince. Eh ben non, en fait, par Instagram, je t'ai passé mon numéro. Ah mais ouais. Et du coup, ben, voilà, ouais. Et à un moment donné, j'avais fait une petite annonce, genre, ouais, si vous voulez passer à l'antenne, j'étais dépassé. J'ai rien compris à ce qui se passait, parce que j'ai mis ce post-là, je me suis réveillé le lendemain, j'ai commencé à scroller, je me suis dit, waouh, ça va coûter cher en facture de téléphone, à mon avis. Eh ben, ça fait plaisir, mon pote. Tu passes quand nous faire un petit coucou en studio, là, si tu veux? Bon, aucune idée, mais pourquoi pas un jour. On va s'arranger, pourquoi on va gérer ça, ça va? Oui, bah franchement, ce sera un gros kiff d'être près de toi et tout. Enfin, bah ouais. La première fois que je t'ai vu, c'était au match de la Belgique ici à Clessin. Je sais pas si tu te souviens. Si, attends, on s'est croisé à la fin quand la Belgique a gagné contre Gibraltar 10-0. Oui. Ouais, c'était l'année dernière. Ouais, et je me souviens que je t'avais croisé à la fin, effectivement. Ouais, à la fin du match. Une photo. Wow. On avait même parlé que j'étais déjà passé dans une de tes émissions. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, ça, j'étais passé dans une de tes émissions il y a quelques temps. Tu sais que généralement, j'ai 15 à 20 auditeurs par soir. Alors, si je dois calculer sur 5 ans, je crois que ça fait... Ce que tu veux dire, c'est beaucoup. Non, ça fait beaucoup. Je t'en souviens pas. Mais non, il y a peut-être moyen s'il me raconte une anecdote précise. Mais par contre, je me souviens de t'avoir rencontré, effectivement, au match de foot, là, effectivement. Attends, oui, bon, on s'était parlé. Et Yacine, t'as envie de faire un jeu avec nous tout à l'heure ou quoi? S'il te plaît, j'ai pas compris. Est-ce que t'as envie de faire un jeu avec nous tout à l'heure? Pourquoi pas, ouais. Eh ben écoute, on va gérer ça. Ça va, je te passe au standard. Et en tout cas, merci. C'est cool d'être passé à l'antenne, me souhaiter la bienvenue. C'est voilà. C'est. Je peux faire une petite dédicace, c'est possible? Bah ouais, vas-y, bien sûr. Fais ton plaisir. Ça va, merci. Donc je voulais faire une dédicace à ma copine Juliette et à mes amis Mathéo, Kenny et Loïc. Voilà, c'est tout. Et bonne rentrée, les gars. Ah ouais, merci. On s'en réjouit. On s'en réjouit, youpi. Je retourne à l'école. Super content. Waouh. C'est trop bien. Eh ben merci beaucoup, à tout à l'heure alors. Ça va, bisous, merci. À tout à l'heure Yacine, et merci, c'est cool. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de messages qui arrivent là. Vince, je voudrais bosser avec toi, est-ce que c'est possible? Nigel@energie.be. Ouais, Nigel, hein, pour ceux qui ne savent pas écrire. Bon, et bougez pas, on arrive dans quelques instants les amis, on va passer au Mashmolo là, ça arrive tout de suite, bienvenue. Énergie le soir. Oh my god, ça se passe avec Vince. Dès 21h. Prenez-en plus sur l'équipe qui vous réveille chaque matin dans le 6-9 sur Énergie. Jérém. Ah, il y a un truc qui m'insupporte, c'est quand le papier toilette est mis à l'envers. Oui, désolé, il y a un sens. J'ai besoin d'aide. Ça fait 20 ans que j'essaye d'arrêter de me ronger les ongles. Je garde toujours des vieilles paires de baskets pour faire le jardin. Ok, j'habite en appart, mais on sait jamais, hein. J'adore les blagues. D'ailleurs, tu la connais, l'histoire du pingouin qui respire par les fesses? Eh bien, un jour, il s'assoit et il meurt. Le 6-9 sur Énergie, tous les matins, 6h-9h. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Beau ou mauvais temps, la nature va vous surprendre. Saviez-vous que l'eau de pluie qui tombe à Chauxfontaine est filtrée pendant 60 ans par la nature? Chauxfontaine, naturellement surprenante. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green.

Oh, ça va vite. Lara est avec nous, ça va Lara? Ça va super. Et une nouvelle demoiselle également qui s'appelle Fanny. Je suis toujours là. Ça va Fanny? Ouais, on t'entend pas beaucoup parce que t'as vu, c'est les débuts. Hein. Ouais, ouais. Non, et c'est la première fois que tu passes en FM national. Oui, effectivement. Oh là là là là. C'est un peu le stress, j'avoue. Ça change parce que t'as quand même animé pendant sur une web radio, toi. Bah, ça fait environ 4 ans que j'anime. Ouais. Et j'ai été animatrice principale comme toi, mais en radio, bah, comme tu dis, en web radio. Ouais, t'inquiète, je suis passé par là aussi. Voilà. On y est toujours, on est sur allergie.be. Hein. En plus, comme on a fait la même école, j'imagine que t'es aussi passé par cette chère radio. Régie 5, moi c'était à l'époque Régie 5 qui est venu à live. Je suis passé sur Régie 5 à ce moment-là. Radio des étudiants de l'IEX. Exactement, et bon. Voilà. Bon, les saluts en tout cas, c'est cool ça, c'est bon. Des bisous à eux. Ouais, et en plus, tu vas t'occuper de la vidéo dans cette émission. Effectivement. Ça va être magique. Bon, ouais. Je sais pas si on aura beaucoup de vidéos à sortir aujourd'hui. Hein. On verra parce que t'as vu ma coupe de cheveux en même temps. Ouais. Et tu sais, je me suis coiffé de ouf ce matin. Et puis après, rien dans à voir. Journée, c'est bon, ça non, mais je te jure, rien à voir. Bon, ça y est, il y a Lara et Nigel, ils sont en train de faire les cons. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a également Nigel qui vont comprendre. Ça va, Nigel? Ça va bien. Non, ça va pas. On s'installe, mais vous les gars, je sais pas ce que vous avez. Non mais sérieusement. De la radio, c'est articulé. T'es pas supposé de mettre ça maintenant dans ta bouche. Comme un ch'ti quand tu... Bon, je vous explique. Ah, c'est mal. Et on s'est vu tourner. Fais un peu A. Refais ton A. On s'est vu tourner, bien sûr. On me dit, Vince fait péter un live vidéo Twitch ou Facebook du studio. Hey, chaque soir son temps, on va être sur energie.be, on est sous le temps, là, on est en train de bricoler le truc. Bonsoir, bonne première, on te kiffe à mort, Lisa et Célia de Saint-Guilain. Merci pour le message, c'est super gentil. Et sinon, il y a quelqu'un qui me dit, salut Vince, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai plus entendu, quoi de neuf? C'est quoi le numéro pour envoyer des SMS? Bah, c'est le numéro que tu viens d'envoyer, frère. 3018. Ou ma soeur, je sais pas, 3018, effectivement, c'est ça. Bon, Nigel a été faire des courses, il nous a ramené. Un écarteur de bouche, un classique. C'est un spéculum buccal. Voilà, je fais une dédicace à la personne qui a inventé ce jeu qui s'appelle Jimmy Fallon. Voilà. Ah ouais, c'est Jimmy Fallon qui a fait ce jeu et après tout le monde l'a pompé en les disant on a inventé un truc. Alors, de Fallon. Voilà, merci. Un blanchiment dentaire. À quoi t'as dit? Blanchiment dentaire. Ça sert à faire un blanchiment dentaire à la base. Ouais. Voilà, donc c'est une sorte d'écarteur que vous pouvez taper dans la bouche, sauf qu'on va lire des phrases et il va falloir tenter de reconnaître la phrase qu'on balance. Je sens que ça va ressembler à rien, effectivement. Alors, bon, Fanny l'ami, Fanny, comment tu vas? J'ai pas encore mis. Ah, t'as pas encore mis? On dirait ça. Alors, moi, je précise ce truc, il fait super mal quand on se met à rigoler. Ah, ça fait mal. Y a Nico et qui est en jeu avec nous? Ah, vas-y, viens, on va aller faire jouer. Hey, Nico, le directeur d'antenne, là. Tu vas voir, quand tu vas rigoler avec, ça va te défoncer. Ça va te défoncer la nuque, mais ça va te défoncer en fait les gencives. Qui aussi, ça va être drôle. Kim. Kim. Vas-y, Kim. Kim, ici. Kim, c'est le boss, c'est le brand manager là. Lui, il a tout mis dans la bouche. Il faut le sortir. Kim, t'as une grosse bouche. Attends, quand Kim le met. Attendez. Allez, en plus cette division. Ça va Kim? Est-ce que ça va? Non, parce que Vince, on sait pas le dire. Faut préciser, c'est le Big Boss. Hein. Je dois dire un truc. Quand Kim, le Big Boss, il met ce truc, il ressemble au méchant dans, tu vois, Will Smith dans I Am Legend. À un moment donné, il se fight avec un zombie qui arrête pas de lui chercher la misère. Je te jure, c'est la même tête là, tu sais, avec une grosse bouche. Jason Statham. Ouais, Jason Statham, grave. Alors, faut préciser un truc, c'est que. On nous voit en vidéo ou pas? On se rapproche de mon vidéo, pas tout de suite. Ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Laisse tout le temps. Laisse tout le temps. Ça fait là, là. Oh là là. Bon, on va jouer au match molo là, dans quelques secondes. Non, je me permets juste d'accueillir Angela dans le standard. Salut Angela. Salut. Angela est dans la maison. Angela, tu viens d'où? Pardon? Tu viens d'où? Je viens de Bruxelles. Ah, elle a compris. Bruxelles, V. Ça fait mal. Attends, les gars. Avec ton machin de bouche. Ah. Oh mon Dieu. Ouais. Et je peux pas skip. J'ai déjà joué à ça. Mais ça fait mal quand tu te mets à rigoler ce truc. Je l'ai essayé tout à l'heure, ça m'a défoncé les gencives. J'ai peur de le remettre. Mais je vais le mettre tout à l'heure, de toute façon, dans quelques minutes. On va commencer à faire ce jeu à la con. Avant ça, ma chérie, tu passes à l'antenne pour nous faire un petit coucou, c'est ça? Oui, je sais pas si tu te rappelles de moi. On s'est vu à la... Arrête de rigoler. Attends, tu sais quoi, je vais descendre leur micro pendant deux secondes, comme ça on parle toi et moi en aparté. Enfin, je vais en apporter avec elle pendant une minute, là, vous inquiétez pas. Vas-y Angela, je t'écoute, explique-moi. Je sais plus si tu te rappelles de moi, on s'est rencontrés à la... Other Game, à la... Ah, une fois. Ouais. Oui, à la fois. Ouais. Et, t'étais avec ton père pour... Ouais, et je m'ai invité pour ta dernière émission à Fun Radio. Exact, ça y est, ça me revient, effectivement, ouais. Oh, mais ma chérie, donc, mais c'est cool, ouais. Et voilà, en fait, je voulais te dire, bon, avec toute l'équipe aussi, mais voilà, je voulais vous proposer quelque chose. Ouais. Et là, je le dis vraiment à tout le monde. C'est si vous voulez, dans quelques mois ou quoi, je viens à Énergie et je vous ramène des chocolats et des bons gâteaux que je ferai moi-même. Ah, ben, ah non, dégueulasse. C'est un vrai chocolat. Mais par contre, c'est une régime. Alors, cette émission, ça part dans tous les sens. Fanny a dit un truc vrai. C'est vrai, Angela, je suis au régime. Donc moi... Ah oh, putain, non, mais... je suis vraiment désolée. Non mais t'inquiète, c'est pas grave. Donc, tu crois que quoi, je triche dans mon régime, moi, y'a pas de problème. Oui, on l'a vu, ouais. Voilà. Le Twix, tu l'as pris, en fait. Non, j'ai rien pris. Non, mais je dois expliquer un truc aux auditeurs, c'est qu'effectivement, ma fille m'a dit, je suis une petite fille de 5 ans, elle m'a dit, papa, t'as un gros ventre. Alors depuis, je suis en PLS, je suis vraiment pas bien, et j'ai décidé de faire un régime. Voilà, un régime et de reprendre le sport. Et donc, du coup, ça y est, je perds un petit peu de ventre. Tu piques les Twix des autres. Donc, ma chérie, on va attendre, parce que je me suis donné 3 mois, ça fait 1 mois que je le fais. On va faire un suivi ici, même on fera des photos de temps en temps. Mais en tout cas, dans 2 mois, tu viens avec tous les chocolats du monde parce que là, j'aurai terminé mon régime. Mais moi, je fais le challenge aussi. Mais ouais, s'il faut aussi, je peux faire des gâteaux allégés. Hein. Non, ça ne me dérange pas. Mais vas-y, non, mais grave. Attends, tu sais quoi, je te propose quelque chose de mieux. Je te propose quelque chose de mieux, Angela. Est-ce que tu n'as pas envie de venir préparer tes gâteaux ici, dans la cuisine d'Énergie? Et comme ça, on le filme, on le met sur la chaîne Énergie Hit. Télévision, ma soeur, en télévision, avec l'équipe des animateurs d'Énergie Hit. D'ailleurs, c'est cool, là, je vais pouvoir proposer un projet. Ouais, bah, Bolo, d'abord, tu bosses pour non, moi un c'est peu. C'est vrai, il y a un gros projet là qu'on peut faire. Hein. Ouais, il y a quoi? Le Energy Cooking. Pas mal. Hey. Pas mal, t'as pas vu ça dans mes notes par hasard? Non. est-ce que tu dis oui ou non, Angela? Moi, je dis oui tout de suite, mais sincèrement, je suis pas une très très grande pâtissière et tout, mais s'il faut, je pourrais amener 2-3 potes qui sont vraiment des grands pâtissiers et tout. Donc, est-ce que tu me dis oui ou non alors? Moi, je dis oui tout de suite. Eh ben voilà! Ouais. On va s'arranger hors antenne là, ça va comme ça, même sur Instagram si tu veux, je vais faire le rendez-vous toi et moi. Et voilà. D'accord. Et je vais te linker avec les animateurs d'Énergie de sa chaîne télé, comme ça tu pourras faire un truc avec eux, ça roule? D'accord. Vince, je peux vite faire un petit big up? Mais bien sûr, vas-y, cette émission est là pour toi. Vas-y. Alors, je vous fais un gros big up. Pardon. Désolé, je suis un peu stressée. Non, c'est moi, je l'ai mis en attente. On écoute tes big up, vas-y. Bah vas-y, laisse-la. C'est pas cool, mec. Mais remets-la, toi aussi. Allez. Mais bon, je l'ai remise. Vas-y, on t'écoute, Angela, on t'écoute. Je vous fais un gros big up à toute l'équipe. Et mon copain qui est juste à côté de moi qui me regarde avec des gros yeux en disant qu'est-ce que tu fais encore. Bon, on le salue. Ramène-le avec aussi la prochaine fois que tu viens, ça va? Il te demande que tu viennes avec moi. Bisous ma chérie, je te passe au standard, hein. Ça va? Merci, oui. Bisous Angela, et merci, bisous, ça fait vachement plaisir. Non mais sérieusement, on a fait de la radio pendant longtemps, et tu sais, parfois tu te dis, ouais, bon, je fais la radio comme ça, et c'est le kiff et tout, mais quand tu vois autant de retours, il y a eu beaucoup sur Instagram, il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Nigel, arrête pas de se marrer, je parle sérieusement. Tu sais quoi, j'ai carrément mettre une musique pour faire comprendre à quel point je raconte un truc qui est important, non, quoi. C'est vrai, ça fait plaisir. On a fait de la radio pendant longtemps. Et tout d'un coup, Vince a disparu. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on n'avait plus de nouvelles. Il recevait des messages. La bande FM s'affolait. Il y avait un manque, il y avait un vide. Il n'y avait plus rien. La bande antenne était vide, abandonnée. Pour permettre l'émergence d'un concept nouveau. Vince, 21h sur Énergie. Avec vous. Et merci pour tous vos messages qui arrivent en masse au 3018. Merci pour vos instas. Je vais tout checker à la maison et je vais vous répondre après parce que je vous avoue, je suis en PLS. Il y a trop de messages. Voilà. Sur Twitter, c'est pareil. Et je vais oser aller sur Twitter maintenant. Hashtag VNZ sur Énergie. Je vais sur Twitter maintenant. Attention, hashtag VNZ sur Énergie. Vince sur Énergie. Hashtag VNZ sur Énergie, si vous voulez. Vince. Je mets à jour. Et je vais répondre à tous les messages qui sont arrivés sur Twitter depuis le début de l'émission. Je rappelle que mon tweet c'est @vinsradio. Alors bien sûr quand j'aurai capté ma 4G. Alors, mise à jour. Et ça dit, oulala. Trois nouveaux messages. Alex qui est là. T'imagines que trois nouveaux messages. Jérémy qui est là. Si, si, Dominique Godembois tout à l'heure. Si. Céline, quand Vince Radio oublie que tu l'écoutes et que tu lui rafraîchis la mémoire. Hihi. Kenny est dans la maison qui a écrit bon allez c'est parti pour une émission de folie à Vince Radio. Patrizio, le numéro 1 c'est moi, hein, c'est Patrizio qui a écrit le message. Vince, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci, si on veut venir chez toi c'est super cool. Est-ce que vous avez téléphoné à Godembois? Oui, on va téléphoner à Godembois. Tout ça c'est sur l'hashtag Vince sur Énergie sur Twitter. Ah vos voix, ça fait du bien de les réentendre. Ah, oui. Et merci d'être de retour, comme on envoyait Mathis qui a écrit Vince est où? Vince est dans la nouvelle maison. Et oui. Trop content. Et je dois toujours cliquer sur afficher plus. Eh mais c'est où? Vous êtes trop nombreux les gars. Arsène, ça fait grand plaisir de t'entendre, Vince sur Énergie Belgique. Eh ben merci à lui d'avoir tweeté. 10 minutes. Ah ça c'était encore au début là. 10 minutes avant Vince sur Énergie, hop hop hop, site web d'Énergie Belgique. Et sur la TV, on écoute. Et carrément nous écoute en TV. Non mais vous êtes trop cool les amis. Voilà, Maël, l'indétrônable Maël qui est partout. Trop heureux de t'écouter, mon cher Vince. Merci à toi, c'est gentil. Eve, c'est le bonheur d'écouter Vince sur Énergie. Ce gars est un vrai soleil, un vrai petit rayon de soleil. Merci Eve, c'est super gentil pour ton message. Merci à Hugo. Ça y est, l'équipe craque. Non mais t'inquiète pas, on n'a pas encore fait le match molo, je suis en train de faire durer le plaisir. Hein. J'ai envie de connecter Maxime également, Ludivine et Céline. Avant j'avais peur que tu ne reconnaisses pas tes auditeurs parce que nous c'est toi et que tu veux voir. Nous c'est toi que tu veux voir, voilà. C'est les auditeurs, parce que je le lis vite super vite en fait. C'est les auditeurs sachant qu'on est beaucoup. On pourrait croire que tu oublies, mais c'est dingue comme tu te souviens de tout. Vrai, merci ça. Pour tout. J'essaye en tout cas de me souvenir d'un maximum d'entre vous les amis et vos textos au 30-18. Vous êtes prêts pour le match molo mesdames oui et messieurs? Ouais. Le match molo surtout. Hein. Bon attention, on va commencer avec Nigel. Nigel, tu peux mettre le truc dans ta bouche. Ah ça. Oh Nigel, qu'est-ce que tu es beau avec cet écarteur de bouche. Il a des belles dents en fait. Les auditeurs pouvaient jouer avec nous au 3018 sur Instagram @vinceradio. Nigel va nous lire une phrase. Hein? Ensuite, ce sera le directeur d'antenne Nico qui nous a rejoint ce soir. Et qui hein, c'est qui? Et Kim également, le brand manager. Yeah. Enfin, ils sont tous les deux brand managers. C'est... Ouais. Ils ont des cheveux. Et tu sais qu'ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Manager of Happiness. Quoi? Manager of Happiness, c'est bien ça. Hein, Happiness Manager, ouais. C'est ouf. C'est, pas ça, c'est qui? C'est pour votre bonheur. Voilà. Et c'est quoi comme service qui... ça m'intéresse? Non, les gars, non, ça m'intéresse. Mais c'est quoi, c'est un mail ou une... pas, il fallait pas partir en vacances. Ah merde! Non, mais ça va. Non, mais c'est génial, elle s'occupe du bonheur des gens. C'est une femme. Ouais, moi je te dis, c'est une société 15 ans d'avance ici. Hein. T'as déjà entendu ça, toi, Happiness Manager, Fanny? Non, jamais. Ah bah mais voilà. Je suis très curieuse. Non, mais tu vas la rencontrer, t'inquiète pas. Tu la vois, elle rayonne, elle brille et c'est magique. Et elle fait quoi? Elle fait genre, elle apparaît. Elle rend. C'est ça? Elle rend les gens heureux. Oh, c'est mignon. Ça fait mal. Attention, on joue avec Nigel, c'est parti. Tra, fraîche, fraîche et tra. Tra, fraîche, fraîche et tra, sissine. Quoi? T'as dit quoi? Tra? Tra, fraise. Attends, fraise, trois fraises. Trois fraises fraîches et trois fines. Ça n'a aucune logique. Non, pipe fine. Voilà, c'est ça. Ça ne veut rien dire. Ça fait non, c'est toi qui as écrit ça. Non, c'est pas vrai. C'est un taré, mon vieux. Ça, on l'a compris. On l'a trouvé. Attends. Ouais vas-y, passe-moi un, je vais en tester un. T'en as un là. Vas-y, j'en ai un ici. Attention, je vais te faire. Non, mais attends. Ouais. Il y a vraiment des lettres que t'arrives pas à sortir de ta bouche. Hein. Salut, genre le B, c'est chaud. Ça fait mal. T'as pris celui de Nigel, t'es dégueu. Mais non. C'est Lyon. Ah, t'as pris celui qui était sur la table de mix. Oh, lui, il y a un oustache qui est hic. Il y a la moustache qui pique le nez. Il y a la moustache qui pique le nez. Ça fait mal. Ah, t'es immonde. Hey. Attends, Vin, si t'arrives pas à bien le prononcer, je balance ton numéro en direct. Non, arrête là, le chaud, là. Je balance. Oh, ah, c'est ta mère. Okay. Oh, mais ça, on a compris. Non, mais par contre, un autre truc, regardez la lèvre du bas du pied. Oh, je suis en train de râler sur la tête de Ouais, ça bave. Ah, hey, il manque deux chiffres. Hein. Attends. Après ton jeu, je le balance, allez, c'était nul. Dis ta phrase. J'ai eu un euro dans la hoche. J'ai eu un truc dans ta poche. J'ai eu un millier d'euros. J'ai eu les melons dans la poche. J'ai vu. Tu l'as presque, Nigel. Attends, Nigel. Je suis fier de toi. Écoutez. Je te. En fait, c'est en référence à une vidéo sur YouTube qui tourne. C'est ça, ils vont expliquer qu'il y a un mec qui est en train de faire le buzz, mais de ouf. On va faire une vidéo sur lui demain. C'est un mec qui parle à sa meuf, je sais pas, il est en Afrique, il parle à sa meuf et il dit je suis fier de toi. Tu es merveilleuse. Au lieu de dire je t'aime, non, il dit I love you. Je t'aime. C'est ça. On veut dire je t'aime. C'est pas ça que t'as dit. Je t'aime. Non, j'ai dit. Attends, je remets la bouche. Le premier mot c'est quoi? J'ai vu. J'ai trouvé. Attends, moi j'étais prêt. Écoutez. J'ai eu un melon dans ma poche. J'ai mis un melon dans ma poche. J'ai eu un melon dans ma poche. J'ai mis le melon dans ma poche. J'ai nagé avec un melon sur ma hanche. Non, mais attends, le premier mot va pas trop vite. Va pas trop vite. C'est quoi le premier mot? J'ai, c'est bon. J'ai lu. Ouais, franchement, s'il y a quelqu'un qui a capté au 3018, allez-y. Phrase, non, en plus, vous parlez en même temps que moi, ils n'entendent pas. Donne-moi. Attends, moi, je suis sûr au 3018, ils ont entendu ce que j'ai dit. Allez-y, si vous avez trouvé la bonne réponse, je remets dans ma bouche. Ouais, remets le truc en bouche, s'il te plaît. Ah, oui, ah. Voilà. J'ai le melon dans la hoche. Ah, j'ai mis le melon sur la roche. Non, j'ai mis le melon dans ma poche. Alors, attends. J'ai mis de l'eau. Tu creuses quoi? J'ai mis le melon dans ma poche. Non. C'est ça qu'on entend, vieux. J'ai mis de l'eau. On est tous d'accord. Attends, le deuxième mot, lit. Ok, attends. C'est quoi? Attends. J'ai mis le melon dans la hoche. Est-ce que j'ai mis, c'est bon? Oui. J'ai mis. D'accord. Ensuite, les melons, non? L'autre. Ah! De l'eau. Reviens. J'ai mis les melons dans ma poche. Allez, tiens, rue, toi. Aïe. T'as mal. Ça fait super mal quand tu rigoles. Ah, ça fait mal. Attends, j'ai mis, ok. Oui. Et après, c'est pas les melons. J'ai mis melons. Oui. Dans ma poche. J'ai mis mais. Mesdames et messieurs, nous avons trouvé la bonne réponse. Eh, vas-y, le premier qui m'envoie, j'ai mis mes melons dans ma poche au 3018, on lui envoie un truc. Ouais, ou alors au 0494-1364-63. Non. Ta gueule. Non, ils ont pas entendu. Non, 0494. Tiens. Il est ouf, lui. Bon, on va continuer le jeu. On va continuer le jeu dans quelques secondes. Phrase, moi. Ah, tu reçois déjà des appels. Non, mais non. Tu reçois déjà des appels. 0479-91-21. Je donnerai pas la fin de ton numéro, je suis gentil. Pourquoi t'as fait ça? Tu reçois déjà des appels. Vas-y, donne le téléphone. Tiens, ouais, pourquoi t'as fait ça? Début de saison. Son téléphone ne va plus jamais s'arrêter de sonner. Allô. Tu peux parler, hein? Oui, t'es en direct sur NRJ. Vas-y, tu peux parler. Ah, c'est Michael. Salut, Michael. Ça va, Michael? Ça va bien. T'es vif, Michael, hein? Michael. Ah non, mais t'es rapide comme l'éclair, mec. Ça y est, directement, j'ose même pas voir les textos. Purée. Non, t'es dégueulasse, Nigel. Ça se fait après. Bon, écoute, on oublie ce numéro à Michael, hein? Hein, d'accord? Ça sera plus le numéro. Je sais pas. Tu connais pas ce numéro, t'as jamais entendu parler, ça va? Tu le supprimes, tu l'effaces. Ça va? Non, tu l'appelles à 4h du mat. Peut-être. Tu crois en échange? Je sais pas, je t'envoie. Hey les gars, un kit énergie. On a des complets, les kits. On a des trucs à envoyer ou pas? Vas-y, t'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai dit ouais, on a plein de trucs. D'accord, très bien. Bon, on peut négocier, Michael. Sûr, mais attends, t'es en train. Ouais, non, attends, je voudrais savoir, t'es en train de faire quoi là en ce moment? Parce qu'il y a du bruit derrière toi. Et quoi, tu rentres du boulot ou tu vas au boulot ou tu glandes? Je glande, là je tourne. Ah d'accord, ah c'est tout, tu tournes en voiture pour rien? Non, non, je vais à l'aéroport chercher un ami. Il vient d'où ton ami? De Bulgarie. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah, ton téléphone il fait que sonner. Non, il arrête pas de s'allumer. Oh purée, non mais c'est abusé. Je suis content parce que j'envisageais de changer de numéro de téléphone dans pas longtemps, tu vois. Mais en même temps, ça craint. Eh hey Michael, je te fais un bisou hein, quand tu veux. Hein. Ouais, ça va, pas de soucis, je serai en tête pour mon cadeau. Bah ouais, ça va, je te passe Nigel. Il va s'occuper de toi, certainement. Eh, hey, bisou, hein. Et j'adore parce qu'il a dit je reste à l'antenne, mais l'antenne c'est mon téléphone. Ça c'est n'importe quoi. Bon allez, les amis, on arrive tout de suite, on va se faire le son de Ray Sherwood avec Powerglide. On arrive dans quelques instants, on va continuer le Mashmolo. C'est les autres membres de l'émission qui vont s'y coller, Lara, Fanny, et puis même le DA, le directeur de l'antenne, c'est Nico. Et Kim aussi, ils sont venus nous accompagner pendant cette émission, ça fait plaisir les gars. Vous avez vu qu'on fait beaucoup de conneries hein. Il rigole, mais demain on va recevoir un mail de ouf là, genre voilà. Inadmissible. With no shame, flip down, flying heads or tails. And she fine, and I'm all in love. Can I hit that out like a bullseye? She gon' suck like a bloodsucker. My feet higher than a mop. Oh, I hear you like fast cash. Baby, you know I got the hots for you. I've been working so I cash in. She said, I only wanna dance for you. We had no mercy for you, no. Me and my chicken closer than in law. She know the answer. Prototype cars, not a jazz bar. We'll see you smug, toast it up. No, I ain't hosting. Kush all in my lap because he don't wanna roll it. I was sliding in the lamb with the power die. Slime green paint, peanut butter inside. She wanna speak up, coming out of clothes. I'm in Wonderland when she coming down the pole. And I don't care if she take all of mine. Like it ain't but a dollar sign. Duck sauce on my feet. Pass around the pre-rolls. Rollie on my chain, Flavor Flav with the steez, ho. Kush residue on my jeans, I blow hella dope. And them classic Reeboks whiter than snow. And you could be dressing, walking around Gucci stepping. Unintentional flexing, trying to send out a message. Money walk with the extra, shake that air with your bestie. Seeing stars in the rental, got your broad in the rental. 20K and AOD and ninja me and my Kimbo. Trying to send a girl to college, I ain't coughing no freak show. Say her birthday late July, yeah that means she a Leo. Might just leave with me tonight, but that don't mean she a freako. With dancers and models, shout out them girls who get dollars. Shawty came from the bottom, yeah shout out Keisha Bottoms. Couple cases of rosé came out to me with the sparklers. I pour up for all the girls, but I'ma drink out the bottle. We see you smug, toast it up, no I ain't host. Kush all in my lap because he don't wanna roll it. I was sliding in the lamb with the power die. Slime green paint, peanut butter inside. She wanna speak up, coming out of clothes. I'm in Wonderland when she coming down the pole. And I don't care if she take all of mine. Like it ain't shit but a dollar sign. Hey, hey. Hey, Ray Sherwood avec Powerglide sur Energy. Oh, ça nous met bien ce soir. Vince, 21h et 22h49, on continue jusque tard. Ce soir, ça se passe avec Vince. Vince, dès 21h. Vince sur Energy. Bienvenue sur Energy, mon nom c'est Vince, pour vous servir, nouveau transfuge de cette année. Avec les boss qu'on a acquis, on a mis des écarteurs de bouche, puisqu'on va se faire un petit jeu avec eux tranquillou là. On est content. Je suis ravi. Vous avez, en plus les gars, je dis respect parce que vous êtes quand même debout ici dans les studios depuis très longtemps. 6h, ouais. 6h du matin. Ouais, ça se voit là. Ouais. Ils sont tous en train de péter un plomb. On va jouer avec vous dans quelques instants. Hommage, Mono. Il y a plein d'auditeurs qu'on va prendre en standard. Je fais un bisou à Franck qui est dans le standard. On va te prendre dans quelques minutes, Franck, si tu m'entends. Kevin, Emeline, ils attendent depuis la blinde. Vous inquiétez pas, les gars, on arrive. C'est le rodage. On est en train de se caler vos messages. Là, il y en a plein qui arrivent par SMS au 30-18. Vince, c'est possible de mettre un maître Gims. On va voir s'il y a moyen de le caler là pour ce soir. Bon courage, Vince, pour la nouvelle aventure. C'est cool, je t'écoute depuis tes débuts. Eh ben, merci à toi de m'envoyer ce message là. Ça fait vachement plaisir. Bon, les amis, ouais, vous savez très bien que dans cette émission, il peut se passer plein de choses, notamment aujourd'hui des boss qui vont devoir nous faire deviner une phrase. On va commencer avec Nico. Nico, tu as une phrase. Ah, vous allez faire à deux. Ouais. Donc toi, Nico, avec Kim. Alors, je vous précise, c'est les boss de la radio. Quand vous voulez, les gars. Oui, on est prêts. J'adore faire du baptême comme ça. C'est ça qu'il a demandé. Mais ça te va trop bien, Nico. Si, je ne crois rien. Tu le prends bien. Non mais vraiment, ça fait super mal quand on rigole. Ça arrive, hein. T'as vu, en fait le problème c'est que quand tu te mets à rigoler, ça te crève de douleur en fait. Alors. Attention, on écoute bien, on se concentre, on y va. 7. 7. Banane. Banane. Et. Vraiment. Une. Vente. Une jambe. Cette banane est vraiment une. Une. Une quoi? Vente. Une mangue. Une jambe. C'est quoi ça? Une quoi? Une grange. Une grange. Une. Quoi? Cette banane est vraiment. Ah, immense. Immense. Non. Une. Non. C'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Une. Une explose. Une bombe. C'est quoi ça? Explose une bombe. Ouais, cette banane est vraiment une bombe. Oh là là. Ça se dit pas. Tu parles pas des bananes comme ça. Mais si. Genre, je sais pas moi, il y a des trucs que tu kiffes. Oh, c'est trop une bombe. Ouais, mais c'est une des phrases farfelues, on est d'accord. Ouais, c'est un peu. Arrêtez d'essayer d'actualiser les choses. Non, allez, on y va. Hey, en tout cas, bravo les gars. Merci. Merci pour votre participation. J'adore parce qu'ils étaient là. Non, mais on comprend pas. Lara qui s'y colle. Vas-y, ouais. Lara. Et franchement, je m'étais promis de ne jamais utiliser ce truc, mais quand tu l'as, ça fait du bien en fait. Ça te détend. Mais ça fait mal. Ça détend. T'es maso. Ça fait encore rigoler avec, à mon avis. Ah, ça me fait pas rire. Travaille les muscles. Un soir. Alors. Et j'ai un accent belge quand je parle avec ce truc. Un soir. Allez, vas-y, Lara, concentration. Ah, je suis super bien. Il arriva. Il arriva. Ouais. Il arriva. Il arriva. Quoi? Non. Il arriva. Je comprends que je ne vais pas réussir à le dire. Il arriva pile poil. Pile poil. Ah, ben oui. Waouh, il arriva pile poil. Gosh. Ah, il arriva pile poil à franchir. À franchir. Il arriva pile poil à franchir la barre. La barre? La barre. Il arriva pile poil à franchir la barre symbolique. Symbolique. Il arrive, hein? Il arrive à. Mais Lara, mais respect! Ah ouais! Waouh! Wow. Hey, Lara, trop facile! 33 ans d'expérience. J'allais faire un jeu de mots. Non, mais elle a l'habitude de parler avec des trucs dans la bouche, c'est bien. Voilà! Merci, Nigel! Fanny, à toi de t'y coller, c'est parti! Fanny met l'écarteur dans la bouche. Alors. Le farfadet. Le farfadet. De mamie. De mamie. Mm-hmm. M. Le guacamole. Le guacamole. En fait. Mais c'est trop facile! Non, mais en fait, les filles, on se débrouille super bien. C'est parce que vous avez l'habitude. Enfin. Vous habitez dur, pardon, excuse-moi. Ah, ouais. Mais si on faisait toute l'émission comme ça. Ah, ouais, ça serait fin. Mais comment vous faites pour articuler aussi facilement? C'est les muscles. Et mais ces trucs, c'est fort parce que j'entends le M, quoi. Alors que moi, le M, c'est. Ah, ouais. Non, tu veux utiliser ta langue. Vince, sur énergie. Tu veux utiliser ta talent. Bah, tu sais quoi, je vais en faire la dernière. Très vite sur énergie. Il faut faire la logopédie avec ce truc. Logopédie. Alors, je vais en faire la dernière. J'ai l'air en ça y est, c'est parti. Mais tu vois, on en le hanquet. Le hanquet. Le hanquet. Le hanquet. Le. Oh, le. T'as une tête. On dirait rachitique dans la radio. Je comprends pas ce que tu dis. Rachitique. Rachitique. Non, non. T'as dit qui? Le singe dans le radio. Ah oui, j'ai une tête là. Si, là. Allez, on y va. Le hanquet. Le banquet. Oui, est frais. Le banquet est frais. Le banquet est très. Le banquet est. Très. Non, l'autre. Frais. Prêt. Voilà, le banquet est frais. Pour la princesse cruelle. Pour la princesse truelle. Pour la princesse cruelle. Ah, pour la princesse cruelle. Cruelle. Attends, vas-y, donne un peu. Oh, merde, j'ai Le banquet est frais pour la princesse cruelle. Ouais, elle comprend mieux chez moi qu'à chez toi. Ah, tu sais quoi, j'en peux plus là. Le banquet est prêt pour la princesse poubelle. Okay. Voilà. Ah, poubelle. Voilà. Ouais. Hey, c'est bon, ce jeu, il y en a marre. Hey, vas-y, on va le nexter là. Non, poubelle, c'est le mot le plus dur à dire. Il y a un P et un V. Bah, vas-y. Merci, les amis, pour ce jeu. Merci. Je kiffe, ça reviendra dans l'émission, vous inquiétez pas là, on vous offrira des cadeaux. Quand... Et j'ai l'impression d'avoir encore en bouche même, c'est un truc de ouf. Bon, tout à l'heure, on a le baptême de Vince, ça va débarquer tout à l'heure. On aura également un sujet là, c'est quoi là, justement, par rapport au baptême. On va en parler après, je peux pas le dire, je peux pas spoiler. Ouais, c'est un gros sujet. Hein. Ouais, parce que si je spoil tout de suite, je peux pas dire. Non, mais tu peux déjà prendre Franck qui va t'expliquer un bout de son histoire. Ouais, vas-y, je peux le prendre pendant 30 secondes exactement. Allô Franck, est-ce que Franck me reçoit? Ouais, il te reçoit là. Dans cette émission, salut Franck. Allô. Franck, t'as 10 secondes, tu veux nous parler de quoi? Vas-y, dis-nous Franck. 10 secondes, je vais vous parler de... Là, j'ai mangé un chat un jour. Quoi? T'as mangé quoi? J'ai mangé un chat sans savoir rester mon putain de chat. What the fuck? On en parle tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Téléchargez maintenant l'application Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie Love, Énergie Latino, Énergie Rap FR et beaucoup d'autres comme Énergie Hit 2000. Revisitez les années 2000 et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Hits 2000 sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Beau ou mauvais temps, la nature va vous surprendre. Saviez-vous que l'eau de pluie qui tombe à Chauffontaine est filtrée pendant 60 ans par la nature ? Chauffontaine, naturellement surprenante. Ouvert aux Anversois, aux Waterlootois et à ceux qui ne quittent jamais la capitale. Bref, ouvert partout en Belgique. Basic Fit, ouvert à tous, à 19,99€ par mois. Avec plus de 170 clubs en Belgique, il y a toujours un Basic Fit près de chez vous. En ce moment, fitness gratuit jusqu'au 1er novembre et un sac offert. Offre sous condition, voir sur basic-fit.be. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vince, tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser, hey, on va tout casser, hey, on va bon. Tout casser, hey, on va tout casser. Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Ouais, welcome sur Énergie. 23h pile, et il nous reste déjà qu'une heure d'émission. C'est incroyable. Ça va trop vite. Et on a fait 2h genre. C'est incroyable. Enfin, je suis choqué. Ça va vite. C'est incroyable. Je sais pas quoi dire. Je n'ai plus. Ça va vite. Je peux dire qu'incroyable. Voilà. Bienvenue sur Énergie. Ah, vous avez cru. Hein. Non, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de vous faire des feintes en fait. Hein. Non, mais en fait, je crois que tu le fais inconsciemment parce que tout à l'heure, t'as dit envoyez-moi un message au 30-18. Ouais, j'ai dit ça il y a 2h. Vas-y, toi, t'abuses. Ouais, parce que voilà, on vient d'officier. On vient d'arriver ici tranquillement sur Énergie. Quel accueil de malade. Merci pour tous les messages d'auditeurs. Il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent passer à l'antenne. On est à la bourre surtout, mais c'est ça qu'on kiffe. Mais oui. C'est qu'en fait, on a pas de timing dans cette émission. On va appeler Dominique Audembois, mesdames et messieurs. Ouais, Dominique dans la maison. Ouais, voilà. Ouais, ouais. En espérant qu'il décroche, hein, parce que dans cette émission, voilà, on vient d'arriver. Faut habituer les gens à ce qu'ils décrochent leur téléphone. Voilà, comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Charlie Pouf, c'est ce qui va arriver tout à l'heure avec The Way I Am. Ah, tu l'as bien dit. Ouais, Charlie Pouf. Charlie Pouf, pas trop fort. Il y a Nigel qui est dans la maison. Il y a Lara qui est dans la maison. Et puis également Fanny qui est dans la maison. Yeah. Qui s'occupe de tout ce qui est vidéo. Et puis elle anime aussi dans cette émission. Ça va, Fanny, tout doucement, mais sûrement. Ça va, je commence un peu à m'habituer. Mais écoutez cette voix quand même. Vas-y, Fanny, en mode solo. Vas-y, Fanny, on t'écoute. Que veux-tu que je dise? C'est déjà suffisant. Wow, mais là, Fanny, j'abuse un petit peu. Hein. Je force sur. Sur la beauté. Elle est sur la suavité. Et vraiment, elle a la je voix. Sais pas, ça se dit. La suavité. Oui, oui, oui. Ouais, le côté suave. Ouais, mais t'es soif qu'en radio, t'inquiète. C'est même pas parce que ça fait. C'est clair qu'après avoir vu ça dans ma bouche, c'est plus très. Alors, le ça, c'est un écarteur pour ceux qui oui, viennent d'arriver. Pardon, effectivement, c'est pas très radiophonique ce que je viens de faire. On vient de terminer un jeu, hein, c'est mais pour donc ça. Donc, après ce jeu magnifique, voilà. Bon, et 30-18, c'est pour vos messages. Le Twitter, c'est Vince sur Énergie. Je vais checker juste après, mais il y a eu trop de messages. C'est un truc de ouf. Big up à Bat 7 Bat, à la chaîne d'Oli, à Eve Guévan qui m'envoie des messages. Benjamin, il y a Malik Abou également. JN Tech, normal, c'est un classique. Lui, il nous écoute toujours depuis très longtemps. Lucas, Arsène et Flax MP, merci à vous, les amis. Ça, c'est sur l'Instagram. J'ai même pas encore fait tout le monde. On récupère notre ami Franck dans le standard. Allô Franck, est-ce que tu me reçois? Allô? Ah ouais. Formidable. Bon Franck, tu m'as mis une claque là. C'est tu viens de troller à l'antenne en fait, c'est une blague. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que je vous explique avant qu'on balance le son là, et le mec il me dit qu'il a mangé un animal et en fait c'était ton chat. Mais c'est une arrête, c'est une blague, tu veux me troller? Non, mais je te promets, je te troll pas, mais vraiment. Mais comment t'as pu manger, comment t'as pu manger ton chat? Non, mais attends, t'as mangé ton chat ou une chatte? Non! Non, j'ai mangé mon chat. Mais sans savoir, quoi. Mais quoi, ouais, mais il était congelé ou quoi? Bah oui, c'est la seule manière. Attends, il faut m'expliquer. Ouais, comment tu la logique de la chose. Comment t'as. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Ouais, en gros, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'étais au bled, quoi. Et voilà! Attends, il était où? Ah bah attends, mais il était au bled! Ça change tout! Bah attends, bien sûr, mais là, ça y est, ça raconte tout là! Oh, vraiment là! Oh, au bled, on mange tout là! Non, mais j'ai mis la musique du Sénégal, big up à, voilà, big up à la famille, parce que ma famille est sénégalaise, donc j'aime toujours mettre les petits sons du bled, ça fait plaisir. Bon. Alors, comment ça s'est passé? Non, mais en gros, bref, à ma naissance, on venait juste d'arriver dans un quartier, tu vois. Et il y avait des voisins, bah, nos voisins, ils nous ont fait quoi? Ils nous ont fait un chat. Ouais. Et ce chat-là, j'ai grandi avec ce chat, au fait. Moi, je l'appelais Minou. J'ai grandi avec ce chat jusqu'à mes 8 ans. Ouais. Et puis un jour, je suis rentré de l'école, je ne retrouvais plus le chat. Donc on a cherché le chat pendant des semaines, le chat avait disparu. Et comme par hasard, bah, 4 semaines après, les mêmes voisins qui nous avaient offert le chat, bah, ils nous invitent à manger, quoi. Et où? On se dit, calme, donc on y va. Bref, on s'assoit à table, ça mange. Puis t'as ma mère qui lui dit, bah, au fait, c'est très bon cette viande, tu l'as acheté où, c'est quoi, en fait? C'est bon, chat. Et puis, non, mais et puis la dame, elle répond calmement, bah, ouais, c'est du chat. Ma mère répond, elle lui dit, mais comment ça, c'est du chat? Elle lui dit, bah, au fait, il y avait un chat qui se baladait dans notre cour, on l'a attrapé, ah, on l'a donné à manger pendant des semaines, on l'a fait grossir, et puis quand il avait atteint de la masse et tout, bon, on l'a tué, et puis on s'est dit, on va partager avec vous. Hé hey ah, et les puis gars. Là, c'est parti. Ma mère, mais ma mère, non, mais le pauvre chat. Mais non, mais c'est une blague. Non, mais attends, vas-y. C'est mon voisin. Moi, je pleurais, mais de ouf. Ma mère, elle est devenue folle, elle a renversé la table. Et c'était même la première fois que je voyais une perruque sortie de la tête d'une fille. Quoi? C'est dans l'anecdote en plus, quoi. Bon, ça, les gars, c'est bonus. Non, mais attends, arrête. T'es en train de me troller, Franck. Vous avez vraiment mangé ce chat? Pas du tout. Hey, je te promets, j'ai mangé ce chat. Mais attends, je comprends pas. Les voisins, ils connaissent votre chat. Mais surtout que c'est lui qui l'a offert. Mais c'est des tarés. En fait, ils l'ont laissé chez vous pour le faire grandir. En gros, c'est comme s'ils avaient planifié et tout. Moi, je sais pas. Moi, c'était. En tout cas, trois semaines après, nous, on a déménagé. On les a plus vus. Ah bah oui, oui. On nous dit son chat a disparu. Il a fini au resto du coin. Vince, vous, salut l'équipe. Vous déchirez. Vous devriez faire des vidéos live. Vous êtes trop marrant. Ça va venir bientôt, t'inquiète. Sur Energy. On y bosse. Là, on prend le temps. L'émission, vous la retrouverez en live 21h minuit et plus affinité. Non, mais alors, du coup, ça a quel goût le chat? Oh, ça bah, en fait, c'est vraiment ça. C'est comme si tu mangeais du lapin. Fanny, elle est deg parce qu'elle a un petit chat noir là. Non, pour et je suis végétarienne aussi. En plus, en purée, hein, tout. Et j'ai un bébé chat donc. Mais j'ai un bébé chat. Ouais. C'est vrai que ça doit être touchant. Non, mais moi j'aime beaucoup les chats. Enfin, plus depuis que je suis allergique. Hein, maintenant, je vois un chat, je le balaye. Voilà. Mais j'ai pas osé balayer la panthère. Hein, c'était un gros chat. Ah, il est tout super. Moi, j'aime aussi les chats, mais c'est juste que voilà, c'était. C'est quand même dégueulasse là. C'est vraiment dégueulasse. Je voulais vraiment vomir, mais je pouvais plus. C'est déjà dans mon estomac. Mais c'est quoi la chose la plus dégoûtante que vous avez mangé et que vous avez regretté, toi, Fanny, par exemple? Je réfléchis, mais il y a rien qui me vient à l'esprit parce que j'avoue que je suis pas hyper aventureuse à ce niveau-là. T'as jamais mangé une araignée sans faire exprès ou une mouche pendant que t'as. Si, peut-être, mais au pire, je me dis bon, c'est tout petit. Si je l'ai mangé, bah voilà. Enfin. Ouais, voilà. Mais ça je crois pas. Life. Je crois pas que j'ai mangé quelque chose en particulier qui m'ait marqué l'esprit en tout cas. Alors du côté du standard, il dit qu'il a mangé un truc chelou, on dirait là, ou je sais pas quoi, qu'il a regretté. Vas-y, raconte. Mais moi, je me rappelle que quand j'étais petit, en fait, mes céréales préférées c'était les Choco Pops. Et j'avais un lapin. Ah oh, non. J'ai la merde! Et ouais, donc il y avait des Choco Pops un peu sur le côté. Et je croyais. J'avais fait tomber des Choco Pops en fait à côté de la cage du lapin. C'est dégueu. Le problème c'est que j'ai croqué dans une croûte de lapin au lieu de manger dans des croquettes. Oh, de ça se ressemble! Oh mon dieu! Oh, non. Et ça quoi, ressemble à des Choco Pops. Fanny aussi, c'est arrivé le même truc ou quoi? Non, mais je me souviens maintenant d'un truc qui m'est arrivé il y a genre une semaine et demie. Ouais. En gros, chez ma maman, elle a plein de pommiers, etc. Et il y a genre vraiment blindé de pommes. Et donc, j'ai été chez elle lui rendre visite et j'ai ramené blindé de pommes chez moi. Ouais. Et donc, j'étais en train d'étudier en bibliothèque. Je me dis, allez, je vais me faire une petite pause, manger ma petite pomme. Je commence à croquer dedans et tout. Et genre, elle avait l'air clean de l'extérieur. Et à un moment, je croque et je vois genre un petit sillon. Et en fait, au moment où j'ai croqué, donc je me dis, bon, allez, ça va. Et là, je commence à voir, bah, du coup, en fait, c'était une chenille. Une chenille, ça va. C'était horrible, mais ça ressemble à un verre parce que cette chenille-là, c'est. Alors, c'est comme dans le. C'est que j'ai eu peur de manger des pods à cause des dessins animés, justement, parce qu'il y avait toujours une chenille dans les dessins animés. Est-ce que c'est typique. Et c'est typique de... Ouais, mais pourtant, moi, j'ai déjà ramassé des pods, j'ai jamais trouvé une chenille, tu vois. Je me suis dit, ouais, vas-y, c'est des idées reçues. Ouais, c'était pas bio alors. Ouais, non, mais ça, certainement pas, puisqu'elle brille les pommes que j'achète. Et on a également. Oui, qu'est-ce qui se passe, Lily? Mais Vin, je crois, il faut appeler Dominique parce qu'ils sont la van arrivée, là, Dominique. Merde, vous êtes en train de pré-appeler à l'antenne pour voir s'il décroche, le mec. On voulait le chauffer, là, mais il commence à. Allez-y, tout. Allez-y, 30-18 les amis, dites-nous si jamais vous avez déjà mangé un truc, vous avez regretté un truc dégueulasse et tout ça, parce que j'ai une surprise dans cette émission. Mais avant ça, on va appeler Dominique. C'est parti, reste avec nous, Franck, le mangeur de chat là, ça va? Je m'appelle pas comme ça. Bouge pas. Ben t'inquiète, c'est le hasard des choses que t'as mangé le chat, c'est bien dégueulasse en même temps. Bon, alors attention, on va appeler Dominique, on va voir si ça décroche. Et ça fait longtemps, j'espère qu'il va décrocher. Inauguration sur le standard d'énergie. On y va, on appelle. Oh purée, ça fait longtemps. Je sais même pas ce que je veux dire. Ouais, allô. Oui, allô, bonsoir, allô. Monsieur. Allô. Ouais, c'est vous qui a appelé, là, qui a accroché. Oui, excusez-moi, monsieur. Oui, effectivement, c'est ma femme qui vous a un peu appelé avant. Oui, allô. Ouais. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Oh, oui, je t'entends, chef. Oui, voilà. Je te demandais quoi, hein, parce que tu vois, tu sens, mais ça bip, hein, tu vois, ça sort, bref. Oui, non, mais je suis désolé, en fait, c'est parce que j'étais un peu occupé à faire quelque chose. J'ai essayé de vous appeler un petit peu avant et tout ça, mais ça décrochait pas trop. Excusez-moi, vous appelez à une heure aussi tardive, en fait. C'est un ami à vous, Michel, du café de Serein. Vous voyez qui c'est? Qui ça? Michel, du café de Serein, qui m'a donné votre numéro de téléphone. Ah, mais oui, voilà, oui, Mich, oui, voilà. Il m'a donné votre numéro de téléphone, en fait, pour... Il avait mon numéro, là. Ah non, mais si, en fait, parce qu'il paraît que vous pouvez venir en urgence demain matin. C'est pour un vide-grenier, si possible. Ah ouais, ben ça, il n'y a pas de souci. Hein. Comme le Mich, ça l'a dit, nous, c'est notre spécialité. Hein. Donc nous, on s'occupe de tout ce qui est spécialité bois, métaux, ferraille, entre autres. Mais allô, Tabarak, c'est demain matin, c'est short, hein. Mais la friture. Tabarak est à friture. Vous connaissez? Non, je connais pas, c'est en Belgique, ça. Ouais, tout à fait. C'est à friture, ma baraque. Mal problème, demain je vais te dire, je vais acheter le cartable de mes gosses. C'est bordel. Bah, ah, vous êtes. Ah oui, la route. Jeudi, ça. Jeudi, ça. Écoutez, le problème, c'est que je dois déménager complètement demain. J'ai les nouveaux locataires qui arrivent tout de suite. Je dois absolument enlever. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a des statues, et les petites œuvres d'art et tout ça. C'est surtout pour un déménagement. Et puis après, vous pouvez récupérer ce qui vous intéresse. Il y a un vieux scooter qui traîne. Ça vous intéresse? Bah, en fait, toi, tu veux que je déménage, ton bazar? Non, juste m'aider à mettre dans la camionnette. Ok, parce que moi, je suis un déménageur. Hein, moi, vous êtes un nain. J'ai pas compris, vous avez dit que vous êtes un nain. Allô? Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je suis un déménageur. Je suis pas un déménageur. Mais vous... dire non. Non, mais écoutez, si vous êtes trop petit, c'est pas grave. Hein, si vous avez de petite taille. Je comprends rien. J'ai pas dit ça. J'ai dit, je suis pas un déménageur. Tu comprends? Mais vous avez dit, je suis un nain déménageur. J'ai dit, je suis nain déménageur. Ah, d'accord, ok. Nain, et prenez par hasard les gars d'en bas, vous prenez ou pas? Hein? Chef. On n'est pas ici pour faire un cours de français. Donc, qu'est-ce que je disais? Moi, tu m'appelles à 23h, c'est un peu compliqué pour moi de prendre toutes mes biscottes et mettre de côté pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le roi Albert. Bon, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous plus ou moins alors vers. Ouais. Mercredi. Est-ce que ça vous convient mercredi, Godombo? Ça vous vient mercredi, c'est bon? Mercredi, c'est bon. Ok, super. Est-ce qu'à 10h, c'est calme chez nous, hein. Tu sais, les gens sont en vacances, n'ont pas de. Là, c'est calme, hein. Mercredi, ouais. Je viens. Hein. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Je te dis un truc, hein. La nouvelle politique, chef. Ouais. Si je viens et que c'est vraiment des brôles, moi, je me casse. Hein. Non, mais il y a la chaise à papier, elle a un peu pris l'eau, mais. Elle est plutôt sympa. Et puis, il y a aussi un gant de bois. Si ça vous intéresse, ça vous dit ou pas? J'ai pas compris. Vous avez du bois? Il y a la chaise à papy, c'est la chaise à mon papy. Elle est là, elle a un peu pris l'eau parce que. Ouais, ça, on prend ça. Vous prenez ça, la chaise. Ça bascule encore, ça? Ouais, ça bascule encore. Elle a un peu pris l'eau parce qu'on a eu des inondations dans la région, vous rappelez, hein. On a eu des grosses inondations. Donc, je sais pas si vous avez. Ouais, mais ça, c'est du chêne, ça. Amène la chaîne à papy! Vous avez pas vu, on a fait le buzz avec cette histoire, là. Je sais pas si vous avez vu ça sur Internet. Non, j'ai pas Internet, mon cher. Vous avez pas entendu? On s'en fout de ça. Ouais, on s'en fout. Hein. De toute manière, maintenant, friture, c'est où ça? Bah, c'est à la baraque. Mais de Serein, c'est combien de kilomètres, plus ou moins? Bah, 300 mètres. Hein, 300 mètres de Serein? Ah ouais, là, c'est à 300 mètres environ. C'est la taille d'un godon bois environ. Vous voyez où c'est? Bah, c'est plus ou moins. Allez, alors, excusez-moi, 300 mètres, 3 km environ, godon bois. C'est pas une blague, j'espère. Bah, excusez-moi, monsieur. Non, c'est pas une blague. Enfin, je. Bon, on m'a dit que vous appelez. Et là, ça va péter une durite, hein, si c'est une bague. Hein. Et j'ai besoin de flouze à moi. Vous avez besoin de flouze? Vous avez besoin d'eau? J'ai pas compris. J'ai besoin d'argent, hein, déconne pas avec mon salaire. Hein. Non, mais ça va, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Bon, alors c'est bon pour vous, mercredi, 10h du matin, avec un godon bois, c'est bon? On va faire comme. Quoi, t'as dit? J'ai bien entendu, hein, je suis pas né d'un verre plus. Hein. Avec un plot en bois, j'ai dit un plot en bois, un plot. Les plots, vous savez les trucs qu'on met sur les terrains de foot là, les plots, bah c'est pour faire tenir un goal, bah avec des plots en bois, c'est bon ou pas? Ouais, ça c'est bon, mais je te jure mon gars, en plus j'ai installé maintenant, hein, depuis, ça te regarde pas, mais bon, il y a des blagues qu'on faisait au téléphone, j'ai un traceur ici, hein. Je sais où t'es là, ça va? Donc ne déconne pas avec mes couilles. Hein. Bah oui, mais je suis à Barrick Friture, il n'y a pas de problème, Godon Bois. Ouais, mais je vois sa friture, numéro, je vois tout, hein. Avec mon traceur. Hein, ah ouais, je joue pas avec mes couilles. Ah ouais, bah, allez-y, c'est quoi mon numéro de téléphone? Non, parce que je voudrais acheter la même boîte, c'est quoi mon numéro? Non, je dis pas. Chef, on n'est pas là-dessus, c'est pas une blague, j'ai pas besoin de te dire. Je dois activer tout le bazar si c'est une blague, tu vois? D'accord. Là, t'en es pas une, je vois pas, t'as pas besoin de savoir. Ok, Godon. Mercredi à 10h du matin, ouais. Faut quoi comme camionnette? Bah, il faut une Golf en bois. Vous avez une Golf? Golf, Godon Bois. Vous avez une pour rouler en Golf? Allô? Hé! Oui, allô? T'as dit Godon Bois là? J'ai dit Golf, j'ai dit une Golf, la voiture, Volkswagen Golf. Mais qu'est-ce que t'as à voir dans la discussion ça? Mais vous avez dit le véhicule, moi je vous demande le. Enfin voilà, on parle. Je te dis une camionnette. Mais je vous demande si c'est une Golf. Je vous demande. T'as dit plusieurs fois en boîte et tu joues avec mes couilles là? Non, j'ai demandé si c'était une Golf et qu'il y avait de la place pour le bois. J'ai pas dit autre chose, vous avez cru que j'avais dit quoi? Mais des golfs, il n'y a aucun déménageur qui va venir en golf. Je sais pas, une golf break, c'est possible quand même. Mais non, c'est en camionnette ou en châssis. Hein. Et tu te rends pas compte, nous, le business qu'on fait, c'est des. Et moi, j'ai déjà visé des châteaux, des bazars, hein. Je suis venu avec une golf. D'accord, et très bien. Et par hasard, vous roulez en Mitsubishi Lancer Godambois ? Ou le van ? Un van, je sais pas, vous venez en van ou pas pour récupérer le matériel ? Ben, je viens avec ma camionnette. Très bien. Mon frère, maintenant, mon cousin, il est rentré dans le bis. Mais on viendra à 3, hein. Ça va ? Ok, super, à 3. Regarde ce que tu fais. Mercredi 10h, ouais, je vous écoute. Tu me fais un petit texto, ouais. Un SMS, ouais. Tu vois ? Ouais. Tu dis ouais. Bonjour monsieur, je sais pas quoi, machin chouette. Godambois. C'est moi qui vous ai appelé, et rendez-vous 10h, et tu me demandes ton adresse en dessous, là. Ça va ? Ça va, très bien. Donc très bien. Donc... Moi, je tape ça dans le GPS. À 10h, je suis chez toi, on vit tout le bazar, et je récupère tout. Hein. Ça va. Je te le dis, hein, si ça décrasse, je me casse. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Cash, hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Les gens, ils me prennent souvent pour un éboueur. Hein. J'ai rien contre eux. Ah bon, voilà, c'est clair, c'est bon. Non, ça va, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que vous prenez aussi des Godambois ? Des Godambois, t'as dit ? Mais non, c'est une blague. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai activé mon traceur tout de suite. Et je vais te retrouver tout de suite. Elle a accroché. Il a accroché, oh là là, joli, oh purée, oh, c'est bon ça. Oh, ça fait du bien. Eh, hey, j'étais tellement impressionné de leur avoir de nouveau au téléphone, je savais pas quoi lui dire. Eh, hey, on arrive tout de suite sur Fun Radio, Charlie Pouf, sur Fun, sur Énergie surtout. Oh merde, eh, hey, je l'ai dit, je dois 50 euros, je dois 50 euros, merde. Non, non, non, c'est pas vrai, 50 euros, fais chier. Oh putain! Mais c'est mieux de la table là! Oh là là, et je l'ai dit deux fois en plus, je crois, ah, merde! Tout le monde. Et voilà, allez, 50 euros, hop là! Bon, on met où elle est où la tirelire? Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui dit le nom de mon ancienne radio, et ben à chaque fois on doit mettre 50 euros dans la tirelire. Et fin du mois, c'est celui qui a dit le moins, donc du coup qui récupère la somme. Hein. Ouais, la tirelire, c'est mon cul. Ouais, c'est ça. Purée, mais c'est pas juste, je suis animateur cette émission, Fanny, tu veux dire quoi? Mais vas-y, dis-moi, chef. Ce sera moi qui va finir avec l'argent vu que je vais jamais dire ce mot-là. Bah voilà, exactement. C'est moi qui vais finir. Oh purée! Bon, ah, allez, là, là. Hey, on va rester sur énergie, bien entendu. Charlie Pouf avec The Way, The Way I Am. Sur Énergie. Merci Vince, 21h sur Énergie, on arrive tout de suite là. Bienvenue, encore plein d'auditeurs qui veulent passer en standard là. Maybe I'ma get a little anxious. Maybe I'ma get a little shy. Cause everybody's trying to be famous. And I'm just trying to find a place to hide. All I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this. I don't even think I'm gonna try. Get a little nervous. Maybe I don't go out anymore. Feeling like I really don't deserve this. Life ain't nothing like it was before. Cause all I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody. If you go and look under the surface, maybe I'm a little insecure. Maybe that's okay. Maybe that's okay. I promise myself one day. I'ma tell them all. I'ma tell them all. Everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. I'ma tell them all, I'ma tell them all that you can either hate me or love me, but that's just the way I am. I'ma tell them all, I'ma tell them all that you can either hate me or love me. votre soirée démarre dès 21h sur Énergie avec Vince. Vince est où ? Vince est dans la maison ! Merci les amis, bienvenue sur Énergie. 21h, ça se passe comme ça, l'émission commence et va jusqu'à minuit et plus affinité. Tout à l'heure je serai à Hermal sous Argenteau, ça va être super long la route. Pourquoi ? Hermal sous Argenteau, c'est pas loin de Visé, Liège. Voilà. Gros événement de ouf là, les bleus, hey, big up les bleus. Big up les bleus. C'est eux qui organisent. Ouais les bleus. C'est la fête des bleus en fait. Bah c'est pas l'équipe de France, hein, mais c'est un groupe de jeunes, là, ils organisent leur événement, des événements un petit peu tout ça, il y a les rouges et les bleus. J'ai fait les rouges l'année dernière, maintenant je fais les bleus. Voilà, il y a même le FA de la section d'assaut qui sera là, ex-section d'assaut, ouais, grave. Donc on va se mettre bien, on va se marrer, ça va être très sympatoche. Il y a Nigel qui est dans la maison, il y a Lara également, il y a Fanny, la nouvelle venue, qui s'occupe de la vidéo et qui anime aussi dans cette émission. Voilà. Et le standard qui petit à petit se débrouille de mieux en mieux, il faut le dire, le standard. Ça va le standard, bien ou bien ? Ça va toujours, gars, ça va toujours. Ouais, tranquille, on est là. Hein. Eddie et Thibaut qui sont là, ils répondent à vos appels, 0800-23456. Et puis moi, je check vos messages par SMS au 3018. Et une histoire de ouf, là. Elle est passée où, l'animatrice d'énergie ? Black Méduse, viens. Black Médusa, elle est où, la Black Médusa, là? Elle arrive. Il lui arrive un truc d'ouf. Attends, mais faut l'applaudir. On va expliquer ce qui s'est passé rapidement. Après, on va prendre Kevin et Emeline dans le standard, les pauvres, et on va voir si il est encore possible de rappeler Dominique, parce que Nigel a envie de s'y coller. J'ai balancé combien de gos d'embois, Dominique? 11. Eh, 11, c'est beau, ça. Eh, 11, c'est lourd, ça. Bonsoir, Black Médusa. Bonsoir. Voilà. Black Médusa, alors, tu es l'animatrice d'énergie, c'est la chaîne télé, hein, on est d'accord. On te retrouve les matins de temps en temps, accompagnée de Tanguy, accompagnée de... Manola, Marie. Voilà. Et Jérém. Exactement. Les matins. Et en gros, t'étais en train de bosser à la radio, t'es parti, il t'est arrivé une grosse merde. Alors, je me dis, je vais rentrer chez moi, tranquille. Rapproche-toi du micro. Je me rapproche voilà. du micro. Voilà, c'est mieux comme alors, ça. C'est pas la télé, désolé, excuse-nous, on est pour la radio, nous. Hein. Écoute, je prends le 80 pour rentrer chez moi. Donc, c'est un bus, ça, hein ? Oui, le bus 80. Parce qu'on est à Bruxelles, il faut préciser, bus Tibre, ouais, voilà. Je prends le bus 80 pour rentrer chez moi. Je m'arrête à Méraude pour prendre ensuite le tram 81. Ouais. Et le tram 81 s'arrête ensuite à Place Laget. Et je ne suis pas habituée. Je me dis, mais non, je dois continuer. Normalement, je pars après Louise. Et donc, j'attends pendant 40 minutes. Je me dis, allez, il est où le tram? Il n'y a jamais eu de tram. Donc, une dame me dit, en fait, non, vous devez marcher jusqu'à Louise pour prendre le tram prochain. Et je dis, ben non, je ne vais pas faire ça. De Flaget jusqu'à Louise? De Flaget jusqu'à Louise. Ouais, c'est un bon... Ouais, non, c'est abusé. C'est un bon 3-4 km, 5. Demi-tour, je vais venir vous voir, tranquille, on va chiller. Et en faisant demi-tour, comme j'ai un sens de l'orientation, mais pourri de chez pourri. Ouais, il paraît, ouais. Je me suis perdue. J'ai pris le bus 27 en étant persuadée que le bus 27 s'arrêtait devant Énergie, quoi. Et donc, je prends le bus 27 et arrive au terminus. Je me rends compte qu'en fait, non, pas du tout. Et alors, je commence à paniquer. Je dis au chauffeur, monsieur, je ne sais pas par où aller, je suis perdue. Et il me dit, écoutez, attendez, j'enlève mon écouteur, j'étais en train d'écouter Énergie. Et bon, là, c'est la première d'émission, ça y est, toute la magie qui écoute, c'est bon ça. Oui, et là, sauvé, parce qu'en plus de ça, il y avait un mec trop chelou qui me suivait. Et donc. Ouais, et pareil, t'as été suivi par quelqu'un. Oui, mais je m'en suis rendu compte en descendant ici, quoi. Ouais, c'est le mec qui s'est trompé à Flaget comme moi, il s'est trompé. Il t'a suivi bien en mode. Ouais, ouais, il était trop chelou, il me regardait et tout. Moi, je suis là, ouais, salut. Ouais, bon, heureusement que t'es rentré ici, quoi. Voilà, voilà. Et donc, du coup, c'est qui l'auditeur, là ? Eh ben, c'est monsieur Gaëtan du bus 27 direction Andromède. Et il a fait quoi ? Il t'a déposé ici ou je comprends pas ? Non, il m'a dit, écoutez, restez assis près de moi. Il m'a dit que j'étais très jolie en passage. Ah ouais, dragage. Ouais. Dragage sec. ouais. Et il m'a dit écoutez, restez là, je fais de toute façon le tour et vous descendez là et vous prenez le 80. Il t'a guidé. Ouais, et donc ça veut dire qu'il est en train de nous écouter en ce moment. Il s'appelle comment, Gaëtan ? Gaëtan. Bah, big up, Gaëtan. Gaëtan, respect. Ah ouais. Respect. Mais il me semble, déjà, on a balancé son prénom, mais il me semble que les chauffeurs n'ont pas le droit d'écouter la radio dans une oreillette. C'est vrai ? Il me semble que c'est pas autorisé. Mais tant que c'est Vince, alors ça va. Bah ouais, c'est ça, exactement, ça fait plaisir. Gaëtan, écoute, si tu nous entends en ce moment, là, dans ton bus ou que t'as fini le boulot, je sais pas, envoie-nous un petit texto, là, au 3018, comme ça, on t'appelle, voilà, et on fait connaissance, ça ferait bien plaisir. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on fait ? On prend Kevin et Emeline ou on va essayer de rappeler Dominique ? On essaie de rappeler Dominique. Allez, vas-y, d'entrée de jeu, on essaie de rappeler Dominique. C'est parti, on cherche même pas, on lance le truc. Et le chauffeur va avoir une sanction pour utilisation de l'oreillette en roulant. C'est ce qui nous a été envoyé là, au 3018. Mais non, il a aidé une cliente, une usagée ou une usagère, comment tu dis ? Allez, passagère. Voilà. Bah, est-ce que ça. Une passagère, exactement. Ouais, ça sonne là. On va voir, ça sonne. C'est bon. Hop. Qui s'y frotte ? Vas-y, Nigel, vas-y. Allez. Je dois placer plus de go dans bois que toi ? Ouais. Il a mis 11, hein. Ok. Ouf. Mais là, il va plus décrocher le mec, hein, je crois. Ouais, ça va être tendu. Allez. Allô ? Oui, bonsoir monsieur, j'ai un petit problème, enfin j'ai pas de problème vraiment. J'ai trouvé votre numéro sur internet. Vous me prenez pour un con ou quoi? Comment ça? Tu me prends pour un con toi? Bah je sais pas, enfin votre numéro est sur internet. Tu es con sur mon front. Mais, ben. Bah, t'as vu mon numéro nulle part, monsieur. Mais si, il est sur internet, il est sur le flanc. Le flanc? Oui, c'est ça en fait, j'ai des problèmes de dyslexie en fait. En fait, j'ai vu votre numéro et j'ai vu que vous récupérez beaucoup de bois en fait pour les gens et surtout des godins bois. Que je récupère quoi? Beaucoup bois. De bois, ouais, pour les gens, des bois, mais ah aussi ouais, des godins bois. C'est mis dans mon annonce. Ah ouais, dans ton annonce, mais est-ce que c'est mieux aussi que vous récupérez des godins bois, non? Des godins bois, t'as dit? Non, des portes en bois. Eh hey, les gars, vous allez me faire perdre la tête, hein. Mais, pourquoi les gars, je suis tout seul, monsieur? T'habites où? Bah, j'habite à Namur. À Fréture? Mais non, Namur. Ouais, mais Namur... Non, mais attendez, parce qu'en fait, moi, le truc, c'est que chez moi, j'ai beaucoup de portes en bois, et les clinches sont des godes en bois, du coup, je sais pas comment les retirer de chez moi. Ouais, je comprends rien à ce que tu racontes. Mais en fait. Dans les portes en bois. Ouais, j'ai des avec portes. Avec des clinches. Ouais, avec des clinches. Ouais, mais nous, on prend tout ça. Ah, moi, vous prenez je prends tout la ça. Porte, hein. Ah, tu avoues. Je prends la porte. Vous pouvez, moi, tout, vous pouvez tout démonter et prendre un godin bois avec? Prendre quoi? Est-ce que vous pouvez tout démonter? Un godin bois, t'as dit? Non, est-ce que vous pouvez tout démonter et prendre ma porte en bois avec? Bah ouais, je t'ai dit qu'on est spécialiste du bois. Okay, mais d'accord. Nous, on va pas démonter, hein. Eh, hey, chef, moi, je vais pas m'amuser avec mes tournevis, mes cliquettes, hein. Moi, je prends la porte et je la fous dans ma camionnette, hein. Ben, vous pouvez juste prendre le godan bois, c'est bon. Pardon? Quoi? Vous pouvez prendre le godan bois, c'est bon. Oui, en fait, le truc, en fait, c'est que dans mon grenier. Eh, ta fille de pute, j'ai bien entendu! Mais non! Je l'ai écouté exprès! Mais non! Ta fille de pute! Eh, hey, je l'ai écouté! Je suis pas malade, hein! Mais. Eh, hey, fais! Oui, monsieur! Allô, monsieur? Oui, non, en fait, vous vous trompez. On a été mis en relation avec un ami. Il a raccroché. Oh là là, énorme. On arrive tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Hey, tu l'as eu, là. Oh, c'est la rentrée. De 21h à minuit, Vince est sur Énergie. Téléchargez maintenant l'application Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie Latino, Énergie Hits 2000, Énergie Discover et beaucoup d'autres comme Énergie Rap FR. Celle-là, c'est pour nos pères, nos padres, ceux qui disent je t'aime sans même parler. Je l'ai touché dans le cœur. Retrouvez tout l'univers Énergie Rap FR en non-stop et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Rap FR sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Beau ou mauvais temps, la nature va vous surprendre. Saviez-vous que l'eau de pluie qui tombe à Chauxfontaine est filtrée pendant 60 ans par la nature? Chauxfontaine, naturellement surprenante. Chemins différents, sans savoir où, savoir comment. On prendra des risques à chaque instant, des vies d'adultes au rire d'enfant. Léger retard, une fois de plus, la fois de trop. Lueur d'espoir, je me confie à demi-mot. J'ai cru en ces belles histoires, celles qu'on raconte dans les livres, celles qu'on nous lit le soir et qu'on attend de vivre. Padam, padam, padam, padam. Des aventures à terminer, un sprint final, la liberté, éclat de rire à l'arrivée. Nouveau départ, projet de vie à l'horizon. Sous les regards, je me confie à demi-mot. J'ai cru en ces belles histoires, celles qu'on raconte dans les livres, celles qu'on nous lit le soir et qu'on attend de vivre. Padam, padam, padam, padam. Oh, oh. Padam, padam, padam, padam. Oh, oh. Padam. 21h minuit. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. Ouais, Vince, c'est où? Vince est dans la maison sur Énergie. C'est bon ça, Vince 21h sur Énergie jusqu'à minuit, parfois un peu plus que minuit, mais bon, pour la première, ouais, je vais pas finir avec trop de retard. Hein. Tu veux que je t'accompagne à ton mix? Tu veux vraiment? Ah, ça ferait plaisir parce que la route, j'ai. Non, vas-y, fais pas ça, vas-y, non, t'es pas cool. Eddie va t'accompagner parce que c'est pas roulé avec ta voiture, c'est drôle. Non, bah attends, Eddie, le pauvre, il va être crevé. Eddie, il est au standard là, il est dead depuis la tour. Eddie, comment tu te sens dans ce rôle là? Dans quel rôle là? Bah, dans le rôle de créatif, de standardiste, de communicateur par téléphone, de membre de la team, de téléphone cassé, enfin tout ce. Juste pour info, c'est pas genre le sosie de Vince mais avec plus de cheveux. Ouais. Là, il est plus beau, hein, vas-y, t'as vu, il est beau gosse. Il y a les piercings aussi en plus. Ah, c'est moi en version Prince un peu, tu vois. Vraiment, c'est dans un monde parallèle, c'est Vince. Je suis la fusion entre Vince et Lenny Kravitz. Ouais. Grave, mais vraiment. Mais vraiment. Eh, mais attendez. Quoi? Vince, est-ce qu'on montre aux auditeurs le mec ce qu'il sait faire avec sa voix ou pas? Avec sa voix? Attends. Hey. Est-ce qu'on montre ce qu'il sait faire? Enfin, bon, comment tu veux montrer aux auditeurs? Est-ce qu'on peut leur faire entendre ce qu'il sait imiter? Il fait quoi? Vas-y, ouais. Hey. Eddie? Mais tu veux que j'imite quoi là? Dis-moi un peu. Tu sais très bien. Américain. Donne-moi un contexte. Allez, vas-y, dis le standard. Fais-moi rêver. Lara, écoute ça, c'est pour toi. C'est pour moi? Attends, du coup, je vais mettre le casque. Ouais, c'est parti. T'as deux secondes, hein. Il met une heure pour mettre le casque, ça se voit, c'est un haïtien. Lâche-moi la grappe, Vince. Pourquoi tu fais le malin, négro? C'est quoi ces vieilles voix des années 90 là? En fait, j'arrive un peu bien, selon Nigel, hein, pas selon moi. Moi, apparemment, selon humble, Nigel, ouais. À faire les VF des films afro-américains des années 90, tout ça là. Vas-y, les clichés un peu, là, genre shower et tout. Vas-y, refais un peu. Tu vas finir avec un pruneau dans le ciboulot, négro. Tu vas finir 6 pieds sous terre. Ouais, bah dites-nous ce que vous en pensez, hein, au 38-18. C'est faire le dauphin. Ok, je pars, c'est fini. Bon, dites-nous ce que vous en pensez au 38-18, voilà. Ah, la mouche a commenté. Ah, je déteste. La mouche a commenté, le vent a soufflé. Eh non, mais franchement, t'inquiète, on va faire des vidéos avec toi. On va se mettre bien. Et le pauvre, il était deg ou quoi, qu'est-ce qui se passe? T'as dit quoi? Non, et c'est mon téléphone, je crois, je l'ai encore sur le cœur là. Non, mais vraiment, depuis tout à l'heure, son téléphone est niqué, le pauvre. C'est pour son premier jour ici, ça y est, téléphone niqué, c'est un truc de ouf. Bon, allez, eux aussi, les pauvres, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le standard là, on va récupérer tout de suite. Kevin qui est avec nous, salut Kevin. Ouais, salut. Kevin est dans la maison. Kevin, tu viens d'où? De Liège. Liège est dans la maison. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Ouais, pas trop de péqué les liégeois, hein. Bienvenue sur Énergie, mon petit Kevin. Je suis désolé là, t'as vu, on t'a resté longtemps dans le standard pour ta réaction là, parce que tu voulais parler justement des trucs dégueulasses que t'as pu déjà un jour bouffer. Et vas-y, ouais. Raconte-nous alors, t'as déjà mangé quoi de chelou? J'ai mangé des verres en fait. T'as mangé des verres? Ouais. Genre comme les verres de Koh-Lanta? Ah! Ouais, on va dire pas. Non, attends, j'ai une question. Vas-y. Tu vois, il y a des petits verres et tout, ouais. Ils sont fins, machin, ouais. C'est croquant. C'est gourmand croquant. C'est ton peu chef. Tu peux trouver ça dans une soirée un peu hype, voilà, pas de problème. Ouais. Mais les gros verres, là, dégueulasse. Ouais, bien juteux, là. Yeah, tu sais, tu vas arracher la tête et tout, puis tu vas mettre en bouche. Ah, comme dans le Roi Lion. C'est immonde. Ouais, grave. Ouais, mais dans le Roi Lion, c'est pire. Il y a des scarabées, ils bouffent de tout là-dedans. Mais qu'est-ce que. Mais comment les gens peuvent manger ça? Mais comment? Truc blanc, immonde. Ouais, je sais pas, c'est chelou. Bah. Et du coup, tu les as tous finis ou pas, les verres? Ça Kevin s'appelle comment ça? Non, j'en ai mangé deux à l'école et puis après, j'en ai plus mangé parce que j'étais malade. Donc, Ah bah, ça, des gros verres comme moi, je dis, ou des petits? Des verres de farine. Non, des petits croquants. Les petits croquants, et ils étaient morts, hein, ils étaient secs, c'est ça? Ouais. Ah mais ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est connu ça. C'est noisette, mais c'est vrai, goût de noisette, tranquille. Exactement, c'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse, mais c'est bien parce que ça me fait penser qu'on a une petite surprise dans l'émission. Ah non, pas des verres. Reste avec nous, Kevin. On a avec nous dans le standard là, c'est Emeline. Salut Emeline. Salut. Emeline est dans la maison. Emeline, tu viens d'où? Ça va. Tu viens de quelle ville? Moi, je viens de Macon. Je viens de France, du coup. Ah bah c'est bon ça. On a là. Voilà. Ah ouais, j'ai compris qu'elle venait de Macron et tout. Je me dis, bah, big up à Brigitte. Pas de Macron, c'est. Alors, Emeline, est-ce que t'as déjà mangé un truc bizarre, un truc dégueulasse un peu? Ah ouais, non, vraiment, j'en ai mangé. Ouais. Une fois, j'ai mangé des sushis avec du Nutella. Et, what? Oui. En fait, c'était avec les meilleurs amis, enfin le meilleur ami de mes parents. Par contre, ton micro, il fait mal à la tête. Hein. Ah, pardon. T'es avec des écouteurs. C'est pas de sa faute. Non, pas du tout. Non, c'est juste la qualité de Samsung. Oh, dommage. Elle est bonne, la qualité de Samsung. Sinon, on va perdre. Ah ouais, sinon, ils vont arrêter de bosser avec nous. Vas-y, arrête, fous pas la merde. et donc, du coup, c'était ouais. Quoi ? Ça consiste en quoi ? Vas-y, raconte. Du coup, en fait, c'était avec l'ami de mes parents. On a commencé à faire des défis l'année dernière. Et le premier défi qu'on a fait, c'était les sushis au Nutella. Et puis, ça va, oui, en fait, on se donne des défis. Donc, à chaque fois qu'on se voit, et ben, c'est à chaque fois pareil. Quoi. On change de goût et on change quel de mélange. Le pire que t'es fait, c'est quoi le truc ? Parce qu'à la rigueur, j'imagine. Sushi, Nutella, c'est bon. Hein. Moi, je me dis, c'est un blasphème au sushi. Mais par contre, ça peut passer, tu vois, du riz avec du avec Nutella. Du Nutella, ça peut être bon. Tu dis pourquoi y a pas. Il tu... les tartes au riz. Bah voilà, voilà. Il y a les tartes au riz. Mais donc, c'est quoi le truc le plus chelou, par contre, que t'es mélangé avec des sushis ou avec un autre truc, je sais pas. Moi, c'est du gazpacho vert avec des biscuits genre caramel chocolat. C'est assez chelou. Oui, c'est un peu trop mélangé là. Ah ouais, ouais, là, ça commence à me donner mal à l'estomac. C'est dégueulasse. Avec du camembert. Oh purée, non, mais tu sais que ça fait penser quand je. J'ai pas encore testé, mais vous me donnez des idées là. Et, Emeline, j'ai fait une connerie parce que moi j'ai mangé un truc qui était pas bon et je sais pas pourquoi mon corps me l'a dit, mon subconscient m'a communiqué l'info. J'étais parti au Maroc il y a quoi, il y a quelques semaines. Ouais. Mon dernier jour, mais je suis tombé malade, mais abusé, j'ai vomi, chias en même temps. J'étais mangé dans un restaurant. Ouais. Et j'ai mangé du bœuf. Tranquille, tu vois. Tu dis, bon, ben, ça va, le bœuf, ça va passer, machin. Et en fait, arrivé à l'hôtel, je commence à me sentir pas très bien. Je dors. Et pendant la nuit, je me réveille, ça va pas. Et j'appelle le réceptionniste parce que j'ai besoin de médicaments. Le réceptionniste, le mec, il me dit, mais t'as mangé quoi? Je dis, ben, j'ai mangé de la viande. Il fait, mais jamais manger de la viande au bled, jamais! C'est pas vrai. Et je fais, ça va, c'est pas non plus le Sénégal, tu vois. Ils auraient pu le dire aussi. Ouais, et non, je te jure, Emeline, j'étais pas bien. J'ai fait de la température. À un moment donné, je me suis dit, ouais, bon, tu sais quoi, je vais me mettre un petit peu à l'extérieur, prendre un peu l'air. Il y avait le soleil qui me tapait dessus, il faisait 45 degrés, j'avais froid. Ça s'est transformé en asticot dans ton bide. Arrête, oh, purée. Mais si, mais évidemment. Arrête. Mais t'as toujours des problèmes quand tu manges de la viande, rappelle-toi. Ouais, souvent. Et justement, mesdames et messieurs, ça vient d'arriver dans les studios. C'est une surprise dans cette émission. Regardez qu'est-ce qui vient d'arriver. Des verres. Des verres. Et nous allons jouer au baptême de Vince. Et je vais mettre la photo des verres avec du lait sur ta story Instagram. Et en plus, on est vous allez t'écouter en direct des verres. Oh, bonjour, Johnny. Oh là là là là. Hey, bravo. Bravo pour la blague là, bravo. Merci. Bravo. Allez, je te rends tes 50 balles. Bon, mesdames et messieurs, c'est le challenge. C'est le baptême de Vince. Emeline, c'est drôle qu'on parle de trucs dégueulasses puisqu'on vient de ramener des verres ici même dans le studio. Mais des verres, V-E-R-S. Voilà, c'est un truc. Genre un jour je revenais d'une fête, j'avais mangé plein de bonbons et tout. Et le soir même, mes parents ils m'emmènent au restaurant, je prends des gambas, j'ai tout revenu. Ah les gambas, qu'est-ce que c'est bien. Le mélange c'était pas bon. Les gambas c'est des grosses crevettes, mais c'est vraiment des crevettes immenses, on dirait des Godzilla un peu. C'est délicieux. Oui, bah, ça dépend. Hein. Si elles sont bien cuites, si elles sont pas cuites, t'as l'impression de bouffer un truc vivant. C'est plein, avec la petite texture. Voilà, dans un sens. Bon, alors, Fanny, comment tu te sens, Fanny? Alors, ça fait pas bon ménage pour toi, j'imagine. Déjà, comme je t'ai dit, je suis végétarienne. Oui. Et en plus, ça, on a compris, t'as remarqué. Les végétariennes et les véganes, c'est toujours. Je suis végane, je suis végétarienne. Rien qu'à la vue de ce truc, là, je suis vraiment à deux doigts de vomir. C'est pas une blague. Est-ce qu'on a un sac? T'es en PLS d'estomac, c'est ça? Un sac en cuir de vachette. Alors, tu sais que si t'arrives à même m'en faire manger un seul, c'est déjà un exploit. Mais là, le truc avec du lait qui est en train de tremper, mais vraiment tout le bol, là, vraiment, c'est. Genre, mon cœur, il est en train de battre la chamade, là, ça me. Il bat la chamade. Bienvenue sur Nostalgie, bien sûr. Ça bat la chamade, mais pas dans le sens positif. Alors, Thibaut, toi, tu te sens comment du côté du standard? Super, il y a moyen de rajouter un peu de cacao. J'en bouche. Ouais. Et j'adore baptême de vise et j'ai gagné là. Si t'arrives à m'en faire manger un, c'est bien. Alors, attends, le meilleur pour la fin, d'abord, je veux voir Lara. Moi? Oui. Bah, vas-y, donne-moi une. Lara, alors, je précise, ce sont des. Nigel, c'est quoi comme verre en fait? Raconte-nous. Ça, c'est vraiment des verres de farine. En fait, c'est des verres de farine. Et de base, ils ont de la chance parce qu'on devait prendre des verres, des insectes vivants. Ouais. Et on devait en commander. Du coup, on n'a pas trop eu le temps. Et donc, on a pris des verres de farine. C'est des petits verres, on dirait des chenilles. Ça veut dire que c'est des verres qui naissent dans la farine. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Et en plus de ça, on les a trempés dans du lait et ça fait une odeur atroce. Oh non. Délicieux. On dirait des chocos. Je te jure, ça a l'odeur des chocos. Attention, mesdames et messieurs. Ça me dégoûte. On va commencer avec Lara. En plus, ça bouge dans. dans le lait. T'as l'impression qu'ils sont vivants. Lara. Qui a touché à cette cuillère d'abord? Personne, t'inquiète. Arrête de faire ta narreuse là. Attention, Lara met la cuillère dans le bol. Elle secoue les verres qui ont été mélangés au lait comme. On va inventer les nouveaux Kellogg's, les gars. Ça va être sympa. Ça me dégoûte. Tu crois que je vais être malade? Et vous les avez achetés aujourd'hui? Ça va aller, t'inquiète. Vous les avez achetés aujourd'hui ou pas? Oui, ça vient d'aujourd'hui. De toute façon, c'est sec. C'est propre. C'est, oui, oh, ça va, vas-y, arrête de déconner. Hein. Fais de la ASMR. Attends, fais de la ASMR. Fais de la quoi? De la ASMR. Lara se concentre. Très doucement et faire des bruits de bouche. Vas-y, Lara. Attends, parce qu'il y a Nigel qui doit poster sa vidéo, il m'emmerde. Putain, il dit attends, vas-y, j'ai envie de bouffer. Ah, c'est délicieux. Vas-y, ouvre la bouche grand, Lara. Ah mon dieu, rien qu'à la vue. Oh ouais, ça y est, elle l'a fait. Ah, franchement, c'est pas des mâches. Non. Attends, silence, je vais écouter le bruit que ça fait quand elle mâche. Vas-y. On dirait des chips. Ça me dégoûte. C'est pas mal. Oh non! Mais si, c'est pas mal! Alors, tu te sens comment là? Tu sais à quoi ça ressemble? Ouais, un quoi? Chris Proge. Un quoi? Un Chris Proge. Lara, défi réussi! En fait! Eddie, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens prêt ou pas? Mais moi, le problème, c'est pas je me sens prêt ou pas. Le truc, c'est qu'il y a des petites boules noires, mais ça, c'est pas des verres. Il y a des petites boules. C'est les yeux. C'est les crottes de tes lapins. C'est les yeux, je crois. Ouais, ça me fait penser. Hé, hey, Lara, tu triches, tu vas partir vomir! Elle assume pas! Attention, le prochain qui s'y colle. Il y a les petites pattes et tout, mon dieu. Vas-y, je vais. Je tiens à préciser que Lara, elle a fui le studio. Vas-y. Ah, dans il a la bouche. Une énorme bouchée. Oh là, oh là, la grosse bouchée d'Eddie du standard. Pierre. Il mâche. Il a l'air de gérer. Oh, t'es dégueulasse. Oh non. Il a mis en bouche, il a mâché. Des pieds réussis. Ouais. Il est en train de s'enfuir aussi du studio. Ils sont tous dégoûtés. Ah, je comment veux-tu me forcer après ça? Attends, je gagne un pack énergie ou pas si je bouffe tout? Non, mais c'est toi qui les donnes, les packs énergie. Thibaut au standard qui, lui, il les bouffe tranquille. Lui, il est en train de manger, c'est son repas. C'est des chips pour lui, hein, normal quoi. Ils sont tous partis. Il n'y a plus personne. Et il reste plus que toi, Fanny. Fanny. Oui, mais je te dis, moi, je veux. Allez. Ah oui, la raquette. Fanny. J'en prends un seul, si vous, s'il te plaît. Et juste après, on se fait le son de Drake avec In My Feelings. Mais je m'en fais qu'un seul, ça va? Et après, on va se faire le feu de bois challenge de Damso. Je m'en fais qu'un seul. Et est-ce non, que non, j'ai. Fanny, non, une cuillère. Ah non, une cuillère. Nigel va assister. J'ai pris une cuillère, allez, vas-y. Ah, ça me dégoûte. Je suis désolée, c'est pas du tout. Fanny, vas-y. Je prends une petite cuillère. Non, une grosse. Non, allez, du lait. Allez, du lait. Voilà, allez, tu peux mettre en bouche. Elle, c'est le plus dur pour elle, hein. Mâche. Elle va vomir, oh merde. Non, oh, ça va pas, ça a pas l'air d'aller. Ça a pas l'air d'aller. Ne salis pas les studios. Oh, ça me dégoûte. Elle a réussi. Ah, j'ai un monsieur, ça me dégoûte. Ah, ça reste dans la gorge. Si j'ai pas mâché, j'ai tout avalé d'un coup. Ah. Fanny a réussi à avaler les verres qui ont été trempés dans le lait. Ce sont des verres de farine, je tiens à le préciser. Il en reste plus qu'un, en fait, c'est moi. Allez, toi, vas-y, tiens, prends le mon propre baptême. Et Nigel oh, non, moi, je l'ai déjà fait. Hein. Oh, ouais, il a fait tranquille, lui. Lui, il a testé. Tiens. Il me faut un bol, les gars. Hé, Eddie, donne ton bol. Et après, je fais le son de Drake. Ah, moi que Flo, j'ai. Ah, mais c'est dégueulasse. J'ai mis la pub ou je mets le son de Drake? Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, regarde. Là, tu peux mettre la pub. On met la pub comme ça, et comme ça, on est plus dérangé. D'accord, on est plus dérangé. Ça va. Vas-y, je te laisse la caler pendant que. Oh putain, non, c'est dégueulasse, en fait, vu comme ça. Oh non. Non, je pensais pas que c'était aussi dégueulasse à voir là. Non, ça craint. C'est un peu comme quand on se rapproche de toi. Oh purée. Et merci pour cette feinte là, c'est gentil, j'ai noté. Oh la vision d'horreur. Eh mais c'est une vision d'horreur. Personne a un petit bonbon histoire de faire non, passer le goût. T'as dit quoi? N'oublie pas qu'une vidéo Insta c'est 15 secondes. Oh putain. Allez, avale tout horrible. Le bol, tout c'est le horrible. Bol, tout le bol, tout le bol, tout le bol. Non, c'est craquant, regarde. Allez, imprègne-toi du goût. Oh non. Voilà, je vais mettre des verres dans la bouche. En direct des verres. Non, oh, je suis dégoûté un peu quand même. Ah, bah oui. Ah, je suis un peu en PLS quand même. Tu me comprends maintenant? J'ai un peu envie de vomir en fait, les gars. T'es fou, toi? Alors, je sais pas si je vomis maintenant ou après, mais. Bah, après, a priori. Je crois que j'avais mieux de vomir après. Hein. On est d'accord? Ah non, ça va pas. On arrête tout de suite sur Énergie. Ah ouais. Bon appétit, bien sûr! Énergie le soir. Ça se passe avec Vince. Vince, dès 21h. Vince sur Énergie.

I'ma get it for the 301 and the RATPAC. Cause you know I work hard every motherfucking day. Yeah, yeah, yeah. I work hard, I work hard every day. Yeah, yeah, yeah. Avec Marshmello, Everyday sur Energy. Bonne soirée tout le monde. On est en direct et ça va se passer tous les soirs, 21h minuit. Energy le soir. Oh my god. Ça se passe avec Vince. Dès 21h. On est en direct. J'espère que vous allez bien les amis, tranquillou. Vince, 21h sur Energy. Il y a Nigel qui est dans la maison. Comme d'hab. Il y a également Lara qui est dans la maison. Immanquable. La nouvelle Fanny. Hello. Ça va Fanny? Oui. Enfin, j'essaie de me remettre de mes émotions des verres de farine. T'as essayé avec les verres à mettre en bouche? Ouais. Et j'étais comme toi, j'étais aux toilettes. Hein. C'est une question bizarre. Toilettes, hein. Ah, t'as avalé? Bah oui. J'ai fait ça jusqu'au bout, mais bon, même j'en ai pris un peu moins que vous. Mais... J'ai même pas géré mon propre baptême. En général, la première fois, c'est ce que tu fais. Ouais, t'avales. Pour impressionner un peu tout le monde. Ouais, énorme. Hey, 38 vos messages. Ça va le standard là? Comment ça se passe? Et Thibault, là, la vérité, les gars. Attends, je vais amener ton micro, ça va être mieux quand même, vas-y. Ouais, tranquille, ça se passe, hein. Thibaut, il est souriant, il est bien, alors, Eddy. Non, moi, là, aujourd'hui, j'ai cassé mon GSM et j'étais vomir dans les toilettes. Donc... Le bon. Et puis, là, tout à l'heure, il comprend pas ce qui se passe, c'est dur, le standard, c'est pas facile, hein, les gars. Ouais, non, franchement, là, on galère. Et vous avez la partie la plus dure de l'émission, hein, sérieusement. Je vois, je vois la tête d'Eddy, il est en train de se dire, putain, dans quoi je me suis foiré, merde, chier. Comment je vais me sortir de là? Il est en train de réfléchir. Ouais, je crois que je vais envoyer un mot du médecin, je vais trouver une solution. Il a déjà écrit sa lettre de démission. Elle est juste là. Comment tu te sens, Eddy? Ça va. Mais franchement, là, je me suis pas senti bien avec les verres, tout ça. Là, je me sentais pas bien. Et là, j'ai un peu mal au ventre, tout ça. Donc, je crois ça va. Demain, ça va être compliqué pour venir. Je crois que je vais faire une indigestion. Là, je crois. Eh ben, tu seras remplacé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, la bulle. Bon, 23h52, on va un petit peu dépasser, les amis. Juste pour moi, quand même, de remercier Emeline qui est restée tellement longtemps avec nous dans le standard. Emeline, écoute, c'est notre première ce soir. C'est parti un petit peu dans tous les sens, ma chérie. Je suis désolé et merci à toi d'être restée avec nous quand même. Hein. Ah, bah de rien. Non, franchement, ça fait plaisir. On a abusé et j'ai vu quelqu'un dans le standard, il est resté une heure. Genre une heure dans le standard. Non, attends, je crois que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en 2011, tu vois, pour dire à quel point ça fait longtemps. Mais en tout cas, merci pour la patience. Bah, de rien, c'est normal. Et on t'envoie une petite compil énergie pour ta patience. Eh, mais attends, il faut qu'il nous en reste encore. Hein. Ah, il en reste plein. Merci à toute l'équipe. Franchement avec plaisir Emeline. Et t'as envie de passer un petit coucou là, je sais pas, n'importe quoi comme tu le sens, hein. Non, ça ira. Ah bah très bien. Okay. Et bah on gagne du temps. Non, je sais pas, c'est que bah je sais pas. Non, j'ai pas. Bah, peut-être mes parents. Bah écoute, peut-être tes parents, ouais. Ils vont dire mais t'es pas encore au lit. Bon, ça va. Ouais. Et bah. Ouais. Je suis encore au lit, oui. Je te fais un bisou, Emeline. Gros bisous à vous, merci. Bisous, ma chérie. Bisous, ciao, ciao. Bye bye. Et on remercie également, Kevin. Bisous, Kevin. Que tout se passe bien, ma poule. Hey, mon Kevin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Hey, je te souhaite une bonne soirée, mon Kevin. Bonjour. Que tout se passe bien, mon Kevin. Merci. Hey, à bientôt, bye bye, bisous. Hein. Ouais, bisous, ciao, ciao, bye bye. Et nous avons le dernier auditeur ce soir, je trouve que ça va être le dernier. Je pense que ça va être le dernier parce que regarde, il est 23h54, il y a 5 minutes, mais on va un petit peu dépasser gentiment. Ah ouais. Bonsoir Alex, comment ça va Alex? Salut la team. Alex est dans la maison. Hey, Alex, tu viens d'où? De Nevers, en France. Mais purée, mais avec des Français, soit avec des champions du monde, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est incroyable, pour une numéro 10 belge, on est bien quand même. Hein. On est écouté on peut être écouté dans le monde entier. Moi, ouais. J'ai prévenu tous mes potes partout. Ouais, on est une famille, on est tous ensemble. Energy.be, ça y est quoi. Et ben voilà qui fait plaisir. Ouais, et merci en tout cas. Hein. Alors, Divine, si qu'est-ce qu'on dit là? On bouffe à tous les râteliers auditeurs. Lol, après, s'il appelle si t'as 0471. Ah, ça y est, le premier hater. Ouais, ça y est, on a hater. Bah, bienvenue à toi. Écoute, merci d'être à l'écoute de l'émission, ça fait plaisir. Bon, Alex, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle le feu de bois challenge, qui a été inventé par Damso, le rappeur. Hein. Je crois qu'on ne présente plus Damso. Ouais. Voilà. Et le jeu, on peut le présenter? Et le jeu, c'est très simple, c'est que Damso a sorti un son qui s'appelle feu de bois. Ouais. Et au début, eh ben Damso nous balance ça. Baby, baby, oh baby, baby, baby. maintenant. Feu de bois, jeu de voix, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux droit. Feu de bois, jeu de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-moi. Feu de bois, jeu de voix, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi, creux de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Oh là là, hey, attends, c'est une dingue. Attends, est-ce que je peux avoir un beat, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, réflexion intellectuelle, ça devient très très compliqué. Tu peux le remettre une fois? Attends, je vais le remettre, mais d'abord... Oui. Je vais vous préciser le jeu qu'il est. C'est Damso qui l'a inventé sur Instagram, en gros. Hein. Damso, le rappeur belge, il a demandé aux gens, ouais, il a fait le feu de bois challenge, genre, est-ce que vous pouvez le faire? Et donc, tout le monde s'est un peu lancé. Il y a Mister V qui s'est lancé, il y a pas mal de gens. Vous pouvez l'essayer chez vous. Hein. Il suffit d'aller sur YouTube, taper feu de bois, et alors vous prenez les paroles. Et il faut tenter de rapper les débuts des paroles de Damso au feu de bois. C'est la première fois que je l'entends. Mais c'est ah chaud. Ouais, ah oui, c'est la première t'as pas fois écouté l'album Lithopédion, il est lourd. Pas encore. Ah, si. Ah. Non, elle a dit que l'album était trop intelligent, genre elle a pas envie de, elle a pas envie de se concentrer. Faites-moi, c'est vrai que Damso, faut que tu te dis pour l'album. C'est très intellectuel et c'est une intello qui vous le dit. Bah ouais, en plus, donc c'est dire le niveau de Dems, quoi. Ah ouais, c'est... Alors du coup, Alex, est-ce que toi t'écoutes Damso, toi? Ah, pas du tout. Ah, voilà. Est-ce que tu connaissais Damso avant que tu passes pour le jeu du feu de bois challenge? Ouais, de nom, quoi. Mais après, j'écoutais pas tous ses titres, quoi. D'accord. J'ai écouté 2-3. D'accord. Bon, mais écoute, ce qu'on va faire. C'est qu'on va commencer un petit peu avec les gens autour de la table là. Bah, tu sais quoi, non, on va commencer avec Alex. Allez, vas-y. On va commencer avec Alex direct là. Ouais, je le sens bien le petit Alex. Est-ce que t'es prêt? Ça reste le bordel, mais c'est pas grave. C'est vas-y. Attends, et on a l'instru? Fais ça, ouais, je vais mettre le son direct et puis après je réduis le son et il se débrouille. Ah d'accord. T'es prêt? Ah ouais, comme ça. Vas-y. Attention. Bye, bye. Et essaye de l'autre côté de la radio aussi. Bye, bye. Oh, bye, bye. Tapez feu de bois sur internet, écoutez la radio et essayez de tenter le là. On y va. Feu de bois, je te vois, suis-moi, je te vois pas, suis-moi, je te vois toi, feu de bois, je te vois, un, deux, deux, et te vois, un, deux, trois, et te vois. Non, c'est raté, non. Ah, c'est le bordel, c'est impossible. Non, c'est raté. Attends, je vais te le remettre et je vais couper le son parce qu'on n'a pas ta voix en même temps que le son, c'est normal, il y a un décalage. Donc je vais remettre, tu rappes dessus. Et je vais couper le son. Toi, tu l'entendras. En fait, plus personne l'entendra. Je te laisserai en acap. Voilà. Ouais, en fait, je vais faire acapella, quoi. Vas-y, on y va. Bye, c'est chaud, hein. On y va. Feu de bois, je te vois, suis-moi, je te vois pas, suis-moi, je te vois, toi, feu de bois, je te crois, aide-nous, feu de bois, je te vois, tu me dois, tu veux. Vas-y. Et c'est rappé. Ouais, pas vraiment rappé. Ouais, c'est raté. C'est raté, quoi, t'as vu. Bon. Ah ouais, non, mais... Ouais, c'est infaisable. On va tenter avec qui? On va tenter avec Fanny. En fait, moi, je vais t'expliquer quelque chose. Je suis une grande fan de l'homme pâle. Ouais. Mais l'homme pâle, il vient casser notre délire là. Non mais il rappe super lentement, l'homme pâle, tu vois. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que même l'homme pâle, j'arrive pas à suivre ses paroles. Ah bah ça va être drôle, c'est génial. C'est ridicule. Bah ça va être mignon. Oui. Allez, c'est parti. Tu veux le son? Let's go. C'est déjà raté. J'ai même pas réussi à faire les... Hey, c'est chaud. Ouais, c'est non, chaud. J'arrive vraiment pas. Alors, tu sais quoi, on va essayer avec Eddie du standard. Eddie, t'es prêt? Allez, Eddie. Eddie, je sens, il va mettre une claque. C'est bon, je l'ai, c'est bon. Bah, j'étais pas prêt, mais là, maintenant. T'as la rage, elle s'est entraînée, mais pourquoi? Mais ouais, elle s'entraîne. Pourquoi? Non, en écoutant, mais attends, tu crois que les auditeurs sont quoi? On met Lara maintenant. Vas-y, Lara, attends, on va passer à Lara parce qu'elle a fait la maline. Eddie, tu nous excuses, tu restes avec nous. Oh, j'ai peur. Vas-y, Lara. Feu de bois, jeu de voix, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, jeu de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-moi. Feu de bois, jeu de voix, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi, creux de joie, que des rois, feu des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Oh elle est chaude. Oh là là là. Elle a eu se faire laminer. J'ai mon cœur qui bat. Oh purée. En même temps, Lara, c'est une artiste, elle chante et tout. Ouais, mais sur le que des rois fait des bois, elle a fait se faire laminer. Eh, hey, t'as pensé quoi là, Alex? Je suis tellement impressionnée. Ah, elle a pas entraîné, moi, c'est pas possible. Non, je viens d'entendre pour la première fois la chanson, je vous jure. C'est en vacances, fais-moi la paix. Et là, on nous dit dans le morceau surcoté de Damso, il a fait pire que feu de bois. Attends, on va faire le surcoté challenge plus tard, pas aujourd'hui. Le cœur qui bat à mille. Et signez vos messages, comme ça on fait connaissance, les amis. Par SMS à 3018, si vous envoyez des textos, on est en direct. Il est minuit et l'émission continue. Ouais ouais ouais. Bon, pas trop longtemps, je dois aller à Hermel sous Argenteau, près de Verviers, viser Liège, là. Donc on va rester concentré sur la route. Attention, vous êtes prêts? Ouais. C'est Nigel. Non, c'est Fanny qui s'y colle. T'es prêt? Encore? Non, non, ça fait, elle a déjà fait, ouais. Si, si, elle a déjà fait, elle a déjà fait. Eddie, t'es prêt, Eddie? Eddie qui s'y colle, Eddie du standard. Vas-y. Oh baby, baby, baby. Feu de bois, jeu de voix, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, jeu de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-moi. Feu de bois, jeu de voix, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi, creux de joie, queue de roi, fais des mois, fais ce que t'as fait de moi. Il a raté la fin. Ouais, mais attends, c'est super. Bah ouais, il a raté. Mais arrête, ça. Mais lourd. Qu'est-ce qui se passe, Thibaut du standard? Qu'est-ce qui se passe? Je suis chaud à essayer. Ah, t'es chaud à essayer? Ouais. Le mec, il s'est incrusté, mais comme il s'est incrusté, on le met pas. Eh ben, okay, c'est au tour de Nigel. Vas-y, Nigel. Allez, Nigel, mon baby. Allez, c'est l'auditeur qui veut essayer, il envoie Damso au 63, pardon, au 38. Feu de bois, je te vois, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, jeu de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-moi. Feu de bois, jeu de vois, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi. Coup de joie, que de raté, roi, raté, que raté, raté, raté, raté, non, non, il a juste respiré. Mais non, j'ai juste respiré, j'étais juste. Hein. Ah, ok, bah ça va. Mais remets-moi, poula, poula, poula, poula. Ah, mais non, ça se fait pas là, j'ai ma respiration. Il a fait deux fois lui. Mais ouais. Et envoie Damso au 30-18. Si tu veux essayer. Feu de bois, jeu de vois, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, jeu de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-moi. Feu de bois, jeu de bois, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi, creux de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Oh là là, joli, joli, ça va. Ouh, ouais, franchement, c'est sympa. Deux fois de suite, c'est chaud, hein. Niveau respiration, c'est chaud. Ah non, mais ça c'est, va, ça pète pas. C'est compliqué, c'était très sympa, mine de rien. Bon, attends, je vais tenter. À toi, Vince. Vas-y, laisse tomber. Vince, c'est le rythme à l'état pur. Non, que dalle. C'est zéro flow. Allez, ouais. On va le voir. Hey, Vince, son rythme, c'est inné, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je coule, moi. J'ai pas de flow. Attention. Baby. Allez, je vais essayer. Baby. Oh, baby. Baby. Baby. Feu de bois, jeu de voix, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, jeu de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aide-nous, aide-moi. Feu de bois, jeu de voix, tu me dois, deux, deux, trois, montre-moi, tu me dois. Qu'est-ce que t'as fait de toi? Vas-y. J'ai perdu ma respiration, j'ai raté. Non, t'as gagné, c'est toi qui as gagné, t'es le meilleur. Ouais, c'est vrai, c'est moi l'animateur de l'émission. Allez. Eh, c'est chaud. Bah, allez, vas-y, Thibaut. Franchement, je crois que c'est celui qui va faire une claque. Vas-y, t'es prêt, Thibaut? Dums. Vie. Oh, oui, bébé. Ouais. Dems. Feu de bois, jeu de voix, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Hey. Feu de bois, jeu de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-nous, aidez-moi. Feu de bois, jeu de voix, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi, creux de joie, que de roi, fais des popées, fais de moi ce qu'on a fait de non moi. Non, non, non, non, non, non, non, fais des popées. Il a dit, fais des popées. J'ai pris les autres paroles. Mais bravo. Et la voiture s'est crachée. Non, allez. C'est comme quand tu fais tout bien et à la fin tu fais un créneau de merde. Est-ce que tu veux recommencer? Non, ça va. Non, ouais, non, okay. Ouais, allez, vas-y. Tu termines sur une défaite? Non, non, allez, je peux pas rester comme ça. Allez, concentre-toi. T'es prêt? Oh, ouais, ok, vas-y. Eh ben non. Et c'est la fin de l'émission. On y va. Baby. On y va. Oh, baby. Yeah, yeah. Baby. Sur énergie. Feu de bois, jeu de voix, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, jeu de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-nous, aidez-moi. Feu de bois, jeu de voix, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi, creux de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Oh, c'est le mieux. Ah, il a tué toute l'équipe. Eh, franchement, il y a du flow de ouf. Canon. Moi, j'ai aucun flow. Grave. T'as le flow. Voilà. Mesdames et messieurs, attention. Quoi? C'est la fin de l'émission. Il est minuit 4. Oh. 3 heures ont passé à une de ces vitesses. Ouais. Merci à Flo qui m'a aidé pour la table de mix. Merci à Nico et Kim qui nous ont accompagnés. C'est les boss de la radio. Ils nous ont accompagnés, ils ont soutenu. Et à Soleil. Qui nous paye. Voilà. Ils nous payent à se vautrer à l'antenne. C'est génial, j'adore ce métier, c'est incroyable. À Solène également qui a fait les réseaux sociaux. Merci à vous. On n'a pas pu prendre tout le monde, c'est quoi? On n'a pu faire que 30% de ce qu'on avait prévu de faire. Ouais. C'est ouf. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouvera demain en forme, en force, avec de belles aventures. Mais nous allons terminer cette émission avec des places. Oh. 4 places à offrir maintenant pour faire un battle card à Moucron. Une fois 4 places. Oui, une fois 4 places. 4 places à offrir d'un coup. Ouais, c'est ça. T'as compris. Con, lui. Putain, c'est la même chose. Une fois 4 places. Ouais, mais 4 places, ça peut être 4 personnes. J'ai dit 4 places. Attends, j'ai dit 4 places à offrir. Ouais, mais pour une seule personne. Oui, pour une seule personne, d'accord. Et sinon, il aurait dû 2 fois 2 places. Ouais, voilà. Ou 4 fois 1 place. Mesdames et messieurs. Oh, mais que. Nous allons jouer au mot de la fin. Le principe du mot de la fin, c'est simple. Toute l'équipe joue, et vous aussi les auditeurs. La première personne qui m'envoie la bonne réponse au 30-18 gagne. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus compliqué. Ouh là là. J'ai un mot en tête. Vous avez proposé des mots au 30-18, ici autour de la table. Plus ça se rapproche du mot final, plus je dirais c'est chaud. Plus ça s'éloigne, plus c'est froid. Première personne qui trouve gagne. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Je répète, I repeat. Are you ready, motherfuckers? Oh yeah. Ah, je vais mettre une autre musique. Ouais, je peux mettre ça, c'est bien. Attention. J'adore parce qu'on a Alex qui est toujours avec nous. Alex, tu peux jouer avec nous si tu veux. Ah, je n'ai pas de soucis. Tu proposes des mots. Ok. Attention. Est-ce que j'ai un mot en tête? J'ai un mot en tête. Waouh, c'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. C'est parti, on commence. Tour de table. Par Nigel, c'est parti Nigel. Un avion. C'est froid. Une télécommande. C'est froid, allez-y au 30-18. Hein. Un ordinateur. Un ordinateur, c'est froid. Hashtag Vin sur l'énergie sur Twitter si vous voulez. C'est froid l'ordinateur. Thibaut. Un téléphone. C'est froid. Un verre. Un verre, c'est froid. Flo, tu peux jouer avec nous, Flo, vas-y. Voilà, tu prends le coup. Une lampe. C'est froid. Un radiateur. Radiateur, c'est froid. L'espace. Premier qui trouve gagne ses accès pour le Battle Kart. C'est un véritable Mario Kart qu'ils ont fait à Moucron. Vous êtes sur un karting, en fait, vous faites du karting nocturne. Sauf qu'à un moment donné, c'est trop fort. Vous roulez sur des sortes de petits hologrammes au sol. Et ça vous donne les options qu'il y a dans Mario Kart. C'est énorme. C'est-à-dire que vous voulez balancer une banane, vous la balancez, le mec derrière, il est paralysé, il ne peut plus avancer. Ça tue. Une course, mais excellente. On va envoyer message, c'est froid. Manger, c'est froid. Moi, j'ai dit l'espace. L'espace, c'est froid. Lunettes, c'est froid. Karting, c'est froid. Ma bite. Mario, c'est froid. Pas dans ton micro, frère. Ouais, de préférence. On m'a proposé bois. Bois, c'est froid. Un bic, c'est froid, les amis. Vince. C'est froid. Une personne. Bien que ça peut être chaud, mais c'est très léger. C'est, non, on va faire gaffe à ça. Une personne. C'est froid. Un objet. C'est pas un objet. Mais c'est pas un mot, c'est pas ça. Merde, j'ai grillé un truc, c'est que c'est pas un objet. Un chat. Je viens de dire que c'est pas un objet. C'est froid, un chat. C'est un animal. On m'envoyait bleu, c'est froid. Panthère, c'est froid. Feu, c'est froid. Est-ce que si c'est pas un animal, est-ce que c'est un végétal? Non, c'est froid. Une idéologie. C'est le plus proche, on va dire. Hein, c'est... La philosophie. Non, mais on est trop loin là. Il va falloir faire mieux, les amis. Hein. On est loin de tout là. C'est un manga. Un manga, c'est froid, non. Une marque, c'est. Non, c'est froid. On envoie radio, c'est froid. Énergie, c'est froid. De l'eau, c'est froid. Vous allez y arriver, les amis, j'en suis sûr. Flo, tu proposes quoi comme mot? Le ciel. C'est froid. De l'essence. C'est toujours froid. Eh hey, les gars, vous galérez. J'ai pris un mot, mais pourtant qui est d'une simplicité. La musique. C'est froid. Un son. C'est froid. Non, la musique. Manga. Ouais. Non, c'est froid. La glace. Non, c'est froid. Oh là là. Je suis désolé. Pas une voiture. Je suis désolé. Je vais pas relever cette blague de merde parce qu'il a dit la glace, c'est froid. Il est mignon. On m'a envoyé champignon, c'est froid. C'est énergie, c'est froid. Animateur, c'est froid. Oh là là. Quoi, il a trouvé? On m'a envoyé une année. Ah. Alors année. C'est jusqu'à maintenant, dans tout ce qui était proposé comme mot, année, c'est le plus chaud. Année est le plus chaud. 2017 ? C'est froid. Saison ? C'est. Ça peut être chaud. Ça peut se réchauffer un petit peu. Ouais, surtout l'été, il fait chaud vas-y. En été. Non, c'est pas ça. C'est encore très légèrement froid. J'ai dit vas-y, j'ai pas dit. Ah, t'as dit vas-y ? Ouais. Bah, vas-y, c'est pas bon. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'était. Pourquoi t'as pensé quoi ? T'as pensé que j'ai dit quoi ? Non, vas-y. Alors, moi, vas-y. Je pense à une DeLorean. DeLorean ? Ça se réchauffe, mesdames et messieurs. Merci. Ça se réchauffe. Futur, c'est brûleur de ouf. Attention. Booba. Attention, je regarde ce qu'il y a.